Cette saison s'annonce mouvementée et pleine de belles surprises. Tous les dimanches, retrouvez votre bande de potes de 20h à minuit sur Énergie. C'est Domingo Radio Stream. Ah oui. Bonsoir tout le monde, il est 20h01 et ça y est, c'est parti pour Domingo Radio Stream. On est le 23 décembre, veille de Noël, j'espère que vous allez bien, une très belle soirée qui nous attend encore une fois. Je suis content de vous retrouver, voilà, je vous le dis, ça a été une très longue semaine, il s'est passé beaucoup de choses, on va vous raconter tout ça. Ça nous fait super plaisir, encore une belle soirée ce soir qui arrive, avec un invité à 21h, enfin un petit peu moins, 20h45, vous connaissez, ça sera Mami Twink, presque 1 million d'abonnés sur YouTube. Alors c'est un collectif, hein. Ils ont commencé sur World of Warcraft. Désormais, Il y avait du Hearthstone aussi. Désormais, ils font de l'exploration urbaine, donc ce qu'on appelle de l'urbex. Ils sont un petit peu partout, ils visitent différents lieux. Il y a aussi de l'histoire. C'est quelqu'un de passionnant. Moi, j'ai eu l'occasion de tourner une vidéo avec lui il y a à peu près un mois. On avait fait de l'avion de chasse ensemble. Le dernier à Mixem aussi, j'avais fait de l'avion de chasse. Ça serait bien, mon cher Lou, qu'on entende Alicia au début de l'émission. Mais bien sûr. Allô ? Ah, voilà. Oh, salut. Mais avant ça, comment vous allez, mes petits potes Zank ? Comment tu vas ? Ça va, tranquille. Écoute, hein, mec, petite semaine au calme. Là, je me suis acheté, vu que là, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de musique, je me suis acheté un casque que je reçois ce soir. Ouais. Bon, là, avec les fêtes, j'espère que je l'ai reçu. Normalement, je le reçois avant 22h. C'est ton cadeau de Noël. On attend, je me suis acheté un casque. Non, pas chez Energy, j'aurais kiffé. Bien, mais je l'aurai à la maison et du coup, comme ça, je pourrais refaire des musiques. Là, je me suis téléchargé Auto-Tune et tout. Du coup, je vais pouvoir tester des trucs. On verra pour 2019, je pense. Mais c'est un peu un casque comme on a ici dans les studios. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, donc un truc un peu musical. Alicia, Dwag, comment vous allez, Alicia? Ça va? Ouais, ça va. J'ai eu pas mal de mouvements, moi, cette semaine, vu que je suis en train de à moitié déménager. Du coup, le jour je travaille, à la nuit je déménage. C'est quand même un. Comment ça, à moitié déménager? T'as trouvé ou pas? Parce que ça fait longtemps que tu cherches, toi, maintenant. J'ai pas encore trouvé d'appart, mais je dois quitter le mien. Du coup, j'emménage dans un endroit de fortune pour ensuite déménager. Tu es sous un pont ou pas, Alicia? On peut t'aider. Non, ça ici. Va. Pour l'instant, j'ai encore un toit. Ok. Et pour l'instant, tout se passe bien, mais juste, je dois déplacer mes affaires. Et quand tu dois bouger tes affaires et que tu sais que peut-être dans 2 semaines, tu les redéplaces. Ah, c'est le moment relou. C'est genre. Donc voilà. Ça, c'est le moment clairement relou. Je vois Dwag. Comment tu vas, Dwago? Bah, ça va aussi. Grosse semaine. Hein, T'as un petit Père Noël autour du cou? Bah, ouais, c'est Noël demain. C'est beau, ça, dis donc. C'est mon petit Père Noël en collier. Ouais, c'est très sympa. Il m'accompagne partout, il me donne la joie et la bonne humeur qu'il faut. Et la sophore, on se dimanche. Un petit peu de sophore. Un max de sophore. Ça fait toujours du bien, un petit peu de sophore. On a bien sûr, comme chaque semaine, Lou à la réalisation. Bonsoir. Ça va, mon Lou? Ça va super bien. Bah écoute, t'as une belle voix. Merci. Il est stylé aujourd'hui. Si t'as vu la semaine dernière, on a eu un débat avec Amixem. Est-ce qu'on peut rire de tout, surtout sur Internet? Lou avait pris la parole. Il a été encensé dans les commentaires YouTube. Ça a été vraiment meilleur. Il y a un commentaire, il y a 150 likes dessus. Et dessus, écrit Lou, t'es le boss. C'est que ça, c'est Lou, t'es le meilleur. Non, mais c'est vrai que la semaine dernière, on a fait pas mal de vidéos, bah, comme d'habitude, hein, sur la chaîne Domingo Radio Stream, que vous pouvez retrouver presque, je crois, on a 130 000 abonnés là. Et en vrai, c'est monté de ouf. Hein. Ça arrête pas de monter. Voilà, on vous propose différents trucs. Dès qu'il y a des invités, c'est là-bas. Et vous pouvez aussi nous voir, tout simplement, comme sur Twitch. Ça sera vers 20h45 au moment de l'invité. Pour parler de l'émission de ce soir, qu'est-ce qu'on vous a prévu, comme d'habitude, 20h30, qui est le menteur? Va y avoir 3 anecdotes, une seule sera fausse, va falloir que l'auditeur trouve laquelle est fausse pour qu'il puisse repartir avec le Google Home Mini, si jamais bah, il se trompe. La semaine dernière, on l'a fait gagner sur Twitter, j'ai vu que ça avait fait des heureux, mais d'ailleurs on doit faire le tirage au sort, je crois qu'il faut qu'on annonce qui a gagné le Google Home Mini. Il vous reste encore quelques minutes sur Domingo sur Énergie si vous voulez retweet. On va avoir ça, Mami Twink 20h45, 21h30. Dans le Too Fast avec une PS4 Pro, je joue ce soir. Oh monsieur, ce soir, je vous le dis, je joue, j'explose tous les records. Boss du Too Fast, mec. Ouais, je me sens bouillant. Dwag, on parle de quoi dans le débat de la semaine? Ah bah ça va être intéressant, ça parle de l'affaire du siècle là directement, ça met l'eau à la bouche. En gros, ça s'est passé il y a quelques jours, mais pas mal de stars, si on peut dire ça comme ça, françaises se sont mobilisées pour un petit peu informer les gens par rapport au climat et surtout attaquer l'État en justice parce qu'ils ne respectent pas leurs engagements. Et ça, c'est quelque chose. Ouais, clairement, c'est gros tout ça. Ça fait l'actualité. Moi, je me suis fait spam, j'avais pas trop vu. Tout le monde m'a spam. Ouais. On dirait Domingo, regarde ce qui se passe et tout. Donc, on va en parler. 1,6 million au niveau des signatures déjà. Et ça fait beaucoup de monde. On a Valentin qui est avec nous à l'antenne. Salut Val. Salut Domingo, salut tout le monde. Salut. Ça va ou quoi? Ça va très bien et vous? Bah écoute, ça va. Ça va le week-end? T'as préparé tous tes cadeaux de Noël et tout? J'ai presque tout préparé. Aïe aïe. Normalement, il manque des gens. Il manque des colis Amazon surtout. Aïe aïe aïe. Ils sont pas encore arrivés. Le moment de l'attente. Ça c'est dur hein, parce que c'est vrai que ça peut être un peu le. Bah là en plus on est sur les derniers jours, c'est coup dur hein, si tu le reçois pas. Hein. Ouais, faut le recevoir demain. Tu fais, tu fais quand Noël toi? Le 24 au soir ou le 25? Le 24 au soir. Et moi je suis plus team 25. Est-ce qu'il y a des gens team 25? Non. Moi je fais 24 et 25. Brice qui est au standard. Non mais c'est vrai en plus. Bah, généralement ça se passe comme ça, ouais. Moi famille, famille séparée. Il y a un petit 24, mais il y a un gros 25. Il y a un gros 25, je vous le dis. Côté du 25. Bah écoute Val, on va te reprendre juste après, on va se mettre un petit son. Et maintenant c'est devenu un rituel. Hein. Chaque émission dans Domingo Radio Stream, on démarre par Dadju Jaloux. On se met ça, on revient juste après. De toute façon, vous le savez, ce soir, l'invité c'est Mamie Twink. Nous on est là jusqu'à minuit, vous écoutez Domingo Radio Stream sur NRJ. Avec moi y'a pas d'histoire de c'est juste un ami. Ah, à qui tu veux faire avaler? Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble on est stylé. C'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Les hommes je les connais. J'ai moi-même été de l'autre côté. Oui j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie tu es jolie avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis. T'es mieux que ça Balotelli. M'en veux pas de me méfier. Homme, femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Évidemment, je suis jaloux. Bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Enlève-moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit. Sois pas naïf, non méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde. En commençant par le sexe opposé. Si je te dis méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde. C'est que mon tour finira par arriver. Oui j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie tu es jolie avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis. T'es mieux que ça Balotelli. M'en veux pas de me méfier. Homme, femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Jaloux. Jaloux. Jaloux. Jaloux. Domingo Radio Stream. Tous les dimanches. De 20h à minuit. Sur Énergie. Oui, oui, oui, oui, on est là tous les dimanches soirs, vous le savez. On vous a prévu en plus une petite surprise pour l'émission de la semaine prochaine. Vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons. Hein. C'est vraiment. Oh, yo, c'est... Yo. Ouais, ah, cette expression si vieille. Eh ben non, mais c'est Amixem qui avait remis ça au bout du jour. Tu dis Tanas alors, s'il te plaît. Pardon. C'est vrai que ça dit un peu Tanas. On était en train de parler de Noël, puisque c'est demain. Enfin, c'est demain soir, le 25. Mais vous ouvriez vos cadeaux quand vous étiez petit, le 24 au soir? Non, à minuit. Non, à minuit. Ah, voilà. Fallait attendre minuit pile. Ah, moi, c'était le 25 au réveil, moi. Non, mais du coup, le 24, c'était le repas avec toute la famille et tout. C'est ça. Ah, mais fallait veiller hyper tard. Bah ouais, c'était dur. Putain, vous êtes chaud. Après, c'était bien parce que quand t'avais ton petit jeu ou quoi, tu savais que t'avais ton jeu ou quoi en sortie. Moi, j'attendais devant le sapin, mec. Non, mais du coup, après, tu devais aller dormir. Ah non, moi, je dormais pas. Tu ouvrais le jeu. Et après, les parents, ils disaient, allez, maintenant, tu joues 10 minutes. Ouais, et voilà, tu dors. Bon, okay. T'avais trop le seum après. Du coup, t'étais dans ton lit, là, genre, ah. Moi, je me souviens, le 25, je me réveillais, et puis bah, j'épluchais mon orange que j'avais en cadeau de Noël. Et ton croissant. Et voilà, et la vie continuait, tout simplement. Oh là quoi. Là, T'as réussi depuis, hein. Bah, c'est quand même démarré de loin. Ah, je peux te dire qu'il est parti d'une mandarine et maintenant regardez en fait. Mais sans la mandarine, on serait pas là. Bon, vous avez fait quoi de cette semaine? Moi, j'ai eu une grosse semaine. Hein. Je vous racontais, j'ai fait plein de trucs en stream. C'était hyper cool. Toi, c'est juste dingue en fait. Il va me tailler toute la soirée ce matin. T'as fait quoi, Zang, toi? Franchement, pas grand chose. J'avoue que j'étais un peu malade là cette semaine, donc j'ai un peu give up la santé récemment. Donc c'est pour ça, on va essayer de reprendre un peu tout ça en main. J'avoue que j'avais pas mal mal au ventre et tout. Du coup, j'avoue que je me sentais un peu diminué. Je vais pas vous mentir, du coup mollo. Et bah, là ça va, là, cette semaine, ça va pour l'émission. Bah, c'est bien. Tu as prévu de rentrer voir ta famille un peu? Ouais, je rentre demain. Je rentre demain, quelle heure? 14h, ouais, j'ai mon train. Tu sais, j'étais en train de réfléchir, ouais, c'est la galère de ouf. Mais ouais, demain. Dans sa tête, il s'est dit, faut que je mette une alarme. Non, mais ouais, c'est chaud, ouais, quand même, c'est 3 heures de train et tout, c'est chiant. Ça va, 14h. Ah, c'est dur les trains maintenant. 14h, ça devrait aller quand même. Je crois qu'on a changé. On a l'impression que c'est un vrai problème là dans sa tête. Parce qu'il faut qu'il fasse ça. Mais je pense que c'est vraiment un problème. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais 14h, c'est pas un problème. Non, pas l'horaire, mais prendre le train et aller jusqu'à Gare de Lyon, c'est chiant. Ouais, oh, moi je pense que ça ira, tu vois, il y a pire. Nos ancêtres ont connu des problèmes bien plus graves. Ouais, dans l'ensemble, vrai, ça va. Alicia, toi, est-ce que t'as fait tous tes cadeaux de Noël? C'est bon, tout est prêt? J'en ai fait quelques-uns, mais moi j'ai eu un problème à ce Noël-ci, c'est qu'il y a une nouvelle qui m'est tombée sur le coin du nez. Aïe. C'est qu'en fait, de base, moi j'ai rien de. En gros, ma famille habite loin, et du coup, ça fait 2-3 ans que je fais pas vraiment Noël parce que bah, je peux pas rentrer avec le prix des trains et tout, c'est galère. D'ailleurs, une personne sur 9 fait Noël tout seul chez soi. Bah, ouais, c'est super triste. Et du coup, j'avais rien de prévu. Et il y a 2 jours, il y a mon chéri qui reçoit un appel de son père. Et du coup, il parle, c'est avec son père et tout, tranquille. Moi, j'étais à côté, je faisais mon bail. Et il se tourne vers moi pendant qu'il est au téléphone. Alors. Avec son père. Et il fait mon père demande si tu viens pour Noël. Oh là là. Et du coup, j'ai le piège. Je ne peux pas dire non. Le piège qui se referme. Du coup, demain, je fais Noël dans la belle famille. Ouais. Sachant qu'il y a les grands-parents qui viennent et qui parlent pas français puisqu'ils sont portugais. Oh, c'est tant mieux ça. Quoi? Ah non. Mais c'est horrible, c'est je vais arriver, je vais être là, je peux même pas leur dire bonjour. Non, ouais, j'ai l'impression que portugais. J'ai l'impression que Doig est dans un monde alternatif. C'est genre dans ce genre, il est en mode non, mais ça va y aller. Long. Non, mais mec, quand t'es. Non, mais oui, mais voilà, mais une fois que t'es à ce dîner, c'est ouais. Mieux quoi? De parler aux grands-parents, essayer de s'intéresser un peu, ou de ne pas pouvoir leur parler parce que tu les comprends pas? Mais en vrai, il est en face de toi. Ils peuvent pas te détester ou t'aimer dans tous les cas, parce que dans tous les cas, ils vont pas comprendre. Oui, mais justement, du coup, c'est horrible. Donc ils seront neutres. Non, mais du coup, ils vont peut-être parler portugais toute la soirée quand Alicia va. Après, elle va encaisser, elle sait faire. Bah, je lui mets la Switch dans les mains. Il y aura de la bûche. Hein. Ouais, voilà, la Switch et la bûche. Elle va capturer du Pokémon toute la soirée. Ça va bosser. Elle va aller voir le grand-père Ven Smash. Un petit Smash. Ah là là, c'est. Elle va répondre en portugais, elle va pas capter. L'accent portugais est tout chillé. C'est pas l'accent portugais, quelqu'un connaît? Deux. En vrai, c'est chaud à faire. Pas tout d'air. On s'est pas tenté, tu vois. C'est ça un peu. Si tu fais tout doux, Béo. C'est Brésil, ça. Ouais, après, je sais pas si c'est. Chaleur. C'est la même langue, quoi. Ouais, mais c'est pas le même accent. C'est la même langue, mais l'accent est différent, ouais, j'avoue. Ok. Parce que brésilien, c'est plus les équiers. Ouais, ça. Il y a des yaou. Ouais. Gol. Peut-être que tu es au Portugal, c'est pareil, hein. Bah, je sais pas. On y va bientôt. Quand c'est vrai qu'on va aller au Portugal, ça a l'air hyper cool. Ça a l'air d'être un pays. Clairement, j'y suis jamais allé ou quand j'étais tout petit. Oh, et fou, ça a l'air pareil, hyper beau. Les gens sont hyper agréables, hyper chaleureux et tout. Donc, on va se faire ce tout petit voyage en avril avec Doig. Voilà, je vous le dis, ça va être très sympa. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette semaine, moi, j'ai organisé plein de trucs en stream. Mercredi, on a fait un tournoi de foot sur ma chaîne Twitch où il y avait 4 équipes de streamers, donc la Stream Team, l'équipe avec dans laquelle je suis avec Doig, ouais. Il y avait le Stream, donc la chaîne sur laquelle tu streams, ZNK, ouais. Il y avait aussi les Man, donc une équipe quoi, de un peu de joueurs Fortnite composée donc de Broken, de Carbon, le petit frère de Gotaga, de Mikalo, d'Akitio. Il y avait qui d'autre? Et la dernière équipe, c'était les Indés, donc voilà, Bruce Granek notamment qu'on avait eu ici aussi, Sardoche, Coteil. Moment, exactement. Donc plein de streamers, c'était hyper cool. Il y avait beaucoup de gens, on était 30 000 sur le Zach stream. Na. Et nous avons soulevé notre coupe. Oh voilà, là, nous avons soulevé la coupe. Franchement, les gars, vous organisez des tournois, vous les gagnez, c'est pas cool quoi. Mec, on est trop fort. Les gars, calmez-vous. Quoi. 100% de réussite sur vos tournois de foot. Hein, bien non, mais tu sais que là, après le match, il y a un mec que j'ai croisé dans la rue, il a demandé une photo avec mon pied gauche. Ouais. Genre, j'étais en mode non, mais quand même. Je sais que j'ai une belle frappe, mais quand même, s'il vous plaît quoi. J'étais là. Lou m'a regardé en mode ça l'a vraiment pas fait rire là-bas. Non mais je pense qu'il se demandait si il est choqué. C'est des choses qui arrivent en fait quand t'as un talent comme ça, Lou. C'est quand tu peux juste changer le jeu d'un coup. Mais c'est vrai que c'était une semaine cool avec ça. Et aussi samedi on a eu le live cuisine qui était vraiment sympa. Ouais. Bah hier soir c'était. Oui, c'est vrai que c'était hier. C'était hier soir, on a organisé avec Doig sur ma chaîne aussi Talk Chef. Donc voilà, on a voulu faire une petite émission de cuisine où il y avait encore une fois des streamers qui s'affrontaient, quatre équipes de deux. T'as regardé Lou ou pas ça? Ouais, j'ai regardé un petit peu, ouais. Parce que je sais que de temps en temps, tu regardes ce qu'on fait. Ouais, je regarde toujours ce que vous faites. Bon, pas toute l'émission à chaque fois, mais je regarde un petit peu, j'ai beaucoup aimé. Ouais. C'est rigolo. Parce en fait, c'est réalisation type TV, alors en plus que c'est du direct, mais pas avec les mêmes moyens. Mais on garde ce naturel et cette simplicité qu'on a sur Internet. Donc, ouais, les images, c'est pas des choses que tu vas voir pour la première fois. Ça reste des gars qui font de la cuisine et qui savent pas en faire. Mais à côté de ça, on a vraiment ce même ton Internet, un peu gamer, ouais, de temps en temps, avec des mots qu'on utilise, qui plaisent forcément à nos communautés. Donc, avec un vrai chef, c'est cool aussi. Et il y avait une vraie chef qui carré. Hein. Le naturel que vous gardez, on l'a vu à la tête de votre assiette. Hein. Par contre, tout le monde a fait des trucs de ouf. Nous, on était ensemble, Doig et moi. Ouais. Qu'est-ce qu'on a été nuls. Votre assiette, elle était moche. C'est la première fois que j'ai eu à bosser du poisson de ma vie. Ouais. Jamais. Mi-cuit, mi-vivant. C'est jamais le truc que tu fais quand t'es tout seul chez toi, du poisson. En partant du vrai poisson. Parce qu'en gros, on avait un panier surprise où le chef avait préparé donc des étapes. Il y avait deux demi-finales. Et panier surprise, on se retrouve avec une truite, mais avec la tête de la truite, la peau tout, et quoi. Tout. Et il y avait 4-5 autres ingrédients qu'on devait utiliser. Genre un peu de. Mais pas des trucs de ouf, genre un radis un peu chelou, des cacahuètes, tu sais, où un citron japonais. Où tu te dis, tout va se jouer sur le poisson, quoi. Voilà, c'est ça. Et nous, on a fait une bouillie. Donc, on a été assez vite éliminés, mais en tout cas, c'était très cool et ça a bien plu aux gens. Donc honnêtement, une très bonne semaine de mon côté, un peu fatigant, mais voilà, c'est la dernière semaine avant une petite semaine de vacances. Je vais vous raconter ma vie ce soir. Voilà, je vous le dis, ça va être du racontage de live comme jamais. D'ici 15-20 minutes, on va jouer à qui est le menteur. Trois joueurs, trois animateurs, trois nous qui allons participer, trois anecdotes. Une seule sera fausse, l'auditeur va devoir deviner laquelle est fausse. Si jamais il le devine, il repart avec un Google Home Mini. Si vous voulez participer, c'est 0870-42-48. N'hésitez pas, il y a encore de la place. On a déjà des gens au standard, c'est beau. Je vous dis, on va se mettre une pub, on revient juste après. De toute façon, 20h45, pas du tout Mixem, Mamie Twink est avec nous dans Domingo Radio Stream. Vous bougez surtout pas, on est là jusqu'à minuit sur Énergie. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. En Normandie, un homme a été arrêté pour avoir conduit sur l'autoroute A13 avec une seule main, l'autre étant occupée à se... Oh, mais non. C'est dégoûtant, et en plus, ce n'est pas la première fois que la gendarmerie le chope pour ça, mais la 220e fois. Quoi ? Mais il pense que c'est un sport, que c'est un truc que 200 fois, c'est qu'il se rend pas compte que c'est illégal. Quoi. Ou alors c'est clairement l'autoroute qui l'excite. Hein. Ouais, c'est vrai. Note à moi-même, ne jamais le contacter sur Blablacar. Hein. Manu dans le 6-9. Manu, papa, palabin. 6h, 9h30 sur Énergie. Leclerc. Maman, je te vois avec ma boîte de chocolat. J'adore ces assortiments de chocolat Suchard. Eh ben parfait. En ce moment chez Leclerc, 30% de réduction immédiate sur la boîte marché de Noël de Suchard. 30% sur tes chocolats préférés. Chez Leclerc, nous défendons aussi vos comptes de Noël. Du 18 au 31 décembre, l'assortiment de 300 grammes de chocolat marché de Noël de Suchard avec 30% de réduction immédiate est à 5,52€, soit 18,40€ le kilo. Voir modalité et magasins participants sur www.e.leclerc. On y goûte. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Vivez le jeu avec PlayStation VR. Ressentez la vitesse dans Wipeout Omega Collection. Plongez au cœur de l'action dans Firewall Zero Hour. Redécouvrez le jeu de plateforme dans Astrobot. Immergez-vous dans plus de 200 jeux et expériences uniques. Le Starter Pack PlayStation VR plus le jeu Astrobot sont à 199,99€ au lieu de 339,99€ jusqu'au 23 décembre, soit 140€ d'économie. Tout le monde connaît son nom. C'est Bumblebee. Bumblebee. Bumblebee Transformers. Enfin, presque. Bumblebee. Bumblebee. Il me semble que c'est Bumblebee. Non, Bumblebee. Bumblebee. Le héros le plus cool de la saga Transformers débarque pour le film événement de Noël. Bumblebee. Voilà, Bumblebee. Le 26 décembre au cinéma, avec Énergie. Alors, je fais les présentations. La bague, mon doigt, la bague. Bon, je vais vous laisser faire tranquillement connaissance. En tout cas, perso, je trouve que vous allez hyper bien ensemble. Non, vraiment, vous êtes au top. Habituez-vous à porter des bijoux de créateurs avec la nouvelle collection Le Manège à bijoux. Comme la bague créée par Sheila Andrioli Stuart en or gris et diamant à partir de 325€. Le Manège à bijoux, première bijouterie de France en or 18 carats, 750 millième. Leclerc. Bague en or gris 2,50 g et diamant 0,22 carat taille 54. Salut, c'est Coé. Toi qui, par chance, s'est fait piquer ses clés de voiture hier soir. Toi qui a parlé toute la soirée avec un lampadaire. Toi qui a dormi avec ta perruque fluo. Et toi qui est rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner 2 places de concert énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect, Sam. Jeu jusqu'au 30 décembre 2018. Règlement sur énergie.fr. Music only. I got a melody. Now I'm trying to find the words to put things in reverse. If you could see what I see, you could. Then you know just what you are. You're everything I want. You're everything that I want. Baby, go talk the way you're not supposed to. Your body can do the rest. You know it. And if you need a little mind vacation, press your cheek against my chest. When I'm with you, I lose control. Tous les dimanches soirs jusqu'à minuit, plein de choses. Chaque semaine, une personnalité de YouTube, un YouTuber, un créateur de contenu, quelqu'un qui, qui vient vous raconter un peu ce qu'il fait, tout simplement, et ce qu'il apporte. Ce soir, on a Mamie Twink avec nous, qui est un explorateur voilà, qui fait de l'urbex. C'est de plus en plus répandu. Hein, c'est grâce à notamment lui. Il est même passé dans Plus Belle la Vie. Ils le prennent en exemple. C'est le moment où tu passes dans Plus Belle la Vie. Là, je peux te dire que ça veut dire... Ça veut dire beaucoup de choses. Je vous propose, on a des Smash Bros à vous faire gagner. Le jeu voilà, qui cartonne, le jeu qu'Alicia ponce en ce moment. Oui. T'es toujours dessus? Ouais, ouais, bien sûr. Et c'est d'ailleurs, c'est le meilleur début de jeu vidéo d'un jeu Nintendo sur la Switch. Ah ouais, ça a battu le Zelda de, tu sais, qui avait fait beaucoup parler là, il y a 2 ans. Ouais. Un an peut-être, 2 ans. Enfin bref, il y a quelques années. Et ça a battu Pokémon, ça a tout battu. C'est fou ça. Pour un jeu de combat un peu familial et tout, c'est vrai que c'est très sympa. Je vais vous en faire gagner un tout de suite. Le premier qui nous appelle, ça déclenche un top appel. Il nous faut Il faudrait une alerte, tu vois, genre une alarme. C'est pas mal ça. C'est le top appel. Top appel 0870 42 48. Le premier qui nous appelle repart tout de suite avec Smash Bros. On va s'écouter un Nothing Breaks Like a Heart de Mark Ronson et Miley Cyrus. Et vous, c'était pas mal la prononciation. C'est pas si mal. Ouais, c'était un peu. Je vais essayer de m'améliorer. On se retrouve juste après. It hurts you, it cuts you deep and leaves a scar. Silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking, but we both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken cold as ice and high and dry, the desert wind is blowing, is blowing. Remember what you said to me, we were drunk in love in Tennessee, and I hold it, you both know it. Nothing, nothing, nothing, nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence, it cuts you. Hey, j'ai vraiment bien kiffé la chanson là, Miley Cyrus qui se joue un petit peu country, ça m'a fait penser à. Oui. C'est du bien ça. En plus, c'est Dolly Parton qu'elle avait fait. Et Jolene. Ah, elle avait fait ça déjà. Ouais. Ah, je savais pas parce que ça m'a fait penser à Jolene et j'adorais ce son. Bah ouais, elle a Jolene, fait une reprise. Jolene, Jolene, oh please don't take my man. Voilà. C'est mieux que la fouille dans ce que tu fais quand même. C'est bientôt la fin de l'année, mais surtout ce que je vous disais juste avant la musique. Exactement, et on a un gagnant au top appel, c'est Florian. Wow, ouais. Enfin, il a été meilleur. Bravo Florian. Florian a été le plus rapide à nous appeler. On a des Smash Bros Ultimate à vous faire gagner sur Nintendo Switch. Super. Il suffit juste d'appeler quand on déclenche le top appel. Et voilà, Florian, il l'a fait sans aucune hésitation. Bah, bravo à pour toi. La première fois en plus. T'as dit quoi? Pour la première fois en plus. Super. Première fois, premier appel, et comme ça, ça tu marche. Gagnes. Ça marche. Trop bien. Parce que je peux dire que moi je reçois des messages de mecs qui essaient toutes les semaines. Donc, moi je reçois des messages d'insultes. Ouais, laisser des places. Bah, là, pour une fois, ouais. Bah écoute, est-ce que tu viens d'où toi, Florian? De Rennes. Rennes, et ça va, Noël, ça se fait en famille, solo, t'es pas très fête? Oui, ça va, oui. Et bah, en écoute, famille. Un petit Noël tranquille, bah en tout cas, au pied du sapin, il y aura un Smash Bros. En plus, on te fait des bisous, mon Florian, passe super. Une bonne soirée. Bah merci à toute l'équipe. Pas de soucis, à la prochaine Flo. Bon, on va en faire encore gagner 3-4 ce soir, en fonction de l'humeur, en fonction de l'envie. C'est Noël, mec, faut faire plaisir aussi. Ce quoi. Soir, on va bientôt y avoir l'anecdote. Hein. L'anecdote, le qui est le menteur. Oui. Surtout une petite fille que j'ai entendu crier dans le téléphone. De... Ah, mais je sais pas si c'était pour le Smash Bros. Personne n'a remarqué, mais. Ça devait être sa petite fille. J'espère. Il a juste mis un croche-patte pour le moment. J'espère. Doig l'enquêteur. Non, mais j'ai senti quelque chose là, on va le rappeler. Ça va, Doig? Tu penses que c'est. Tu veux qu'on appelle bien le roi de la petite fille et lui demander si tout va bien. Oh là là. Il est 20h30 en tout cas, vous écoutez Énergie. Bonsoir. C'est Domingo Radio Stream. Une émission où on discute. Une émission où on apprend des choses. Une émission tout simplement où on passe un bon moment. évidemment. I want dinner for Christmas. Eh oui, c'est la période des fêtes. C'est Maria Carré qui va nous ambiancer ce soir. Et on a François aussi au téléphone avec nous. Salut, ouais, Franfran. Bonsoir l'équipe. Bonsoir Marie. Comment tu vas, Franfran? Ça va et vous? Bah écoute, tranquillement. Qu'est-ce que tu nous appelais pour nous dire quoi, toi, poteau? Ah, c'était pour dire, ouais, je fais des Noël avec ma famille et tout, ça va être sympa. Avec le rush de dernière minute. T'habites où, toi, déjà? Moi, j'habite à Bordeaux. Et ça va, c'est sur place ou tu dois bouger pour aller les voir? Non, je dois aller voir ma famille un peu plus au sud-ouest. Ouais. Où ça? Voilà, à Dax. Dax, il y a la feria là-bas. Enfin, ouais. C'est on connaît surtout pour la feria. Ouais, je me rappelle de ça. Et ils jouaient beaucoup à Interville. Ils sont très forts. C'est vrai. Bah, c'est un petit sport national. De quoi? Un petit sport national. Ah bah ouais, j'imagine là-bas. C'est. Mais ça a l'air d'être le sud-ouest, ça m'a toujours attiré. Ouais. Moi, je partais pas mal en vacances vers Biarritz, Bayonne et tout, mais. Les étés sont festifs. Ah, les étés en rouge et blanc. Et voilà, c'est ça. Ça bosse. Eh bah écoute, mon François, merci beaucoup. En tout cas, ça fait longtemps que toi tu nous as découvert sur Énergie. Non, je me suis depuis Eclipsia, moi. Ah ouais, d'accord, ça fait longtemps, du coup, 2014-2015, quoi. Donc tu suis aussi, parce que pour gens qui viendraient juste d'allumer la radio, c'est vrai que nous, bah, le dimanche soir, on est à la radio sur Énergie, mais le reste du temps, on est sur YouTube, on est sur Twitch, on fait du contenu jeu vidéo, et il y a Doigt qui se cache derrière son Père Noël. Ça va être une belle émission ce soir, voilà. Gilets jaunes, les gilets jaunes. Eh mec, je suis fan de Stozic maintenant. En ce moment, je m'ambiance sur tous les sons. Je sais pas ce qui m'arrive, j'ai l'impression que mon corps est réceptif. J'ai envie de trouver la crise de la trentaine, ça. C'est vrai, bah j'ai le temps encore. j'ai encore quelques années. François, merci beaucoup en tout cas pour l'appel. On te souhaite une bonne soirée. Ouais. Bah, bon courage pour les fêtes de famille. Bah, merci à vous. Est-ce que je peux faire une petite dédicace? Bah, avec plaisir, gros. Ouais, bah je fais une petite dédicace à mon pote Maxime qui est en train de m'écouter là. Yo. C'est passé en tout cas. À la prochaine, François, et on va te refiler Brice, au standard. Brice Granek. Et vous vous calmez. vous êtes tatillant. Déchaîné ce soir. Eh, c'est vrai qu'on est speed hein, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on ralentisse un peu. J'en ai marre. C'est du tout voilà. Fast. Il y en a un, il est en train de jouer avec son Père Noël. L'autre, elle est sur l'ordi. Il a cassé son Père Noël. Non, il a arraché le ventre. Oh là là. Oh non, mais c'est même pas encore Noël. Noël est ruiné. C'est fini. Non mais il me regardait trop mal. Mec, imagine les enfants. Là. Il est possédé. Il a un Père Noël autour du cou et ça se passe mal. Je crois qu'on a déjà quelqu'un pour qui est le menteur juste après. Oui. C'est mais avant j'aimerais qu'on parle de ça. La semaine dernière, personne quasiment avait fait ses cadeaux de Noël. Zank, Dwag, vous êtes toujours au point mort. Moi c'est bon, j'ai tout fini. Ah ouais, rien fait du tout, 100%. Non, j'avoue que après on a eu une semaine, tu l'as dit tout à l'heure, super compliquée. Semaine compliquée. Ouais. Pris par les événements, ça a été. Mais exactement. Ma famille comprend. Oh là là là là. Non, mais. On dirait un report. On dirait un journaliste de guerre. Ouais. Ça reste quelques heures encore. Et... Non, mais il y a énormément de gens qui sont encore dans la situation là où ça va être demain les derniers cadeaux, mais il va y avoir. Mais demain, c'est le rush là. C'est horrible. Moi, demain, du coup, je dois aller acheter les chocolats pour le 24 au soir parce que je déteste arriver les mains vides. Ah, c'est en même bien, temps, ça. C'est des gens que je connais pas. Du coup, je me suis dit, tu vois, je vais arriver avec les grosses boîtes de chocolat familiales là. On est d'accord que le 24, c'est pas férié. Non, c'est le 25. Non, c'est vrai. Voilà, donc les gens sont au boulot demain. Ouais. Bon, en fait, tu peux aller faire des choses. Il y a pas mal de gens qui prennent un peu de temps, tu vois. Genre, ils prennent leur journée. Bah oui, pour aller acheter les trucs frais pour faire la cuisine le soir. Donc, ils ont raison. Mais. Horrible demain. Lou, ça va être cauchemardesque. Lou, t'as tout fait, toi? Non. J'ai rien fait. Aïe. Et tu vas aller au magasin demain avec moi? Ouais. Non, tu comptes pas faire de cadeaux. Excusez-nous, on en profite. On arrange les petits cadeaux. Ah, si vous pouvez me prendre un truc ou quoi. Quelqu'un est chaud pour faire une game après demain. Il y a des gens à la maison qui veulent aller faire des courses ensemble. Non, mais je sais même pas quoi. Non, mais moi, en fait, c'est horrible. J'ai tout fait, moi. Non, en vrai, il y a une boutique. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est ma copine qui m'a dit ça. Une boutique où c'est une chaîne en fait. Et il y a que des petites conneries, genre entre les 5 et 20 balles, si tu veux, où c'est plein de petits jouets, plein de petits. Par exemple, pour les Secret Santa, c'est la boutique où elle était. Okay. Ce qui fait que quand tu sais pas trop quoi acheter à quelqu'un, tu peux lui en acheter deux petits cadeaux à 10-15 euros, tu vois. Ce qui va faire que ça fait des petits trucs sympas. Et, en vrai, le magasin, là, Emma, là, c'est pas mal ça, non? Emma, c'est bien aussi. Pourquoi tu m'as regardé comme ça, Lou? Non, c'est parce que je pense au cadeau que je dois faire à ma mère, que je n'ai toujours pas fait. Je me dis, si je lui prends un truc de Secret Santa, pas fou. Mais tu devais lui offrir quoi? Quelque chose. Ah voilà, déjà, c'est mieux que rien. En vrai, si j'avais une idée de quelque chose que je voulais faire, c'était acheter de la grosse laine et lui faire une grosse couverture, tu sais, genre un espèce de plaid où genre tu peux te poser, bouquiner, genre elle lit toute sa vie. Ah bah t'as pas le temps là, hein, il te reste 24 heures. Ouais voilà, donc il faut que je trouve la laine, que je fasse le machin. Ouais, et... Non mais vas-y, pars maintenant, vas-y, vas-y. En fait le souci c'est que par rapport à comment t'es, c'est-à-dire un branleur, t'as des idées trop grandes, tu vois, c'est-à-dire que t'as une... C'est vrai qu'il adapte pas... Ouais, genre. Après l'excuse c'est que ma mère est née le même jour que Zank, le 29 décembre. Et généralement je dis... Du coup bon, tu lui offres rien pour les deux, comme ça c'est... Je repense souvent au 29 et je me dis bon... Voilà, Noël, on fera tout en même temps, quoi. Ça te laisse plusieurs jours. Moi, je suis content, si en vrai, parce que c'est vrai que j'ai souvent eu un peu la réputation dans ma famille de ne pas offrir beaucoup de cadeaux. Et là, je me suis fait plaisir à penser aux autres. Et du coup, j'ai quasiment un ou deux c'est cadeaux bien, par personne de ma famille. Oh, c'est donc, c'est bien. Ouais, tu vas la Noël, t'es bien, ouais. Fier. Sans peur haute. De... Ouais, qu'est-ce qu'il y a, elle m'a dit. Comme ça, il va faire... Allez, je suis tranquille pendant 5 ans. Bah, non, même non, pas. Non, non, mais je pense maintenant, il va le faire tous les ouais, ans. C'est ça, voilà, je pense que... Mais en fait, quand tu le fais un peu avant et que t'es pas trop dans la galère, justement, de quand il y a tout le monde, c'est tranquille. J'ai commandé quelques trucs sur Amazon, voilà. Honnêtement, tout s'est bien passé. Je vous propose, on a comment s'appelle, Mamie Twin qui va arriver, qui est notre invité d'ici une dizaine de minutes à peu près. Juste après, là, on a un Qui est le menteur où il y a un Google Home Mini qui va être gagné. Un Alerte au Google. C'est pas... Wow. Il l'a trop bien fait. Ouais, c'est... Wow. Il l'a bien fait. Wow. Oh non, mais... Google, les enfants. Ah là, Lou, c'est bien. Ah, c'est Mamie Twin qu'on va lancer voir dans une belle ambiance. On se fait le Qui est le menteur juste après. Il y a Big Flo et Oli. On va mettre un son tout de suite. On va écouter plus tard. On revient juste après. Vous écoutez Domingo Radio Stream. On est sur Énergie jusqu'à minuit. Je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux. Que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai. Et la nuit dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison. Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton. Qu'à l'époque, des photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur. J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas. Aujourd'hui, en grattant un ticket, je me vois millionnaire. Je me dis, tout ira mieux si je souris à la banquière. Aujourd'hui, je me dis que si j'attends, quelqu'un fera ma vaisselle. Et que même si je vieillis, mes parents sont immortels. Qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas. Plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. De 20h à minuit, Domingo et son équipe sont sur Énergie. Et ouais, il est 20h39, on est sur Énergie, c'est l'heure de Qui est le menteur. Très simple, cette fois-ci en plus je vais jouer, il va y avoir trois anecdotes. Donc une de moi, une de Dwag, une de Zank. Yes. Il y en aura parmi les trois, une qui est fausse. Et l'auditeur, s'il veut repartir avec le Google Home Mini, il va devoir trouver laquelle est fausse. Et je crois qu'on a Dorian à l'antenne avec nous. Yes, salut tout le monde. Salut, salut. Ça va, salut. Ça va. Ça va être mon pote. Salut. Dorian, c'est la première fois que tu passes à la radio ou pas? Non, la deuxième fois, je passais avec vous une fois il y a quelques mois. Ok, là, c'était pourquoi? C'était pour un jeu ou juste tu nous appelais? C'était pour la mort subite, mais j'avais perdu à l'égalité. Oh, la mort subite! Ça nous rappelle de je suis de retour pour gagner cette fois. Oh, là, là, il revient des enfers. Il est sur un nouveau concept, là, c'est pour toi. Dorian, t'avais entendu déjà les autres semaines le Qui est le menteur ou pas? Ouais, j'avais déjà écouté, ouais. Ok, donc t'as pu analyser un peu ça, que la semaine dernière, on avait justement une enquêtrice, hein, parce que c'était Alicia qui avait menti avec. C'était quoi le clafoutis avec toute cette histoire de dénoyautage de cerises? J'ai pas envie d'en reparler, je vois qu'il y a une embrouille. Entre les deux, ils sont même rappelés pour. Laisse-moi mamie tranquille. Ah, voilà. Non, c'est moi, elle s'est déjà excusée. C'est bon, t'inquiète, on l'a retrouvé le mec. Elle va pas revenir. Dorian, du coup, les trois anecdotes, ça va être Zank, Dwag et moi. Est-ce que tu as une préférence sur qui va commencer? Ça va être à peu près 20-30 secondes où on te raconte. Ensuite, tu peux poser quelques questions. Ok, je pense Zank en premier, ouais. Eh ben, Zank, ok, c'est bah parti. Salut. Encore une fois, je t'ai encore raconté ma vie. C'est des moments qui sont toujours un peu terribles. Je vais pas te mentir, mais là on est sur une nouvelle version. Voilà quelque chose qui m'est arrivé encore une fois dans mon enfance. Beaucoup de choses dans l'enfance. Et je pense que tu connais un petit peu mes talents de chanteur. Je pense en tout cas. Je suis assez reconnu en France désormais grâce à Energy. Et j'ai fait un concert en fait quand j'étais petit, tu sais, pas un concert de kermesse, mais tu sais un truc un peu d'école quoi. Genre tu sais qui était organisé avec un thème. Ouais. Et le thème c'était un peu le Moyen-Âge. Et du coup j'avais une tenue. Et ma tenue, du coup j'ai fait ma petite impro. J'ai chanté sur scène. Sauf que tout s'est bien passé. Même si, tu sais, en quart je stressais comme un fou. Genre vraiment j'arrivais pas à tenir sur scène. Et je sentais que j'allais faire une connerie. Et comme par hasard la musique s'éteint. Je suis sur le point de quitter la scène. Et je me suis croûté genre de... En clair c'était un escalier un petit peu à étage. Et je suis tombé là où il y avait le public. Donc je me suis croûté comme une grosse merde. Et voilà, c'était ma plus grosse honte entre guillemets quoi. Okay. Est-ce que tu as des questions Dorian? Ouais, t'étais en quelle classe? C'était CM1. Oh, c'était vraiment vieux, mec. Hein. Et du coup, t'avais quel âge, tu savais, comme ça? CM1, t'as quel âge? Je sais pas. En vrai, je pourrais pas te dire l'âge. 8, 9, non, un truc comme ça, je crois. Okay. Ouais, franchement, j'étais petit. Qu'est-ce que t'as chanté comme musique? C'était une musique de Charles Aznavour. Non, Charles Trenet, c'est ça? Ouais, Charles Trenet, je sais plus c'est laquelle. Il y a de la joie, je crois, c'est ça, non? Ouais, il y a de la joie. Il y a de la joie, ouais, c'était ça, c'était ça. Ok. Bah, c'est bon, ouais, je pense c'est bon. Ok. Ah, tu m'as fait retrouver des détective souvenirs. Détective Dorian. Bon détective, mec. À passer sous la loupe. Zank, qui enchaîne, Dorian? Dwag ou moi? Vas-y, Dwag. Allez. Alors, en gros, moi, c'est pareil que Zank. Hein. Souvent, vu qu'on est des gros gamers, ça nous arrivait plutôt dans notre vie. C'est une anecdote. J'étais jeune, je crois que j'étais en troisième. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'étais avec mon meilleur pote et son grand frère. Et en gros, mon meilleur pote, il sait que moi je kiffe conduire. On a déjà fait pas mal, tu sais, même de karting ou quoi. Et il sait que j'ai un fameux don. Et on avait tous les deux, notre plus grand rêve à nous deux, c'est d'avoir le permis et une voiture. Et il avait chauffé son grand frère, qui lui est plus âgé, à venir nous chercher. Et en gros, il nous avait amené un peu plus loin en dehors de Paris pour finalement que je conduise, alors que j'avais 14 ou 15 ans, quoi. Je sais plus quel âge t'as en troisième, mais j'étais genre même pas majeur, donc c'était très illégal. Et moi, j'allais pas faire non, surtout pas. Donc j'ai conduit et on a vraiment, le truc a duré 5 minutes et on s'est fait choper par les keufs. Je peux t'assurer qu'on était extrêmement mal. Lui, il a pris tarif et bon, je te raconte pas la suite, mais moi, je m'en suis mal sorti, on va dire. Ok, mais ils ont dit quoi les flics du coup quand ils t'ont c'était archi vénère. Moi, j'ai dû partir du coup en garde à vue et que mes parents sont venus me chercher en garde à vue, enfin au commissariat parce que j'étais pas non plus incarcéré, mais du coup au commissariat pour que mes parents viennent me chercher parce que je suis mineur donc ils peuvent pas me laisser dans ce genre de situation. Et le grand il s'est pris tarif, mais je crois qu'il a eu un rappel à la loi, rien de. Parce qu'il est responsable. Et tes parents, ils ont eu une amende ou pas? Non, pas d'amende. Rappel à la loi. Tu t'en es sorti sans rien. Et toi, non, pas d'amende. Moi, pas d'amende, rien. C'est lui qui a tout pris. C'est le responsable de la voiture qui a tout pris. Moi, juste mes parents sont venus et genre ils ont notifié que j'avais fait une connerie à 14 piges quoi. Mais ça, t'avais bien réussi à rouler, t'as pas calé ni rien. Bah, j'étais un peu en galère, mais en gros, lui, il était, tu sais, il m'aidait un peu à, tu sais, au début. Et après, une fois qu'elle part en première, la voiture, tu sais, elle roule tout seul. Okay, et après, j'avais le volant. C'était vers où dans Paris? C'était un parking? Banlieue parisienne et c'était pas forcément un parking, juste un endroit où il savait qu'il y avait pas personne quoi. Donc, j'avoue que j'ai pas l'adresse en tête, frérot. Ok. J'essaie d'être le plus clair et précis possible. Ah non, ok, c'est bon. Mais voilà, voilà. Détective Dorian a l'air satisfait. J'imagine que je continue. Il est fort, hein, il pose beaucoup de questions. Ah, honnêtement, franchement, t'as des bonnes cherchées. En même temps, la dernière fois qu'il passe à la radio, c'était il y a 6 mois, hyper. Là, il revient équipé comme jamais. Ah, si non, tu là, veux. Clairement. Il a la loupe et tout. Du coup, Dorian, la dernière anecdote, c'est moi. Donc, moi, ça s'est passé il y a un peu moins de temps que ça. Je devais avoir 16 ans. J'étais sorti du bac et en gros, je parlais pas du tout bien anglais. C'est un truc vraiment où je me suis dit, je voulais faire école de commerce. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais essayer d'apprendre. Donc, je suis parti en Angleterre. Mes parents, j'ai eu la chance, ils m'ont envoyé trois mois là-bas pour que je prenne des cours. J'ai pas pu avoir mon appart comme j'étais trop jeune, donc j'ai été dans ce qu'on appelle une famille d'accueil. Et je suis tombé en fait dans une maison, c'était à Brighton, chez une vieille dame qui devait avoir à peu près 70, 75 ans, mais une vieille dame anglaise, tu vois, donc avec des bannières et tout. Et c'était un cauchemar. Okay. C'est-à-dire que genre, j'ai jamais vu ça d'un point de vue hygiène. Je suis désolé, il est 20h40 de dire ça, mais ça sentait le cul, mais genre horrible. Le cul, genre, le sexe? Non, pas le sexe, horrible. Horrible. Les fesses, quoi. Genre quelque chose de vraiment t'arrive, tu ne parles pas la langue, tu es accueilli chez la personne et c'est ton nouvel habitat durant trois mois. Quoi. Ça sent le caca. Ah, c'était horrible. Et du coup, elle me donnait des plats, des trucs anglais, mais genre imbouffables. Et genre, j'ai pas fait un drama, mais on s'était clairement embrouillé. J'ai dû me barrer sans parler anglais. Hein, donc c'était une grosse galère. Et du coup, je m'étais retrouvé, j'ai dû dormir chez un Vénézuélien un soir. Et ensuite, j'ai changé. Ouais, je t'assure, parce que c'était un vrai délire. Et ensuite, j'ai changé. Et je suis allé dans une famille qui, cette fois-ci, était beaucoup plus cool. Mais j'ai vécu bien deux semaines avec elle en tête à tête avec l'enfer. Donc, Et comment tu l'as rencontré, ce Vénézuélien? T'es allé chez lui comme ça directement? Non, moi je prenais des cours de, en fait, c'était des cours d'anglais en fait qu'on prenait. Et du coup, il y avait beaucoup de gens de du monde entier en fait qui venaient pour apprendre l'anglais eux aussi quoi. Ok, ouais. Et lui, il était en cours avec toi du coup? Ouais, c'était, il y avait pas mal de Vénézuéliens, donc t'es pas mal de Coréens aussi. C'était hyper cool pour ça. Et ta mère, elle en a pensé quoi du coup? Elle t'a fait directement changer. Au début, je leur ai dit quoi. Ils me disaient, vas-y, on a payé, habitue-toi quoi. Enfin, fais au mieux. Oui, fais ton truc. Quoi. C'était genre casse pas les couilles quoi. On a mis des thunes. Donc ouais, non, c'était. Enfin, ils comprenaient pas trop et au bout d'un moment, ils ont compris quand vraiment je leur ai dit que c'était plus possible quoi. Ok, d'accord, super. Ok. Ok, bah écoute, Dorian, tu vas devoir me dire. Okay. Hey, Dorian, tu sais quoi? Je te laisse un petit peu plus réfléchir. Chez vous aussi, vous pouvez réfléchir. Il y a trois anecdotes. Celle de Zank, où il a chuté. Il était en train de chanter quand il était petit. Il a chuté de scène devant 150 personnes. Dwag, qui a conduit une voiture à 14 ans illégalement. Et moi, qui ai rencontré l'enfer. Ouais, on est dans un blockbuster ici. Bonsoir. En Angleterre. Tu réfléchis. On a une pub à mettre. Elle dure 1 minute 30. On revient juste après avec la réponse de Dorian pour savoir si oui ou non Dorian va gagner. Je vous conseille. Parce que si Dorian gagne pas, on vous le fait gagner. Donc 0870 42 48, commencez à appeler. Si Dorian se trempe, le Google Home Mini part pour vous. Petite pub et on est de retour. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Salut, c'est Manu. Toi qui l'as conduit qu'à l'aller. Toi qui as dansé toute la nuit avec un serre-tête licorne debout sur le bar. Toi qui as chanté très fort, très longtemps et très très faux dans la voiture. Mais toi qui es rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Parce que vraiment, tu chantais très faux. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner deux places de concert Énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect Sam. Jeu jusqu'au 30 décembre 2018. Règlement sur énergie.fr. Gagnez toute la journée votre coffret best-of des 20 éditions des Energy Music Awards. Toutes les stars des Energy Music Awards sont réunies sur 5 CD avec Black Eyed Peas, Sia, Justin Timberlake, Maroon 5, Lady Gaga, Avicii, Stromae, Martin Solveig, Ariana Grande. Le coffret best-of des 20 éditions des Energy Music Awards, vendredi dans les bacs. Dimanche, 20h minuit. C'est Domingo et son équipe. Sur Énergie. On est de retour sur Énergie. On était avec Dorian sur le jeu de qui est le menteur. Zank, Dwag et moi-même avions dit une anecdote. Il y en a une seule parmi les trois qui est fausse. Si jamais Dorian arrive à savoir laquelle est fausse, il repartira avec un Google Home Mini. Il y a eu une petite pub d'une minute. Dorian, est-ce que ça t'a permis de réfléchir un peu, de poser les trois histoires? Ouais, je voudrais juste reposer une question à Zank. Ouais. Une dernière question. C'était quoi le thème de ta kermesse? Moyen-Âge. Ok, ouais, c'est bon. Qu'est-ce que ça change? Non, mais en fait, qu'est-ce qui t'arrive? Dorian, quelle histoire parmi les trois, selon toi, a été fausse, tout simplement? Je dirais que c'est toi, Domingo. Eh bien, Dorian, je suis désolé de te dire que j'ai rencontré cette odeur horrible en Angleterre et que c'était une histoire vraie! Je suis désolé, par contre, Zank! C'était une vérité, moi c'était normal. Mais alors du coup, Dwag? Eh ouais, ça c'est jamais arrivé tout ça. Oh là là! Dwag, bye bye! Bravo Dwag! ça a même été inventé en direct. Hein. Le boss, il avait déjà menti la semaine dernière, il allait pas mentir. Ouais, eh mais si, c'est le seul capable d'inventer un mensonge. En moins de 30 secondes, je suis le seul. Mais ouais, non, mais qu'est-ce qui est. C'est que toi, t'es tout le temps un braco, ton truc. Sa vie, c'est Narcos. Là, je vois pas, tu vois, j'avais 14 ans, j'avais une Clio, j'étais enfin. Je vois les clés sur la caisse de marque. Attendez, je vois un mec qui raquette, non, il a une keuf. Mais pourquoi? Parce que c'est pas si ouf mon histoire. Enfin, c'était la moins. Mais je sais pas, j'avais pas d'histoire plus incroyable que les autres. Du coup, je me suis dit, Ouais, t'as fait. C'est peut-être justement que c'était un peu banal. Tu vois. Bah écoute, Dorian, après. Il y a 6 mois, t'avais chuté à la mort, Susu. Yeah. Maintenant, hey, le prochain jeu, mon pote. Hey, vers mai-juin 2019, tu nous rappelles, on aura sûrement un nouveau jeu. Sinon, tente le tout fast. Ah ouais, t'as jamais essayé? Non, bah lui, il est chaud si tu lui dis ça, tu m'étonnes. Mais dans 6 mois. Bah écoute, Dorian, on va quand même te repasser au standard. On va. On va te filer un petit cadeau quand même, un minimum. Mais merci d'avoir joué avec nous, mon pote. Ouais, merci, c'était super cool. Merci Dorian. À la prochaine. Je vous le disais, hein, je vous conseille de nous appeler parce que quand l'auditeur ne réussit pas à gagner, on prend des gens. Voilà, on prend des gens qui nous appellent, on va leur poser une question. Et si jamais la question est juste, ils vont repartir avec la question. Sera juste, mais la réponse. C'est vrai que la réponse, c'est ça qu'on veut. Mais la réponse, si elle est juste, ça va repartir avec le Google Home Mini. Je crois qu'on a Anaël qui est avec nous. Salut Anaël. Salut. Ça va ? Salut. Anaël, est-ce que tu aurais trouvé qui mentait des trois personnes ? Peut-être la troisième histoire. C'est celle de Douag. Non, c'était la mienne. Ah, c'était Domingo, du coup. Ouais. Ah oui, Anaël, t'as entendu que tu pouvais appeler pour gagner le cadeau. Tu as tout coupé, quoi. C'est-à-dire que t'étais. Bon, Anaël, je vais te poser une question. Est-ce que tu suis souvent l'émission ou pas? Pas du tout. Aïe. Ah, nous, on veut récompenser les fidèles auditeurs. La question, je pense, Anaël. Je pense, Anaël, que tu ne vas pas l'avoir. On sait jamais. Je la pousse quand même. Ouais. Anaël, la semaine dernière, on a eu un invité. Chaque semaine, on reçoit une personnalité, généralement de YouTube, qui fait l'actualité sur Internet. Qui était notre invité la semaine dernière? Il a beaucoup, beaucoup d'abonnés. Il fait partie du top 10 des plus gros YouTubeurs français. Est-ce que tu sais qui c'est? Vite. Allô. Oui. Anaël, il va me falloir une réponse. Non, attends. 3, ah, ça 2, charge bien sur Google, c'est bon. Anaël, est-ce que t'es sur notre page YouTube? Abonne-toi si t'es sur YouTube. T'as le petit bouton rouge. Si Anaël, je suis désolé, c'est trop tard. Dommage, mais si jamais vous avez la réponse, vous nous appelez tout. On a des gens qui nous appellent au 0870 42 48. Si jamais vous voulez participer à d'autres jeux d'ici 40-45 minutes avec notre invité Mamie Twink, on jouera au Too Fast. Il faut deviner 5 ça mots. Ça me tue parce qu'on a dit c'est Noël, on va vous régaler. J'avoue qu'on a fait ça et on regarde tous les cadeaux. On va vous mettre super bien ce soir. Ouais, n'hésitez pas à nous appeler. Hein. C'est que du cadeau. S'il y a trop de cadeaux, vous nous dites. On a Anthony. Ça. Anthony qui va peut-être repartir avec le Google Mini. Est-ce que t'es là, Anto? Salut les gars. Salut Domingo. Ça va, Anto? Est-ce que toi tu nous suis souvent ou pas? S'il te plaît, gagne. Ouais, ça m'arrive. Ouais, quand la semaine dernière, t'as écouté l'émission? Pas la semaine dernière, mais ça m'arrive. Yes. Aïe. Eh ben, je vous le dis, moi, je vais gagner des cadeaux que aux gens qui nous écoutent, hein, pas aux gens qui veulent juste du cadeau par-ci, par-là. Qui sait peut-être. Est-ce que tu sais qui était invité la semaine dernière? Pas du tout. Oh, eh ben, Anthony, je suis désolé, je vais quand même passer Brice au standard. Je vous conseille, hein, Google Home Mini, les cadeaux. Et nous, on continue, on régale. Si vous savez juste répondre à cette question. On délivre. Ah, mais nous, on donne. Hey. Appelez juste après, on soit Mamie Twink en plus, invité de ce soir, mais c'est vrai que personne n'est capable de savoir. Ça blesse, hein, dans tout ce genre de choses. C'est certains auditeurs énergie, ils veulent du cadeau. Mais surtout qu'on a mis 3 vidéos sur YouTube cette semaine et 3 ont été en tendance. Non, mais c'est vrai que juste quelqu'un qui est sur YouTube de temps en temps, il sait. Ça a cartonné en plus. Hein, oui. Je crois qu'il y en a une qui a fait 400 000 vues. Enfin, bravo à Mixem. Alexis, t'es là? Ouais, je suis là. Alexis, tu peux pas me lâcher. Alexis, t'es la troisième personne, d'accord? Ça commence à faire. On a notre invité qui est en train d'attendre en plus une bonne réponse. Est-ce que t'étais là la semaine dernière, Alexis? Ouais, j'ai regardé toutes tes vidéos sur YouTube. Je te suis depuis les matchs sur League of Legends, tes matchs de foot sur FIFA. Mais mon frère, dis-moi qui était l'invité de la semaine dernière dans notre émission. Mais tu viens de le dire. C'était un Mixem. Bien sûr. Ah oui, mon pote! T'as dit les vues, t'as fait bravo à Mixem, et là t'en vas de ceux qui. Après, il le savait déjà. Non, il l'a pas pris encore. Ouais, mais il doit écouter la radio. Le Google Home Mini! Vraiment, on a vu le cadeau alors que je pense qu'il avait vraiment la réponse, le gars. C'est vrai qu'il l'avait, mais je me suis dit. J'avais la réponse, j'ai regardé toutes les vidéos. T'inquiète. Lui, il a l'air de me suivre depuis 4-5 ans. T'as préféré entre Joyka et tout. Non, bah parfait. Alexis, t'es abonné à la chaîne YouTube? Non, mais je pense que oui. Ouais, je suis abonné. Bon, ça va. Même s'il l'est pas, il va pas dire non à ce moment. Tu vois, il y a trois personnes qui viennent de se faire taire. Ah, parce qu'on vérifie. Hein. Bah écoute, Alexis, en tout cas, tu repars avec le Google Home Mini. Félicitations, pote. T'as une dédicace ou pas à passer? Bah, je fais une dédicace à ma petite copine, Séverinda. Ah, bah, voilà, c'est passé pour Séverinda. Bravo encore. Voilà, de temps en temps, il faut juste appeler. Le premier cadeau est parti. On aura le Too Fast. Il y a des places encore hein, pour le Too Fast. Il faut juste deviner des mots le plus rapidement possible. 0870 42 48. On va mettre une musique, nous, juste après. Notre invité de ce soir, Mami Twink, il a commencé, voilà, sur du jeu vidéo, sur du World of Warcraft. Maintenant, il fait tout un tas de choses. De l'histoire. Un explorateur. De l'exploration. Ah oui, tout c'est simplement. Que l'exploration. On a plein d'histoires à raconter, justement, avec notre invité qui arrive juste après. Gam Gam de Marnik et Smack. On revient juste après la musique. C'est Domingo Radio Stream. On est présent jusqu'à minuit. Twink est avec nous dans Domingo Radio Stream. Sur Énergie. Et oui, ce soir, notre invité de la semaine est Mami Twink. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Bah écoute, super, merci pour l'invitation. Bah écoute, il n'y a pas de souci. Voilà, effectivement, juste avant, on l'a prévu du petit professionnel, écho. Ouais. Il n'y a pas de souci. Bah merci d'être là en plus parce que toi, tu étais de messe, toi, non? Si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Là, j'ai pris le train. Oui, oui. Je suis venu à Paris. Ouais. On dit oui là-bas, on dit 20, on a pas mal. L'accent de la Lorraine. Bah, ça nous fait super plaisir de t'avoir justement. On va discuter un petit peu de tout ce que tu fais, Mami Twink, parce que c'est vrai que certains pouvaient te connaître à l'époque pour du World of Warcraft, voilà, pour du jeu vidéo. Explique-nous comment ça s'est lancé. Moi, c'est vrai que je t'avais découvert en côtoyant un peu Zerator qui était aussi à fond sur WoW, et j'avais découvert que tu avais tout un site, tout un truc. Explique-nous comment, quel est un peu ton parcours, quoi. Bah, ça a commencé super tôt, au lycée plus exactement. En fait, ouais, c'est vrai que c'est un tout petit peu perturbant, l'écho. C'est chelou. Hein. En fait, On va venir te l'enlever apparemment. Ouais, j'ai toujours le changer. On va te le changer, on va te le changer parce qu'en fait c'est le traitement de voix. Donc ah mais c'est vrai que ça choque un peu. Hein. C'est pour ça que moi quelquefois quand je chantais c'était toujours un peu plus compliqué. C'est pour ça du coup. Ouais, c'est ça, c'est les conditions live en fait. Super, merci beaucoup. Ouais, du coup j'étais au lycée, passionné, jouais beaucoup à WoW. Enfin, c'était l'époque des MMORPG. C'était en 2005-2006. Et du coup, je passais beaucoup de temps sur WoW, des centaines. Bah, c'est un jeu qui où tu passes, tu dois beaucoup jouer en on fait. On connaît pour, ça, t'inquiète pas. Je sais pas jouer à WoW, mais on a poncé des jeux. Et du coup, j'avais envie de partager mes passions. À l'époque, YouTube n'existait même pas. C'était Google Vidéo. Ah ouais. Et je savais pas si je voulais la partager en vidéo ou par écrit. J'ai donc commencé par faire un site internet dédié à World of Warcraft. C'était mamitwing.com. Et du coup, à l'époque, j'ai appris à coder un site tout seul avec le site du zéro en mode bloc-notes de A à Z. Ça a commencé comme ça. Alors au début, il y avait genre, je sais pas, 10-100 personnes par jour sur le site, mais j'étais déjà très content. Bah ouais, tu fais test. Ce qui reste assez ok, limite même pour l'époque quand t'es pas connu, tu sais, tu fais 100 vues, t'es en mode bon, bah, je suis chaud, t'es un peu, ça va. Ouais, ouais. Et puis, enfin, c'était, enfin, je me souviens, au lycée, à chaque pause, j'allais à la bibliothèque, j'allais un peu coder mon site, un peu tout seul en mode. Ah, trop bien. Dans mon coin, et j'avais déjà rencontré un autre gars du lycée qui connaissait le site, donc déjà j'étais tout. Mais non. Bien. Ouais, ouais. T'étais et... la star du bahut. Bah. C'est le gars de mamitwing.com. Bah, je sais pas trop, en fait je faisais ça un peu en sous-marin, j'en ai parlé à quelques potes, mais sinon je faisais ça dans mon coin. Et quelques années plus tard, en 2010, j'étais en études supérieures et donc j'avais toujours mon site que j'alimentais, et je me suis dit j'ai envie de lancer une émission sur YouTube où je partage ma passion pour WoW, mais cette fois-ci en vidéo. Et à l'époque j'étais en études d'informatique, j'avais rencontré François qui était à l'époque un mec avec qui on faisait ses études d'informatique. Et François, lui, il était passionné d'audiovisuel. Et dans son temps libre, il faisait des vidéos, des petits courts-métrages et tout. Et j'avais vu, sympa, quoi. C'est énorme ce que tu fais, c'est trop quali. Et je lui ai dit, mais moi, j'aimerais bien faire une émission YouTube où c'est genre une émission, une fois par semaine. Je parle de l'actualité de WoW, je donne un petit conseil, des trucs comme ça. Et lui, à l'époque, il regardait énormément Pompétude. C'était les pionniers du streaming, étaient sur StarCraft, ouais. StarCraft et StarCraft 2 à l'époque. C'est ça, c'était 2010, c'était la première chaîne YouTube francophone. C'était les numéro 1 en France. C'est dire, tu vois. Pour l'époque, c'était ouf. C'était un truc de fou. Ils avaient quoi? Ils devaient avoir 10 000 abonnés, je sais pas, un truc comme ça, non? Pour l'époque, je crois. Ouais, 50 000, ouais, 50 000, un truc comme ça. Mais ils sortaient surtout énormément de vidéos qui cartonnaient. Ouais. Et du coup, lui, il regardait énormément Pompétude et du coup, il regardait YouTube. Et il m'a dit, ouais, je kiffe YouTube, Pompétude, c'est génial. Vas-y, je suis chaud, on fait ça. Donc, on a quitté le cours dans lequel on était, qui était grave chiant. Et on est parti chez moi. 2 heures plus tard, on enregistrait la première vidéo. J'avais jamais parlé devant une caméra. J'étais super intimidé, je bégayais, enfin... J'avais du mal. Surtout que c'est d'autant plus dur quand t'as un pote derrière la caméra qui te regarde et tout. Filme. Ouais. Ouais, puis moi au lycée je détestais faire des exposés, quoi. C'était ma hantise, c'était mon cauchemar. Est-ce que t'avais la phobie genre de la feuille qui tremblait? Parce que moi vraiment c'était ça en fait, j'avais de trop peur. Ouais, dès que je faisais un exposé, la prof m'appelait et j'avais vraiment, tu sais, je prenais ma feuille mais ça faisait. Ah ouais. Salut à tous. C'était la phobie, mec. Mais j'avais vraiment la phobie de parler en public. Donc, donc particulier ce moment où c'est ça que t'es à la caméra comme ça, parce que moi pour être tout à fait honnête avec toi, au début je savais pas que Mamitwing était une personne, c'est-à-dire que je savais que c'était un site, que vous faisiez différentes choses, des articles, et ensuite j'ai découvert mais en fait Mamitwing, donc c'est cette personne. Mais donc du coup ce qui m'étonne un peu, parce que c'est vrai que pour ceux qui savent pas, Mamitwing maintenant c'est pas vraiment un collectif, mais vous êtes quand même. On est trois. Ouais. Voilà, vous êtes trois. Donc il y a justement ce François dont tu nous parles, qui a toujours François, rencontré à la réalisation. Il y a Julien que j'ai rencontré quelques années plus tard. Et en fait, c'est vrai qu'à l'époque, donc c'était du gaming, émission dédiée à l'actu de World of Warcraft. Ensuite, on a continué à faire des vidéos gaming. J'ai fait des chroniques sur jeuxvideo.com pendant 2 ans. J'ai fait du Hearthstone quand Hearthstone est sorti. On a fait pas mal de défis inutiles avec Zekaria, genre. Avoir 2 milliards de points de vie avec un serviteur. Ah oui, il y avait ça que j'avais vu, votre vidéo qui avait extrêmement marché. Je crois que c'est comme ça que je vous ai découvert. C'était une vidéo Hearthstone où vous aviez un nombre de PV, genre vous aviez augmenté le truc jusqu'à 2000 ou je sais pas. Ouais, 2 milliards de points c'était de vie. C'était débile le truc. Ouais, c'est trop bien. Gagner tour 1 dans Hearthstone, des tous les trucs un peu improbables, quoi. Tous les trucs qui servent à rien, mais qui sont très fun à faire. Et du coup, on a continué notre petit bout de chemin. Toujours en parlant des jeux Blizzard, c'est vraiment notre passion commune, c'était jouer aux jeux Blizzard et partager notre passion à ce sujet. Et puis fin 2015, début 2016, on se dit, vas-y, on va faire un hors-série. En fait, il faut savoir que Metz, c'est une ville historique de dingue. Il y a vraiment un riche patrimoine historique. La ville, elle a plus de 2000 ans. C'était déjà une ville à l'époque gallo-romaine super importante. Ah oui. Et il y a surtout énormément de forts de guerre abandonnés tout autour de Metz, qui datent du 19e siècle, début 20e siècle, et où il y a eu de nombreux conflits, notamment avec l'Allemagne voisine. Et depuis 2010, on explorait énormément ces forts. On allait se balader en mode, découverte, exploration, l'aventurier. Entre aventure, histoire et frisson, parce qu'on aimait bien aussi y aller seul de nuit, enfin à deux, tu vois, de nuit, parce que se faire peur en fait. Ouais. Comme quand t'es petit, tu lances le défi d'aller dans ta cave ou au fond du jardin de nuit. Mais on faisait pareil. Et à force de le faire et d'amener des potes là-bas, on se dit mais pourquoi pas faire une vidéo sur YouTube. Finalement, YouTube, c'est partager des trucs qui te font kiffer. Sauf qu'à l'époque, on avait une chaîne 100% gaming. Donc c'était Très ciblé en plus sur du guide World of Warcraft. Très, très ciblé, tu vois. Vous étiez, parce que justement, dans tout ce que tu nous dis, j'ai l'impression que t'as. Enfin, de ce que je vois, c'est que t'es aussi passionné de l'histoire derrière les choses. C'est-à-dire que même dans World of Warcraft, Hearthstone, ça a beaucoup été. Vous avez fait pas mal de vidéos aussi, donc ce qu'on appelle le lore, donc l'histoire du jeu. Essayer de raconter aux gens un petit peu, qu'est-ce qui a fait que ça en est là, quoi. Un peu ce qui te passionne aussi dans l'histoire tout court de la France et de tous ces bâtiments que t'explores. Oui, tout à fait. Moi, j'étais un grand passionné d'histoire. J'ai voulu faire des études d'histoire. Au lieu d'études d'informatique, on m'a dit mais qu'est-ce que tu vas faire après. Donc je n'en ai pas fait. C'est un peu, tu vois, les interrogations que peuvent se poser les parents qui ont envie que t'es. Ils ont pas tort. Hein, voilà, que, un avenir. Plus personne pouvait deviner que t'allais faire une carrière sur YouTube, qui allait t'amener à exploiter cette curiosité que t'as pour l'histoire. Mais du coup, alors que le codage et l'informatique à l'époque pour tes parents, ça devait être. Notre fils va devenir milliardaire. Je vais inventer Snapchat. C'était bac plus 5, t'es sûr d'avoir un métier. En plus, je suis originaire du Luxembourg, donc là-bas, t'as des tafs très bien payés et tout. Et ils voulaient que je devienne. Travaille chez IBM, tranquillement. Voilà, tu fais ton truc. Et du coup, moi, j'étais quand même passionné d'histoire et je me suis dit pourquoi pas faire une exploration nocturne de ces forts tout en racontant l'histoire. Mais tu vois, un mélange entre histoire, mais. Pas le truc chiant, le truc où tu le vis. Le documentaire un peu cool, quoi, de l'intérieur. Le truc où tu le vis, t'es à l'intérieur, en plus ça fait un peu flipper. Et en plus, à l'époque, c'était la grande mode des chasseurs de fantômes. Ouais, c'est vrai. Genre Gus DX. Gus DX, Et j'adorais regarder ça, non pas parce que je crois aux fantômes, je crois pas au paranormal, mais bon, ça c'est chacun. C'est la préhension de chacun. Ouais. Mais moi j'aimais bien le concept d'aller seul de nuit dans un lieu historique abandonné. Et l'effet que ça provoquait. Ouais, voilà, ça me faisait. Je flippais avec Gus. Ouais, en fait. C'est ça. Moi, j'aime bien les films d'horreur parce que ça me fait flipper. Ouais, ça se sent, parce que pour se retrouver seul dans un fort la nuit, faut aimer l'adrénaline. Mais j'aime bien les films. Enfin, ça me fait grave flipper, mais j'aime me faire peur, donc je regarde beaucoup de films d'horreur. Et donc, j'aimais regarder Gus DX. Et je me suis dit, pourquoi pas faire pareil, sans le côté paranormal, mais avec le côté. Juste la découverte, l'histoire. Et c'est vrai que t'as clairement démocratisé en France ce concept d'exploration avec l'urbex aussi. On va en reparler parce que voilà, là on parlait un peu du début, donc sur toi, voilà, qui te lance, qui découvre François. Maintenant ta chaîne YouTube, elle a 950 000 abonnés. Donc félicitations, en route vers le million. On va continuer à parler justement de ce que tu fais en ce moment, des différents, tes différents concepts sur la chaîne. Et aussi à côté, on jouera tout à l'heure au Too Fast. Est-ce que tu sais à peu près ce qu'est le Too Fast ou pas? Alors on m'a briefé juste avant. Ouais. Je suis prêt. Il va falloir faire des vidéos. Il y a encore un peu de temps, je te préviens maintenant, tu pourras peut-être lui faire gagner une PS4. On va mettre une chanson justement avant de continuer ton interview à Mamie Twink. On va écouter. Il y a Lou qui me fait des énormes il me fait les yeux énormes. On écoute Je te le donne, Vita Slimane, et on revient juste après avec Mamie Twink. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit dans le chat Twitch ou hashtag Domingo sur NRJ, on les posera directement à Mamie Twink. Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi. Je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te le donne, sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal quand t'es pas là. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. Je ne sais pas faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui cogne. Passionné d'histoire et d'exploration, il vous partage sa passion sur YouTube. Ce soir, Mami Twink vous la raconte sur NRJ dans Domingo Radio Stream. Eh oui, Mami Twink est notre invité ce soir. Vous avez vu, voilà, un petit peu ce début de présentation, l'histoire de Mami Twink avec du World of Warcraft. Wow, pardon, wow. Début. C'est dur à dire. Ouais, c'est dur quand on est un franchouillard comme moi, tu vois, et qu'on sait pas parler anglais, c'est pas facile. Alors, au début, ta chaîne, donc, comme tu le disais, c'était principalement du gaming. Depuis 2010, tu as eu cette passion un peu d'essayer d'explorer en solo. Tu as décidé de le montrer, de le partager sur YouTube. T'es peut-être la première chaîne française d'Urbex, tout court, je crois. Ouais, on se considère plus comme une chaîne d'histoire et d'aventure. C'est bien parce que c'est vrai que pas mal de gens doivent avoir peut-être cette idée que voilà, tu fais que ça. Il y a aussi pas mal d'autres concepts, notamment donc histoire de guerre, format que j'aime énormément parce que moi aussi j'aime beaucoup l'histoire. Et je trouve que, un peu comme tu nous expliquais, parfois, moi mes trucs préférés c'était les documentaires où t'as des reconstitutions. Tu sais, donc t'as l'impression de revivre le truc. Voilà, ouais. C'était genre trop bien, ça passait, ça j'ai toujours adoré. Et vous là-bas, typiquement, dernière vidéo, le jour où Hitler a failli mourir, l'attentat de 1944. Donc qu'est-ce que tu fais dans cette. Tu racontes comment ça s'est passé, c'est ça? Ouais, donc on a d'une part les explorations, on va vraiment sur le terrain pour découvrir des lieux abandonnés ou pas abandonnés ou insolites. Et une autre série, Histoire de guerre, qui est en fait la suite des histoires qu'on faisait sur les personnages de jeux vidéo au départ, donc dans Hearthstone ou World of Warcraft. Là, ce sont des vraies histoires qui ont eu lieu. On a été très inspirés en fait par ce qu'on suit nous-mêmes depuis des années, que ce soit des émissions d'histoire à la radio. On aime beaucoup Franck Ferrand qui raconte c'est pas énergie, c'est vrai. Alors je sais pas si énergie a des émissions d'histoire. Il y a des gens qui racontent des histoires. Ouais. Après, c'est souvent des histoires de cul, mais c'est pas. Donc, et aussi des documentaires à la télévision. Il y a notamment il y a quelques années un excellent documentaire qui est sorti, c'est Apocalypse. Oh, c'était trop bien. C'est ça a été une vraie révélation parce que en fait c'est que des images réelles. Des vraies images d'archives reconstituées. Améliorées. Comment on appelle ça? Recolorisées. Je sais pas comment remis on dit. Remis au goût du jour, quoi. Ils sont, en fait, c'est en couleur. Non, c'est en couleur, c'est trop bien. C'est en couleur, donc c'est la première fois que. Enfin, une des premières fois où tu avais autant d'images en couleur et c'est que des images d'archives. Ouais, c'était aucun moment. 10 épisodes et tout, là, non? Ouais, c'est feu, mais épisodes. C'est à aucun moment tu as un historien qui va intervenir ou une reconstitution qui va casser l'immersion et c'est que des images d'archives avec une voix off qui te raconte ça, c'est ouf, toute la Seconde Guerre mondiale. Ah, c'est trop bien ça. Parce que ça veut dire quoi, les anciens documents, genre les trucs qu'on voit des fois, INA, je sais pas quoi, là, tous les trucs en noir et blanc, ils sont capables de le recoloriser. C'est un travail monstrueux. Hein. Oui, c'est un travail de plusieurs années. Et c'est ça qui vous a donné envie, du coup, de vous lancer. Tout à fait, parce que moi, franchement, je conseille à tout le monde de regarder ça, que vous aimez l'histoire ou non, c'est édifiant. On en apprend beaucoup sur la Seconde Guerre mondiale, au-delà aussi de ce sur quoi on se concentre ici en France. Il y a vraiment ça prend je suis totalement d'accord. Et moi, j'ai regardé tous les épisodes en 48 heures à peu près parce que je m'étais tapé un week-end et c'est tellement passionnant qu'en vrai, t'as tout envie de voir. Par contre, j'en ai fait des cauchemars. En fait, tu vois tellement des vrais. Ah oui, bah tu en vois fait, tout. Tu vois vraiment réalité, l'horreur de cette Seconde Guerre mondiale et en couleur. Alors que d'habitude, t'avais ce fil noir et blanc qui te faisait, même si tu sais que c'est la réalité, qui te faisait un autre monde. Et la couleur te rappelle comme si on y était aujourd'hui. Et j'en ai vraiment fait des cauchemars très réalistes en me disant, mais ne tapez pas 8 épisodes en 48 heures, ça vous reste dans la tête. Quoi. Des gens demandent sur le chat, le nom c'est Apocalypse, c'est ça ouais, je crois. Ils avaient fait deux saisons. Ou ils avaient fait Première Guerre mondiale et Seconde. Ils, voilà. Ils ont commencé par la Seconde, ils ont fait Première, ensuite ils ont fait Adolf Hitler jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et là ils ont fait, après la Première Guerre mondiale, La paix impossible. C'est génial, et ça nous a donc inspirés. On s'est dit, nous, on se raconte souvent des faits historiques sur ces guerres entre nous, que ce soit insolite, comme le mec qui s'est volontairement fait interner dans Auschwitz dans le but d'y créer une rébellion. Wow. Celui-là, je crois que c'est, j'en ai peut-être vu deux de vos vidéos et j'ai vu celle-là, c'est incroyable l'histoire. Sachant que le mec, après s'être fait volontairement interner, il a envoyé des informations aux alliés pour dire qu'il y avait ces camps de concentration. Bon, c'est pas très rigolo, mais voilà, que les camps de concentration étaient une réalité. Ça a été un des premiers espions, en fait, à révéler ça. Les alliés, c'est super stylé, limite d'apprendre ça après coup, quoi. Genre, t'es en mode putain, le gars, ce qu'il a fait, quoi. Oui, les alliés ne le croyaient pas. Les alliés ne croyaient pas à l'existence, au début des camps de concentration. Et le mec s'est échappé d'Auschwitz après, parce qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait pas monter une rébellion. Okay. C'était l'idée de base. Parce que les alliés ne lui envoyaient pas d'armes parce qu'ils ne croyaient pas. Il pouvait rien faire en fait. Il était coincé dans. Voilà. Il croyait pas en son pouvoir. Il croyait pas en fait qu'on exterminait en masse des gens, êtres humains. Et du coup, il s'est évadé d'Auschwitz. Et il y a très peu de personnes qui sont évadées d'Auschwitz. Donc et l'histoire de fou, c'est qu'au final, il a survécu, mais il s'est fait arrêter par les Soviets. Parce que c'était un résistant polonais, ouais. Et du coup il s'est fait condamner à mort par les soviets pour une autre histoire, alors qu'il avait réussi genre le mec pire sorte. Voilà, et du coup voilà, c'est l'histoire de Witold Pilecki. Et voilà, c'est ce genre d'histoire qu'on aime raconter, qu'on connaît pas forcément, c'est trop bien, mais qui sont passionnantes. Et mais c'est ça qu'on aime aussi dans l'histoire. Voilà, ça que moi qui m'avait fait aimer l'histoire, en tout cas rien qu'au lycée ou quoi, c'est toutes ces anecdotes justement. L'histoire de héros dont on connaît pas le nom. C'est pour ça, sur format YouTube, par exemple, si t'as pas trop envie d'écouter, tu sais, un truc trop sur un ton sérieux, enfin, vous le traitez très bien, c'est pas ce que je veux dire, mais plus avec votre force à vous, à savoir la force un peu d'internet, on se reconnaît plus facilement, quoi. Et ouais, c'est plus dynamique, je sais pas, c'est plus cool. Ouais. Par contre, on essaye d'être juste historiquement, notamment sur des sujets comme la Shoah. Précis quand même. Ouais, pas prendre parti, quoi. Et surtout, pas faire d'erreur, tu vois. Pas, et pas de jugement et tout. Donc, ouais, c'est passionnant et on aime faire ça. C'est pas forcément ce que tu vas chercher sur YouTube, mais on partage en fait ce qui nous fait kiffer. Et on fait ça en plus. C'est bien qu'il y ait des gens comme vous. Honnêtement, c'est génial parce que voilà, YouTube, c'est pas forcément que du divertissement brut. Il y a pas que des challenges, que des tags. Il y a aussi des trucs aussi où on peut s'instruire. Et ça fait plaisir justement de le dire et d'avoir Mamie Twink ce soir avec nous. On va continuer à parler de ce que tu fais un peu plus dans les explorations aussi. On a une publicité à lancer. On revient juste après. On va parler des explorations. Puis ensuite, le Too Fast avec Mamie Twink. Une très belle soirée sur NRJ à venir. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. En Normandie, un homme a été arrêté pour avoir conduit sur l'autoroute A13 avec une seule main, l'autre étant occupée à se... Oh, mais non. C'est dégoûtant, et en plus, ce n'est pas la première fois que la gendarmerie le chope pour ça, mais la 220e fois. Quoi ? Mais il pense que c'est un sport, que c'est un truc que 200 fois, c'est qu'il se rend pas compte que c'est illégal. Quoi. Ou alors c'est clairement l'autoroute qui l'excite. Hein. Ouais, c'est ça. Note à moi-même, ne jamais le contacter sur Blablacar. Hein. Manu dans le 6-9. Manu, papa, palabin. 6h, 9h30 sur Énergie. Avec le pack Open Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux. Moi, avec le forfait Orange 50Go, je révise mes chants de Noël en streaming. Et ben moi, avec le forfait Orange 50Go à 9,99€, j'envoie mes vidéos de Noël à toute ma famille. 50Go de vidéos par mois, on va avoir le temps de s'occuper. Hein. Avec Orange, profitez du forfait mobile 50Go pour clients pack Open à 9,99€ par mois pendant 12 mois au lieu de 24,99€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable jusqu'au 8 janvier 2019, 15€ par mois remboursé pour les nouveaux clients. Engagement 12 mois, conditions sur orange.fr. Salut. Salut, c'est Coé. Toi qui, par chance, s'est fait piquer ses clés de voiture hier soir. Toi qui a parlé toute la soirée avec un lampadaire. Toi qui a dormi avec ta perruque fluo. Et toi qui est rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner 2 places de concert Énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect, Sam. Jeu jusqu'au 30 décembre 2018. Règlement sur énergie.fr. Gagnez des trottinettes électriques pour la sortie du film événement de Noël, Bumblebee, avec Énergie. C'est du délire. Écoutez Mickaël de 20h à minuit sur Énergie et gagnez des trottinettes électriques. Waouh. Bumblebee, le 26 décembre au cinéma. Comment tu t'appelles? Un Bumblebee, je vais t'appeler comme ça. Avec Énergie, it's music only. Energy. Let's dance in the daytime at the music play. The DJ plays our song so you can find me and dance behind me. Down the line. You love how I dip and wine. With you it happens every time. My body's only for you only. Something about you got me sweating, sweating. Baby, I'ma drive you loco, loco. Now you got my body shaking, shaking. Hey. I wanna dance with you all night. Celebrity, only me. Give the girl love properly, only me. Give the girl love it endlessly. We give her all of me energy. So means a DJ, turn up the sound. Make sure move her body, only me. Give the girl love properly, only me. Give the girl love it endlessly. Hey DJ. Se vanter d'être cité dans Plus belle la vie. Vous ? Non. Mami Twink, lui, il peut. Il est avec Domingo et sa bande. Sur Énergie. Eh oui, Mami Twink est avec nous ce soir. Et c'est vrai, en effet. On a même l'extrait. T'es pas, t'as été cité dans Plus belle la vie. Ah, vas-y, on écoute. J'essaye de rentrer en contact avec Slenderman. Attends, t'y crois ce délire de Bayou hanté, là ? Bah ouais, donc c'est flippant quand même. J'ai envie de voir ce qui se passe. Non, ce qui se passe, c'est que t'es un gros no life et que t'as regardé trop de vidéos de Mami Twink. Sur Plus belle la vie, t'es une référence. La consécration. C'est un peu cliché, cela dit, mais ça m'a bien fait rire. Bah ouais, j'imagine, ouais. Ça doit être trop marrant, ah bah comme ouais, ça quand marrant, les gens ouais. T'ont envoyé. Mais ouais, genre en mode, je l'ai découvert. Parce que t'es pas prévenu? Ah non, pas du tout. Ah, ok, je pense. Ah, t'as pas demandé une. Ce mec, une non, petite bah, ça. Non, moi, j'ai cool. Mais... Non, mais genre, c'est super gentil. C'est passé, puis on, voilà, j'ai plein de mentions, quoi, en mode, ah, putain. C'est énorme. Bah, en plus, il y a plein de fans. En, hein, de... en vrai, c'est mais c'est non, mais c'est drôle, très drôle, quoi. Ouais. Bah, j'imagine. On en parlait justement, donc, un peu plus de votre playlist ou d'histoire de guerre où vous racontez des faits qui se sont passés. Le principal, c'est quand même les explorations, que ce soit les explorations nocturnes ou non, juste de la découverte de lieux. J'ai envie de savoir, ta vidéo la plus vue, c'est La plus grande peur de ma vie, 2,6 millions de ouais. vues. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette vidéo, mamie ? Mais en fait, c'est comme ça que tout a commencé. On est début 2016, c'était donc il y a bientôt 3 ans. Je pars faire ma première exploration nocturne filmée. Donc c'est les forts autour de Metz, ils sont abandonnés, que j'ai déjà visité des centaines de fois. Et je décide de les explorer seul de nuit pour en faire une vidéo sur la chaîne. J'avais jamais fait d'exploration seul de nuit dans ces forts. D'accord, ok. Parce que j'étais première en tout, quoi. Voilà, je m'étais promis de jamais y aller seul parce qu'il y a quelques années, il y avait un mec qui avait kidnappé son ex-femme et qui l'avait assassiné dans les coins. Donc. Ah, ça met une ambiance déjà. Ouais. tu dis avec un pote, c'est mieux. Lieu bien glauque, tu sais pas sur quoi tu peux tomber. Et bon, je décide quand même d'y aller seul. Donc première fois que j'ai un bras articulé avec une caméra qui filme mon visage, okay. Et une caméra et je pars tout seul m'enfoncer dans la forêt en pleine nuit pour explorer ces forts que je connais par cœur et pour commenter ma visite. François m'attend dans sa voiture sur le parking à l'extérieur du complexe. En fait, c'est un immense complexe de 80 hectares. D'accord. C'est immense. Avec des dizaines de forts disséminés dans la forêt. Tu peux très vite te perdre, du coup, limite même si tu connais pas. Si, oui, tu, connais oui. pas, quoi. Si tu connais pas, tu peux te perdre. Il y a des kilomètres de galeries qui relient tous les bunkers entre eux. Ça, c'est incroyable. Et c'est un complexe qui date du 19e siècle et où il y a eu la guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc les Allemands étaient là et les Américains ont bombardé le site, sont venus libérer tous les forts autour de Metz. Donc je pars de nuit, on est en plein hiver, j'explore pendant 2h30 tous les bâtiments, je raconte l'histoire. À chaque goutte d'eau qui rebondit au fond, je sursaute, une chouette qui ulule, je l'insulte. parce que tu m'étonnes. Et je crois des fois entendre des voix et tout. Et franchement, je suis en mode tension ultime. Au bout de 2 heures, j'appelle François, je dis écoute, ça fait 2 heures que je suis dans les galeries souterraines tout seul. Je visite des forts, je me sens vraiment pas bien. On arrête le tournage, j'ai assez d'images, ce serait bien. Et il me dit non, faut que tu continues parce que en fait on s'était mis d'accord sur un chemin type que je parcourais okay. Et je devais terminer par le bunker qu'on appelait entre nous la cabane du fou. Ok. Parce que ça faisait plusieurs mois qu'on y allait et qu'on voyait des traces de vie, genre des matelas, des sacs de couchage. Ah, donc il y avait des squatteurs ou peut-être squat, des... Ouais. Il y avait même des planches de bois par terre. Okay. Un mec qui voulait faire un parquet dans un bunker. Et c'est vraiment classe le truc, j'ai peur. Et surtout dans la douve, il y avait des barils rouillés avec des impacts de balles dedans. Et donc le truc pas du tout rassurant. Mais quel enfer, mais pourquoi tu veux faire ça? Et on se disait, il y a un fou qui... T'es pas bien sur Hearthstone? C'était mieux, en vrai, un petit raid sur moi. Mais tu vois, à force d'y aller, on se disait, un jour on va rencontrer tu le vas fou. Le croire, tu vas le croire. C'est à la fois, tu vois, à la fois t'as envie de le rencontrer pour voir qui ouais, mais est... Mais qu'est-ce que tu lui dis quand tu dois aussi... Salut. Bonjour monsieur le fou. Et bah surtout, tu lui dis pas ça parce que... Non, il te bute. Mais, et donc, on s'était mis d'accord que je vais terminer par la cabane du fou, qui est l'endroit le plus flippant. Et voilà, la vidéo devait se terminer par là. Et François me dit, si, vas-y, va à la cabane du fou, c'est très bien, ça va être le moment le plus flippant, la vidéo va faire plus de vues. Et je dis, bah, ok. Il sait comment te parler. Hein. Voilà, il sait comment te parler. Ni deux, il y va. Ouais, voilà. Il y a un million là-dessus, il y a un million. Et je fais, ok François, à une condition, c'est que tu m'attendes à la sortie de ce bunker. Parce ah oui, t'étais fait... pas bien toi, t'étais vraiment... Ouais, j'avais plus envie de retraverser toute la forêt c'est bon, tout flemme, seul quoi. De nuit. Surtout avec les éclairages sur le visage, je voyais pas vraiment... Voilà. Ce qu'il y avait autour de moi. Donc, t'as une proie facile parce que les gens ont eu de voyage. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, allez, je prends mon courage à deux mains. Je me dis, c'est, une fois que j'ai fait ça, c'est fini. Donc, je descends, enfin, je vais jusqu'au bunker. Donc, je retraverse une partie de la forêt. J'arrive devant la porte sombre. Je descends le long couloir, la longue galerie souterraine, genre plus de 100 mètres. Un petit truc où il n'y a qu'une personne qui passe. Tu dois un peu te baisser. C'est un long couloir. Bizarrement, je me sens rassuré à l'intérieur. Je me dis, bon, s'il y a quelqu'un, je vais l'entendre et tout. Okay. J'arrive au fond de la galerie souterraine. J'arrive dans la première salle où je vois un sac plastique avec de l'alcool à brûler, des cotons-tiges, des bouteilles d'eau. Tu fouilles en plus ? Des casseroles. Bah oui, pour montrer. Ah ouais, tu un check peu. Quoi. Ouais, dans la vidéo quoi. Et non, mais même en dehors de vidéo, j'aurais regardé. Curiosité. Par curiosité. T'es curieux, tu veux voir si c'est récent. Sans déranger le truc, juste pour voir un peu comme un enquêteur. Donc ça, je me dis, ouais, déjà louche. Il y a vraiment quelqu'un qui vient régulièrement, c'était tout neuf. Je vais dans la deuxième salle, et là, il y a quelque chose de bizarre que je vois au sol. Je vois une flaque rouge. Mais non. Et là, ça dure deux secondes, mais dans ma tête, ça dure une éternité. Donc je comprends que c'est du sang. Ok. Mais quel enfer. Je suis les flaques de sang. Ah oui. Mon regard suit ces flaques de sang et je lève la tête et je vois le cadavre d'un homme allongé dans une mare de sang, les pieds nus face à moi, des vieux habits de sans-abri. Là, je vis l'effroi. Je n'avais jamais vécu l'effroi dans ma vie. J'ai su ce que c'était, c'est-à-dire une peur indescriptible. Oui, ou là, c'est l'instinct. Bah, là, c'est la survie qui prend le dessus. Quoi. Exactement. Je hurle de terreur. Mais je suis tout seul. Hein, je hurle de peur. Je me retourne et je commence à courir avec une seule idée en tête, sortir du bunker et retrouver François parce que je vis à une scène de crime. Et ouais. François est le tueur. François est dans le secteur, il est en mode qu'est-ce qu'il y a ? Mais tu vois, en vrai, normalement, en vrai, il aurait fallu que j'aille voir la personne pour voir si elle était encore en vie ou pas. Flaque de sang, l'ambiance et tout. C'est pas genre tu rentres dans un immeuble et dans l'immeuble, il y a un mec au sol. Ouais. Là, vraiment de base dans un endroit louche. C'était, tu dis que le tueur doit pas être trop loin. En plus, ça avait l'air. C'est ça, c'était tout avec le sac juste avant. C'était film d'horreur. Je pensais que le tueur venait d'assassiner surtout, et que le tueur était dans le coin, et vraiment je ressens une peur, mais comme c'est inimaginable, une vraie sensation de terreur plus que de l'angoisse, et donc je commence à hurler et à m'enfuir, et là il y a une silhouette qui sort d'un retranchement qui m'agrippe et qui me dit arrête, c'est une blague. Je réalise que c'est François, il est habillé tout de noir comme ça, et il me tient et je hurle dans son épaule parce que je crois toujours que le tueur est dans le coin. Et que désormais, on est deux face au tueur et je suis toujours sous. Ah oui, ok. Je suis dans mon scénario d'horreur et je suis sous le choc, je hurle et il me secoue, il me dit arrête, c'est une blague. Et en fait, il me dit viens voir. Et je me retourne, je vais dans la salle et là le cadavre s'est relevé et je découvre que c'est Charles, un ami en commun. Ah, ok. Oh, et en fait, ça c'est encore tes potes. C'est horrible de faire ça. Moi, j'en parle plus. Ouais. Ça, c'est horrible. L'histoire de dingue, c'est que François, dès que je suis parti, il est passé par un autre chemin. Il avait travaillé les cavités pour savoir où passer, pas croiser. C'était stratégique. Il avait appelé mon pote Charles, qui avait mis des vieux habits de son père pour faire genre sans-abri. Il avait acheté du faux sang dans une échoppe de farce et attrape. Et ils avaient contourné tout le truc pour aller se planquer dans bunker. Il m'avait attendu pendant 2 heures là-bas. Oh là là. Tu m'étonnes qu'au moment où il t'appelle, il te dit tu vas y aller quand même. fais le tour. C'était en panique. Et le mec, Charles, il était allongé depuis 1 heure au sol dans la flaque. Le mort. Et il devait se retourner quand même des fois par réflexe, lui. Je l'imagine être allongé avec des petits. Et des fois. Mais non, mais genre, juste, tu disais que tous les jours, tu voyais le truc qui évoluait, genre des signes de vie et compagnie. Mais les gars, on jouait le jeu à ce moment-là. Non, je pense pas que c'est ça. Le matelas. En fait, vu qu'ils ont vu cette histoire ensemble, Même le sac avec la colle à brûler, c'est pas eux. Hein. Ah. Ils ont dit. Donc il y avait déjà de la vie. Quand même. Ah, donc ça se trouve, à tout moment, pendant qu'il faisait semblant d'être mort, il y a un autre mec qui débarquait. Non mais c'est ça en fait. C'est chaud. Mais l'histoire, elle est pas terminée parce que du coup, il y a ça qui se passe. On rentre. Moi, je suis traumatisé. Heureusement, 24 heures plus tard, bon, c'est bon, je suis pas traumatisé. J'avais vraiment peur d'être traumatisé. Et un an plus tard, on y retourne en mode retour sur le truc. Et on se rend compte que dans la douve, à côté, jouxtant la pièce dans laquelle il y avait le faux cadavre, il y a une autre porte d'entrée. Avec un vrai cadavre. mais avec des signes bizarres. On monte et là, on tombe sur l'abri de l'ermite. Donc un lit, des bottes, des bouteilles d'eau, tout bien rangé, nickel. Et il y a bien un mec qui vit là-bas, on ne sait pas qui c'est. Il vivait genre 2 mètres au-dessus de la pièce où ils ont fait la blague. Donc, il y avait vraiment un gars. Oh, le mec, il dormait un matin. Bon, les gars, dans 10 minutes, faut libérer. Oh, le pauvre, t'as dû le réveiller. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a des abonnés qui l'ont apparemment rencontré. Ce serait un sans-abri polonais. D'accord. qui vivraient là, mais c'est vraiment des forts au milieu de la forêt, coupés de toute civilisation. En tout cas, c'est incroyable. Voilà ce que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Mami Twink. Ouais. Voilà des explorations comme mais aussi là, des moments voilà historiques où tu essayes de nous expliquer justement c'est quoi les lieux, voilà l'histoire qu'ont les lieux. Et c'est aussi important. T'as sorti un livre cet été. Oui, on a sorti un livre en juin qui relate les plus belles explorations. On relate cette plus grande peur également. Et ben voilà, il y a des photos dedans. Comment il y a des photos. On est retourné en fait sur chaque lieu, dans les catacombes de Paris, le fort de guerre au sommet des Alpes, refaire à chaque fois des photos pour que ce soit des photos exclusives pour le bouquin. C'est cool. Il y a des belles histoires, notamment Papy Gardien, le fameux gardien du château. Une histoire par running gag, mais récurrente sur ta chaîne YouTube. En tout cas, voilà, si vous n'avez pas encore fait vos cadeaux de Noël, dépêchez-vous déjà. Déjà, je vous le dis. Les explorations nocturnes de Mami Twink, ça peut être aussi une idée de cadeau. Bah écoute, c'est impressionnant. En tout cas, c'est vrai que nous, on fait des vidéos plutôt tranquilles. Non, mais nous, franchement, on est bien. Moi, je suis bien devant mon PC. Un peu de gaming, un peu de Fortnite. C'est un peu moins risqué. Mon cher Mami Twink, ça va être l'heure du tout face. Tu vas devoir faire deviner des mots à un auditeur dans le moins de temps possible. Et d'ailleurs, on a une petite surprise pour Alicia, qui est la gagnante, qui est la record woman, tout simplement. Elle a fait 7 secondes pour faire deviner 5 mots. C'est un très très bon temps. Ah ouais. On va lui remettre juste après. On va écouter un petit David Guetta. Voilà, David Guetta, maintenant, il est représentable. Il est redevenu hyper beau gosse. Je ne sais pas si vous avez vu. Ouais, si, ouais. Non, pas du tout. Certains disent Botox, d'autres non. Bref, il a fait un son. On s'écoute Say My Name et on revient juste après avec Mami Twink sur Energy. You've been dressing up the truth. I've been dressing up for you. Then you leave me in this room. This room. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then why you running? You running. Ooh, oh. If you're really being honest, if you really want this. Ooh, oh. Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Mami Twink est avec nous dans Domingo Radio Stream sur Énergie. Et oui, Mamie Twink est notre invitée avec, avec une anecdote qui fait froid dans le dos. Voilà, que tu nous as raconté. J'ai pas trop aimé. C'est vrai qu'Alicia, toi, t'as peur de gens. Moi, j'ai peur de tout. On est film d'horreur ou pas? Est-ce que... Moi, je kiffe, j'étais toujours. Il y a que Zan, quoi. Moi, j'ai très peur de tout aussi. Hein. Mais lui, il dit ça, le mec, c'est vraiment. T'as peur de tout, le moment où tu vas seul dans le bunker. Si j'avais vécu ce que toi, t'as vécu, je me serais allongée à côté du cadavre et j'aurais attendu ma mort. Je me serais pas posé dans le bunker. Elle aurait attendu de tuer, tu es mort. L'adrénaline, l'instinct de survie reprennent le dessus. Et ouais. Mais là, t'as plus peur de rien, c'est bon du coup. Bah si, quand même, je pense. Oui, maintenant moins. Mais les premières explorations, j'avais souvent peur, un peu traumatisé par ce truc, peur de retomber sur des mecs. Ouais, un truc choquant. Là, ça va déjà mieux. Mais j'avoue que je sais pas si j'y retournerai seul dans cette cabane. Avant le tu préfères, Mamie Twink, on va se faire avant le Too Fast, on va se faire un petit tu préfères justement pour savoir tes goûts tout simplement. Tout à fait, on va commencer. Est-ce que tu préfères WoW ou Hearthstone? WoW, parce que ça a marqué ma vie. Hearthstone, t'as aimé ou t'as été peut-être un peu déçu parce que t'es passé dessus et au final j'ai beaucoup aimé, mais genre j'y ai moins joué que WoW. Enfin, WoW ça a été combien d'années? Ça a été 7 ans de ma vie, des milliers d'heures de jeu. Ouais. Enfin, c'est pas la même relation quoi que t'as avec le jeu. Les gens qui ont joué à des MMO, je pense, savent de quoi. Nous on était sur Guild Wars, quoi. Ouais, mais tu sais que j'ai joué plus de 1000 heures à Guild Wars. J'ai commencé par Guild Wars. Ah ouais. Et genre, enfin, tous les failles, moins 50-50 et tout. Oh là là, ça parle vrai. Technique, un mais... peu d'HOH. On est sur énergie en tout cas dans toute la France. Et ça parle langage technique de Guild Wars, un jeu d'il y a 10 ans. Mais c'est ça qu'on aime aussi. Est-ce que t'es plus exploration de jour ou de nuit? De nuit, parce que ça fait flipper. T'es à combien là pour l'instant d'exploration? Est-ce que tu sais à peu près filmé? On a fait près de 50 explorations, ouais. Ok, filmé, non filmé, enfin. Filmé, je sais pas, des centaines, je compte même plus. Maintenant, est-ce que t'en fais encore des non filmés juste pour le plaisir, peut-être pour les repérages, ou tu vas toujours justement en découverte? Il y a des lieux qu'on filme pas parce que c'est trop sensible. Tu vois, il y a des lieux qui sont tellement bien conservés ou. On se dit, si on sort une vidéo, qu'après les gens vont là-bas et détruisent le lieu, on n'a pas envie, quoi. Est-ce que justement, ce que je me demandais, c'est que dans ces lieux, comme tu nous le disais avec le gardien notamment, ouais. Comme les gens le voient dans la vidéo, j'imagine que les gens de la région, ils savent à peu près où c'est. Il n'y en a pas beaucoup justement qui essayent d'aller visiter les mêmes endroits que toi, qui essayent de faire la même chose que toi? On essaye d'être le plus discret possible sur la localisation. Après, si tu veux trouver un lieu, tu le retrouves toujours. Et je pense que les mecs qui vont faire un peu de recherche, c'est... Voilà, il faut, tu vois, si tu donnes l'adresse, c'est sûr que t'as n'importe quelle personne qui peut venir. Après, oui, on est conscient qu'on donne envie aux gens d'aller explorer les lieux. Après, nous, on partage vraiment ça par passion pour l'histoire, pour le patrimoine qui peut potentiellement tomber en ruine dans quelques années. Donc, on essaie aussi. Ça laisse une marque, quoi. On essaye un peu aussi, de partager cette passion, d'inculquer des bonnes valeurs aux gens. Donc, on espère que les gens qui regardent les vidéos, ils vont avec ce même respect pour le patrimoine et l'histoire de notre pays. Ouais, comme tu donnes pas l'adresse, le gars qui fait les recherches un peu historiques, c'est quelqu'un qui a envie, voilà, plus de découvrir le lieu. Mais c'est vrai qu'en France, le problème, c'est que les lieux sont souvent saccagés par des gens qui viennent s'amuser à détruire le lieu. Ça déçoit un peu, forcément. Moi, j'avais une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de filmer une exploration? Et de tomber sur quelque chose où tu t'es dit, ah bah tant pis, je peux pas montrer ça, donc on annule la vidéo, ou. C'est déjà arrivé que. C'est déjà arrivé qu'on coupe des trucs et que, par exemple, on a fait des navires de guerre abandonnés. Okay. Et je suis tombé sur des documents confidentiels défense qui avaient été oubliés dans le navire. Ouais. Et j'ai juste filmé le tampon. Ouais. Donc j'ai pas filmé le contenu. Et un mois plus tard, j'avais le gendarme au téléphone et une plainte de la marine. Ah ouais? Et la vidéo a été bloquée en France sur YouTube et t'as le message. Le gouvernement français a bloqué cette vidéo. Putain, c'est le moment où c'est pas juste le petit claim de. C'est pas l'artiste du coin qui se dit je vais prendre la monétisation. Ah ouais, si tu devais passer deux nuits dans la jungle ou au pôle Nord, qu'est-ce que tu choisirais comme ambiance? La jungle, parce que j'ai une peur bleue des serpents, un truc comme ça. Ah, mais il y a les sarbacanes et tout, mec, dans la jungle. Mais il y a 20 ça. Non, alors il faut pas aller sur la North Sentinel Island qu'on a fait l'Amérique. Hein, là. Mais on en a parlé, là, le peuple. Ouais. Mais c'est un truc de fou, hein, cette histoire. Le peuple des 200, là, qui vivent encore justement avec les arcs et où personne peut. Ah oui, le. Oui, ah, oui non, mais ça. C'est des tribus. Il y en a plusieurs, des tribus comme ça qui vivent coupées de toute civilisation. Et eux, ils ont fait le bon choix, je pense, de se couper vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des tribus qui sont rencontrées par des émissaires et ils vont accepter d'échanger des trucs et puis ils vont être corrompus par notre un autre monde. Et eux ont fait le choix de se bloquer complètement du monde extérieur. Il y a un mois, ils ont tué un Américain qui était sur leur île. Mais c'est carrément illégal d'aller sur leur île par le gouvernement indien. Si tu devais... juste avant, tu nous parlais justement de la peur bleue des serpents. Ouais. Mais allez, visiter Petra, donc une des merveilles du monde, donc en Jordanie, où tu as fait 24 heures dans le désert, non? Ouais, 24 heures dans le désert. Et donc, on est tombé sur une vipère. Tu te fais mordre, je crois que tu as une heure pour aller... Parce que c'est pas la vie des vipères du bois. C'est une des plus dangereuses du désert. Mais j'ai peur des serpents. Mais tu vois, j'aurais envie de mettre au challenge, de je sais pas, de croiser des boas ou des... C'est vraiment l'aventurier malgré toi. Ouais. T'as peur de tous les trucs, mais tu dis je vais y aller. J'ai une autre question qui me paraît très importante. C'est quoi ton assurance? Parce que là, je veux bien le nom, parce que gros, si tu te fais assurer alors que tu fais tout ça, c'est incroyable. Je sais même pas. Tu sais, quand tu prends le billet d'avion, tu prends une assurance. J'espère qu'il fonctionne. Ouais. Si tu devais choisir une aventure avec Bear Grylls ou alors avec Moundir. Bear Grylls, évidemment. T'es sérieux, mec? C'est qu'en fait, François, qui est mon réalisateur, a aussi une chaîne YouTube d'aventure et de survie. Lui c'est sa grande passion. Donc ouais, Bear Grylls, c'est... Après, Moundir, quand même, a fait Moundir et les aventuriers et tout. Mais il a fait récemment, en plus. J'ai vu où t'es allé tourner avec lui, une vidéo dans les sables mouvants de Saint-Michel. Il a fait comment survivre dans les sables mouvants. Il était enfoui jusqu'au torse. C'était énorme, c'était le grand kiff. Et l'exemple, c'était Bear Grylls qui, dans un épisode, explique comment il faut faire pour survivre dans les sables mouvants. Et justement, parce que vous y êtes allé à deux, t'es allé filmer ça avec lui, ça, toi. Parce que je voyais à un moment, dans la vidéo, on t'entend derrière la cam en mode « Merde, je m'enfonce !» C'était ça le problème, en fait. Comme je vais quand même le cadrer et pas trop bouger, et si tu bouges pas, tu t'enfonces encore plus, et du coup je m'enfonçais. Tu devais faire des petits pas de temps en temps, tu tournes un peu. Ouais, c'était très marrant. J'imagine Walou. Et entre Bear Grylls et Mike Horn? Ah, ça c'est un choix cornélien. Je dirais Mike Horn parce que francophone, mais choix cornélien, j'aurais envie de dire les deux. Ok. Ça a été quoi, tiens, ton pire souvenir vraiment d'exploration? Est-ce qu'il y a... Alors, il y a un moment où tu t'es dit, ok, c'est déjà ce que tu nous as raconté juste avant, où tu es tombé sur le cadavre, c'est quand même... c'était la plus grande peur, c'était de très très loin le pire. Le deuxième, et malheureusement on l'a pas filmé parce que les caméras ne tournaient pas à ce moment-là, c'est dans une prison abandonnée. On rentre dans la prison, en plus on galère trop, on doit escalader le mur d'enceinte de 8 mètres de la prison avec une vieille échelle en bois qu'on avait trouvée dans les hautes herbes. On arrive à l'intérieur de la prison, on se dit putain, ça fait 2 heures qu'on essaie de rentrer dedans, on est enfin à l'intérieur. J'allume ma lampe, mon éclairage, parce qu'on était en pleine nuit pour pas se faire repérer. Et là, on entend une porte claquer, on se dit oh merde. Au début, on pense que c'est la police qui est arrivée. Et en fait, c'est un truc de fou, il y avait un gardien qui était dans sa voiture, dans l'enceinte de la prison. Okay. Et il passait la nuit tout seul dans la prison. C'était tourné, quoi. C'était une patrouille, voir que personne ne vienne, parce qu'en fait il commençait à la détruire, donc il y avait du matériel de chantier, okay, et il voulait pas que ça se fasse voler. Et le mec pense, ne sachant pas si on était de simples explorateurs ou des gens venant voler le matériel, nous a lâché son berger allemand dessus. Donc berger allemand sans muselière qui te saute à la gueule, tu penses qu'il va te croquer. Et surtout, moi en fait, le gardien, il était avec sa lampe torche, il nous hurlait dessus. Moi, je pensais qu'il nous tenait en joue avec un gun. Ok, d'accord. Et ouais, j'ai un peu flippé. Ah ouais, déjà, t'as le berger allemand, tu penses qu'il a un gun. Sachant que c'est une zone où t'es pas censé être là, autant le gâter. Et du coup, je lui ai dit désolé, on vient juste explorer pour faire une petite vidéo. Et il a dit par où vous êtes venu? J'explique par le mirador et tout. Il dit repartez par là. Et moi, j'ai un peu la peur du vide. Je lui ai dit mais non, j'ai pas envie de redescendre l'échelle. Est-ce que vous pouvez nous ouvrir la porte de la prison? Et il a été trop sympa parce qu'il nous a ouvert la grande porte de la prison et nous a laissé partir sans appeler la police et tout. Cool, il a paniqué aussi, quoi, en fait. Et ouais, je pense qu'il a eu très peur aussi. Et quelques jours plus tard, on a sorti la vidéo et sa fille a vu la vidéo et nous a écrit en mode il est trop content, vous avez bien parlé de lui et tout. C'est trop bien. Tu m'étonnes, je pense quand t'es gardien de prison abandonné où il y a peut-être du matos qui se fait voler, quand tu vois les gens, le chien est parti direct. Tu m'étonnes. Bah écoute, on a pu en savoir un peu plus sur toi. On va continuer. Tu sais quoi, on a une petite pub à mettre d'une minute. Je vais encore te poser quelques questions parce que je suis curieux, savoir justement un peu niveau sport. J'ai quelques questions. On se met la pub d'une minute et on revient juste après sur Énergie. Il a gagné la somme folle de 50 000 euros en écoutant Énergie. Tu t'appelles où? Je crois que c'est moi. Pourquoi tu nous as appelé au 3937? J'ai entendu 5 chansons d'affilée. Tu as bien fait de nous appeler pour la playlist suprême. Tu gagnes 50 000 euros! C'est incroyable! Merci. C'est un truc de dingue. Energy, it's music only. Salut, c'est Manu. Toi qui l'as conduit qu'à l'aller. Toi qui as dansé toute la nuit avec un serre-tête licorne debout sur le bar. Toi qui as chanté très fort, très longtemps et très très faux dans la voiture. Mais toi qui es rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Parce que vraiment, tu chantais très faux. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner deux places de concert énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect Sam. Jeu jusqu'au 30 décembre 2018. Règlement sur énergie.fr. Ce soir, Mamie Twink est avec nous dans Domingo Radio Stream sur Énergie. Et ouais, la pub parlait de Sam, c'est très important, surtout en cette période de fête. Faites attention, voilà, quand vous prenez la route ou que vos amis, vos familles prennent aussi la route, parce que on en parle, hein, ça fait un peu moralisateur. Ouais, il y a encore énormément de gens qui décèdent sur la route, justement, voilà, à cause d'alcool et qui font aussi des victimes. Des dégâts collatéraux. Donc voilà, faites attention à vous. On est toujours avec Mamie Twink. On est dans ce petit tu préfères, voilà, où je te pose quelques questions. Tiens, d'un point de vue cinéma, est-ce que tu préfères Sauver le soldat Ryan ou alors Warcraft, toi qui es fan de l'univers WoW? Non, Sauver le soldat Ryan quand même. Warcraft, t'as pas trop aimé en tant que fan? Si, mais enfin. Ah, c'est au-dessus. Enfin, ça reste au-dessus, quoi. Enfin, Warcraft, c'est une bonne adaptation du jeu vidéo, mais c'est pas. Pour grand public, en fait, c'est voilà. Pas fait pour les experts du c'est jeu. Pas non plus, ou... C'est pas non plus un Seigneur des Anneaux. Ou ouais, je te ouais, Seigneur des c'est Anneaux. C'est un bon film. Ils n'ont pas prévu d'en faire un deuxième, Warcraft. Si, je pense, hein, ça avait bien marché, en vrai. Et le film était bien. Ils voulaient, je crois, mais que ça n'avait pas marché dans de grands endroits. Mais ça a bien marché en Chine, je crois. Ouais. Et justement, ouais. La Chine. Je crois ça... que c'est pas aux États-Unis. Justement. D'accord. Et que du coup, il y a un conflit d'intérêts de qui met les sous, etc. Ouais, ok. Ok. Bah, comme quoi on apprend aussi. Allez, tiens, encore sur les voyages, si tu dois choisir entre pays chaud ou pays froid, qu'est-ce qui te fait le plus kiffer, toi? Pays chaud, car je suis frileux. Tout simplement. Non, mais, de temps en temps, il faut dire les choses. Encore une fois, parce qu'on a l'aventuré, on a demandé ça à Mixem la semaine dernière. Si tu dois emmener une chose sur une île déserte, en tant qu'explorateur, une seule chose. Il avait dit quoi à Mixem? Je me rappelle plus exactement. Une peau, il avait dit. Ah oui, c'est vrai. Je prendrais une paille filtrante pour pouvoir boire n'importe quelle eau. C'est quoi une paille filtrante? C'est ce qui c'est les nouveaux trucs qui se vendent. Enfin, paille filtrante ou un filtre à eau, en fait. Pour purifier l'eau, quoi. Après, peut-être que François m'engueulerait et me dirait qu'on pourrait filtrer l'eau autrement. Mais t'es trop bête. Non, mais en vrai, je prends pense le que... lui, au pire, part avec lui. Hein. Non, je pense qu'il faudrait qu'il réponde à ma place. Lui, il dirait peut-être un hameçon pour pêcher. Ah ouais, c'est pas parce que c'est vrai que ça doit être dur à fabriquer, mais putain, moi j'aurais pas enfin ouais, OK. Toi Zang, non, mais sans ça, non, une guitare. Non, ouais, j'aurais fait un peu de son. Voilà, tu recordes. J'ai vu aussi, parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas forcément, mais je crois que c'était cet été, t'es un grand fan de cyclisme, toi. Ouais, je suis un immense fan de cyclisme, j'en fais depuis j'ai commencé le vélo en même temps que vous. OK. À 15 ans et j'en ai fait énormément. Genre j'ai fait des dizaines de milliers de kilomètres dans ma vie. J'ai vu une photo là, ça, je crois que c'était cet été, non? T'as monté quoi, l'Alpe d'Huez, non? Ouais, j'ai fait une étape du Tour de France. Enfin pas en même temps que les pros, mais j'ai fait la même étape avec trois couleurs catégories, 180 km, 5000 mètres de dénivelé positif. Oh la vache, t'as mis combien de temps à faire ça? J'étais bien en PLS, j'ai mis 9 heures parce que j'avais pas de gros entraînement en fait. Oh. Le vélo, faut énormément s'entraîner. Là, faut jamais s'arrêter, quoi. Et là, j'y suis allé avec très peu d'entraînement, avec des douleurs aux genoux. Ouais, juste une petite après-midi, t'avais envie de t'amuser. Ouais, et, heures, en plus, il faisait bien chaud. Je crois qu'on a eu 37 degrés dans un col. Au bout de 2 heures, il a appelé son pote. C'est bon, on a assez d'images. Lui, il a dit on continue. Attends, en haut, il y a un truc. C'est bon, j'ai assez d'images, je veux rentrer. Non, va au bout. Putain, mon pauvre. Non, mais c'est vrai que j'ai vu ça, un peu de muscu aussi. Ouais, la préparation physique, en fait. Parce que j'ai beaucoup de problèmes aux genoux, des douleurs, et donc j'ai un coach qui me prépare physiquement pour éviter les blessures. Bah, j'imagine, parce que surtout que quand même, tu passes souvent... Moi, j'ai vu les endroits dans les catacombes ou quoi, parfois, vous passez c'est dans... Ah, c'est des dur. Mini-trucs. Vous passez parfois dans des trous à rats où on a l'impression que t'es pas sûr de pouvoir non, sortir. Non, mais en fait, quoi. T'as l'impression que tu vas y rentrer, mais pour sortir, t'es en mode... T'as jamais eu peur, quand tu rentres dans certains trous, d'être juste bloqué? Ah, ouais, si, le retour. Il y a juste ta tête, les gars. Bon, on n'est pas des fous non plus, on fait attention. À chaque fois, on va avec un mec qui connaît, mais ouais, quand j'ai fait de l'initiation à la spéléologie, quand tu te retrouves à marcher dans des couloirs où t'as à peine la place pour passer avec ta poitrine, il faut un peu rentrer le ventre, et que tu vois pas le bout du truc, tu commences à baliser, et là t'as la crise d'angoisse qui arrive. Et surtout, les mecs, ils aimaient bien un peu nous titiller. Ils m'ont dit bon bah maintenant tu le refais au retour, mais sans lumière. Donc on a dû le faire dans le noir. Tu mets ça derrière, tu prends le coach sportif, faut pas avoir le petit bide. Quand t'es bloqué parce que t'as un peu trop mangé de McDo la veille, c'est un peu chaud. Bah écoute, au moins on a pu en savoir un peu plus sur toi, Mamie Twink. Ça va être l'heure du Too Fast. Après, il y aura le triple A de Doig. Une question sur l'argent, une sur l'amitié, une sur l'amour. Ça sera à la toute fin. On va se mettre, tiens, Angèle, qui a été intégrée à la playlist Énergie là, il y a quelques temps. Cool. C'est fantastique. On écoute Tout Oublié et on revient juste après avec le Too Fast, Mamie Twink. Et on a la petite surprise pour Alicia. C'est bon, on s'est donné. Vous allez voir ça. Angèle, tout de suite. Et on revient pour le Too Fast. Bougez surtout pas. On est là jusqu'à minuit sur Énergie. N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter, d'en avoir vraiment rêvé. Et sinon vie parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé, oublie qu'elle t'a perdu. Tout ce que t'avais, si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Tout, il faudrait tout oublier. Plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais. Et eh oui, c'est l'heure du Too Fast. On a un petit peu de retard. Il est 21h56. De toute façon, ça va. T'es pas trop pressé ce soir? Bah non, je suis là à Paris et je prie l'hôtel et tout. Ah, écoute, c'est bon. C'est tellement mignon. J'ai le petit. D'ailleurs, il n'y a plus de train en fait. Oui, c'est vrai que c'est Noël aussi, donc quelque part. Foutu pour foutu. D'ailleurs, parce que tu m'as dit que justement, donc t'es arrivé à Gare de l'Est forcément. Ouais. Tu voulais pas visiter. Les souterrains? Ouais, les. Il y a un bunker sous la gare de l'Est. Ah ouais. Un bunker de la Seconde Guerre mondiale sous le quai 3 ou 4. Mais inaccessible. Alors il est fermé au public, mais il existe. Il a encore, il y a l'électricité et tout. Et c'était un bunker qui devait servir pendant la Seconde Guerre mondiale en cas d'attaque sur Paris pour continuer à faire fonctionner la gare, à faire circuler les trains. C'est incroyable. Et donc du coup toi tu veux visiter ça et tu l'as pas fait encore? Non. C'est pour ce soir là, tu vas après l'émission. On est en contact avec la SNCF depuis plus d'un an. Et on essaie d'avoir les autorisations pour le visiter. J'imagine que ça doit être gouvernemental et tout. Ça doit être et clair. Les stations fantômes de Paris, ça t'intéresserait pas ça? Si, j'aimerais beaucoup le faire, mais avec autorisation, parce que ça se fait en clandestin. Mais le problème, c'est qu'il faut courir sur les rails, et je trouve ça super dangereux, et j'ai pas envie de le faire. Ouais, j'imagine. Mais oui, j'aimerais bien le faire, pourquoi pas, avec Laurent Dutch. Pour le coup, ça serait métronome. C'est vrai que lui, il a fait carrément des bouquins sur l'histoire de Paris, l'histoire des métros et de chaque coin. En tout cas, Mamie Twink, voilà, il y a de l'histoire, nous, ce qui est historique. C'est le tout face. Et ce soir, nous avons le trophée d'Alicia. Et, bravo, vous pouvez applaudir. Alicia qui est pour l'instant la record du tout face avec 16 secondes. Je vais pas le péter, tiens, je te le passe. Et let's go. Vas-y, soulève-toi. 16 secondes, Alicia qui va remettre le titre en jeu. Voilà, ça, on se donne. Et devant 150 000 auditeurs, Alicia soulève son premier titre. On espère c'est trop bien. On espère le voir dans ton nouvel appart. Elle est stylée. Et je vais jouer ma vie. Mais ouais, fallait prévenir. La prochaine fois, je joue, je suis plus arbitre. Ce soir, il va sur mon bureau direct. Fallait prévenir qu'il y avait un truc comme ça. Bon, en tout cas, il va y avoir 3 personnes. Comme on te le disait, le Too Fast, Mamie Twink, c'est assez simple. Tu vas devoir faire deviner 5 mots. Tu vas avoir une liste de 7 mots. Donc, si jamais il y en a un que tu sais pas, tu peux faire passer. Typiquement, si tu as, j'en sais un bleu, à chaque fois, je prends cet exemple, mais tu peux dire le ciel est. Tu vois, genre il va dire bleu ou le ciel est de quelle couleur. Le but est de faire deviner à l'auditeur. On a les 3 auditeurs qui sont là, on a Adeline. Salut Adeline. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment tu vas Adeline? Coucou. Bah ça va, tranquille. Et vous? Bah écoute, super bien. Avec qui est-ce que tu veux jouer? Avec Alicia. Yes. Ah bah bien évidemment, elle a son trophée, elle a tout en fait. C'est trop bien. On est vraiment des tryharders, on joue nos vies. Il y a marqué champion automne 2018. Ça veut dire qu'il y a des systèmes de saison et tout. Ah mais c'est comme un foot. Vas-y. Moi je suis déjà prêt pour la prochaine. Ah mais cet été on part pas les gars, on va faire ça. C'est l'été, moi je vais m'entraîner. Il y a le summer quoi. Adeline et Alicia, c'est la première équipe. On a Thibaut aussi qui est avec nous. Salut Thibaut. Salut Domingo, salut toute l'équipe, salut Manny Twink. Salut. Salut Thibaut. Bon Thibaut, est-ce que t'es confiant pour ce Too Fast? Ah là, je suis chaud là. J'espère que ma YouTube va gérer aussi. T'as la pression. Ouais. T'as pas de pression. Tout va bien, Thibaut. T'as quel âge toi? Moi, j'ai 15 ans. Ok, d'accord. Il y a une PS4 Pro à gagner, hein, comme à chaque tour. Comme à chaque tour. Pour Noël, là, boum. Honnêtement, c'est ça mettrait super bien. Tu gagnes là ce soir. C'est Noël avant l'heure. Et le dernier, c'est Lucas. Coucou, Lucas. Salut PA, salut tout le monde. Salut. Lucas, c'est un vrai. Il m'appelle PA, il connaît mon prénom. Tu veux jouer avec qui? Avec moi? Exactement. Il y avait marqué, hein. J'aurais pas pris le risque. Le médium. Mais t'es chaud ou pas, Lucas, quand même? Hyper chaud. Ok, dernière fois que j'ai joué, j'ai fait gagner mon auditeur, donc t'en fais pas. Zank, les 3 équipes sont faites. Adeline, Alicia, Thibaut et Mamie Twink, Lucas et moi-même, qui va commencer à jouer? On va commencer tout de suite par la championne en titre, qui va remettre peut-être. Bah non, parce que là, il y a écrit. Non, je remets pas celui-là. Mais je on va quand même commencer par toi. Et du coup, est-ce que la saison hiver est ouverte officiellement dès ce soir? Excusez-moi. Est-ce que les Winter Royals sont ouverts? Nous ouvrons la saison d'hiver. Bravo. Les jeux sont ouverts. J'ai hâte. Bon, bah écoute, Adeline est là? Oui, toujours là. Ok, est-ce que tu veux dire un petit mot à Adeline ou pas besoin? T'as l'expérience. Tu veux lui dire un mot ou on part direct? Non, c'est bon, on va bosser direct. Adeline, t'es concentrée? Ok, ouais. Tout à fait, je suis à fond. Ok, tu donnes le premier mot qui te passe à l'esprit, d'accord? Ça marche. Et n'hésite pas à en dire plein à la suite et je t'arrêterai quand ce sera le bon. Le compteur est prêt, tout m'a l'air bon. Okay. On est bon. Parti. 3, 2, 1, Too Fast! Ok, la vipère, c'est un. Serpent. Ok. Ce que tu mets quand t'as froid par-dessus un t-shirt, c'est en laine souvent, c'est un. Un pull. Ouais. La couleur du soleil, c'est quoi? Jaune. Ouais. Ça a 3 côtés. Il peut être équilatéral, isocèle, c'est un. Un triangle. Ok. Et le roi, il a une. Couronne. Time. Non, c'est pas bon. Sa femme, c'est là. La femme du roi. Ah, la reine. Oui. Aïe. Le temps était quasi parfait. En plus, je croyais que c'était imperfect. Elle a failli s'assurer à nouveau. C'est vrai que la couronne, c'est dommage. La couronne qui est tombée dedans. Bah ouais, en fait, je me suis dit, c'était tellement obvious. Je suis à côté de toi avec le papier. Le papier est sur la droite. Il a pas vu. Toi qui es en train de noter les scores, on les saura à la toute fin. Comme d'habitude, le premier duo, Adeline et Alicia, est passé. Qui joue juste après? On va jouer avec toi. Oh là là, la pression monte pour Mamie Twink, du coup il va jouer à la toute fin. Lucas, t'es toujours là mon pote? Allez. Bon Lucas, je te le dis, ce soir on est là pour gagner. Non, c'est parti. Ouais, il y a eu un petit saut qui a moyen. Bravo. Oh, hey, tu parles mieux, Lucas. Mais lui, Lucas, je peux te dire que c'est un bon. T'as quel âge, Lucas? 25. Bah écoute, ce soir tu gagnes, je te le dis d'avance. Vas-y, ma gueule, allez. C'est parti. Ça 3, ouais, vas-y, là, tu veux jouer ou quoi? Ouais, je veux jouer, ma gueule. 3, 2, 1, too fast! C'est bleu, c'est des petits bonhommes, on peut les manger aussi. Des trompes? Ouais, c'est le médecin de la bouche quand on a mal, on va chez le dentiste. Ouais, c'est une couleur, c'est pas bleu, c'est pas rouge, c'est principal. C'est jaune? Non, l'autre, de la pomme? Vert. Ouais, on s'en sert pour faire du vin, des grappes de raisin. Ok, et sur le sapin on met quoi? Des boules. Non, autre chose, plus long. Étoile. Plus long. Il l'a dit. Time. Tu m'enlèves 2 secondes sur timer. J'ai entendu. 2 secondes sur timer. T'es sûr que j'enlève quand même 2 secondes? 2 secondes sur timer, je pense. Ça va être Brice, c'est confirmé? 2 secondes. J'ai mis pause quand j'ai entendu moi guirlande. Confirmé. Est-ce que je peux te faire confiance? Là, je peux pas à Zank, s'il vous plaît. 2 secondes. Parce que, alors, si jamais c'est pas dans les Twink, Zank est l'arbitre et il prend tout très au sérieux, très à cœur. Okay. Tout se passe bien. J'ai anticipé. Parce qu'en fait, moi, j'ai compris ta description qui était guirlande. Et dès qu'il a dit guirlande, parce qu'on l'a entendu dans le fond, moi, j'ai mis pause. Okay, et là, si je t'enlève 2 secondes, non, c'est, okay, c'est un faux score. Je laisse comme ça. Okay. Et Lucas, je suis désolé pour vert. Genre, j'avoue que. Non, mais c'est pas une couleur primaire en plus. Par contre, pourquoi? Du coup, j'ai dit principal parce que je savais pas comment. Je me suis dit, qu'est-ce qui est vert? Bon, bah, je trouve pas. Donc, tu lui as dit plus long, il a dit étoile. Par contre, j'ai pas compris. Ah, parce que c'est une boule avec des branches. Ah ouais, mais c'était pas. Plus haut. J'avoue que plus long était pas forcément bien, mais bon. Ça se comprend, ça se comprend. Les scores sont bien joués quand même, bien joué. J'espère que le temps ira, mon Lucas, on peut être fier de nous quand même. Ok. Ok, c'est bon, je me calme. Ok, ma gueule. Bon, le dernier, j'imagine, il y a plus. Mami Twink, t'as compris le principe, c'est bon? Ouais, j'ai compris, c'est comme le tabou. Bah, c'est exactement. C'est le tout face. C'est tout face. Joué, je sens qu'il va être chaud, Mami Twink. Thibaut, t'es toujours là? Ouais, je suis là. Ok, bah écoutez, Thibaut, Mami Twink, t'as toujours une phrase pour Thibaut, pour recentrer vos chakras? Bah, Thibaut, t'enchaînes les mots et puis si jamais ça passe pas, je passe. Pas de problème. Ça a joué au tabou ici. Ça a joué, on va voir si l'expérience va parler. C'est maintenant, c'est tout de suite, Mami Twink. 3, 2, 1, tout face. Alors, c'est une couleur, celle du ciel? Bleu. Un chien, l'autre animal? Chat. Tu joues sur. Pas sur une console, tu joues sur. Un téléphone? Non, tu joues. Ouais. Un ordinateur. Voilà. L'opposé de la fourchette? Couteau. Non, l'autre? Cuillère. Ouais, et le pain? Le pain, c'est long, c'est français. C'est français. Tu l'achètes dans n'importe quelle boulangerie? Baguette. Ouais. Ah, dommage. C'était pas mal, quand même. À chaque fois, je donne l'exemple de quelle couleur est le ciel, et à chaque fois, ça tombe sur l'invité avec la couleur bleue. C'est vrai. C'est pour mettre en confiance. On dirait presque que c'est truqué. C'est vrai. C'est vrai quoi. Dit comme ça, on dirait presque. Attention. Ça devrait être pour papier, normalement. Je te l'avais prévu depuis une semaine. Dommage. Bon, et Thibaut, dommage. C'est vrai que sur la fin, sur baguette, t'as perdu quelques secondes. On va voir. On va passer. Je vous mets tous les trois en ligne. On va passer à l'arbitre. Ouais. Enfin, le deuxième arbitre, excusez-moi, parce que j'ai vu un sale regard de Zank. Je suis le simple chronomètre. Ah, okay. Monsieur le chronomètre, est-ce que vous voulez une petite musique d'ambiance? Pourquoi pas, parce que honnêtement, ça a été extrêmement serré cette session du Too Fast. Avec bien sûr. pas autre chose que Pirates des Caraïbes. Moi, je l'aime bien cette musique. Gros, on s'est déjà dit, on a deux musiques sur le budget. Avec juste à côté, t'as le Too Fast, t'as le champion automne. À la troisième position, quelqu'un qui. A pourtant déjà joué, parce que c'est pas sa première ce soir. Mais c'était au tabou, pas au tout face. C'est Mami Swing, Mami Twink, 31 secondes. Mami Swing aura fait une très belle prestation. Ça s'est joué sur ce qui est long et français. Ouais. Hein. Ouais. Je ne veux pas dire le mot, mais c'est vrai. C'est la baguette. J'ai commencé par dire pain. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça s'est joué là-dessus. Mais deuxième place. Enfin, c'est tellement serré parce que. Parce qu'il y a 27,07, heureusement je note les centièmes, hein, pour l'une des deux personnes. On a la championne contre et Pablito. On a l'autre qui a 27,37. Ah ouais, ça se joue à 3 centièmes, enfin 3 dixièmes quoi. Donc c'est vraiment rien du tout. C'est pour ça que attends, le timer est super important. Changer de son. Ouais. C'est bon. Transition. Il faut savoir. Ça met tellement 1000 ans à se lancer. Que le gagnant. Du premier Too Fast d'hiver après le titre d'Alicia sur 16 secondes en automne, le trophée à peine sur la table, qu'elle marque déjà la première place avec 27,07. Et Domingo qui fait 27-37, ça se joue rien du tout. Yes. Rien du tout. Et honnêtement, elle a perdu 10 secondes sur le dernier mot. Donc elle était à 17 au moment où elle a eu le... On n'avait pas une seconde de moins Non, parce que moi j'ai vraiment arrêté à guirlande. Non, honnêtement, regardez la rediff sur YouTube et vous allez voir 100% de toute façon, t'inquiète pas. Hey, attends, avant d'offrir déjà la PS4, Lucas, tu sais quoi, t'as quand même fait une très belle prestation. On va t'offrir un Smash Bros. Un Smash Bros Ultimate. Incroyable. Voilà, on a ces jeux-là à faire gagner ce soir. On t'en envoie un parce que quand même, à 20 centièmes d'écart, tu mérites quand même. Mais je suis dégoûté, j'étais persuadé d'avoir gagné en plus. Je te jure, sa tête, elle était mythique. Il était en mode, je me dis, ma mère, c'est elle. Ouais, je pensais que Dwag faisait un petit truc. Non, mais dis pas que c'est moi qui ai gagné, c'est un bluff. Pas aussi long. Le mec, imagine, la semaine prochaine, j'arrive et je dis, j'étais un bluff la semaine dernière. Je me suis bien nu. T'avais gagné, mec. Bon, en tout cas, Lucas, on va t'envoyer Smash Bros. Et Adeline, surtout, félicitations pour la PS4 Pro, bravo. Bravo à toi. Merci à Lucas. Bah merci à toi, hein, c'est totalement mérité. Bien joué. Et ben voilà, en tout cas. belle réaction à chaud au bord du terrain. L'émotion est grande, l'émotion est forte. Quel match. C'est trop bien cette phrase. Le quel match est fantastique. J'adore. Bah écoute, Adeline, est-ce que tu as un petit message pour la famille? Tu vas l'offrir la PlayStation ou c'est pour toi? Non, droit. Yes, voilà. Bah écoute, profite bien en tout cas. Bonne fête de fin d'année. Profite des tiens. Merci, vous aussi. Merci à tout le monde. Merci Mamitune pour tout ce que t'as raconté, qu'on a pu entendre. Du coup, c'était génial. Bah merci beaucoup. Bonne fête à toi. Profite bien. Merci. Des gros bisous Adeline, à la prochaine. Et voilà, la PS4 Pro est passée. Belle, 31 secondes, il a fait Mamitune. C'est bien, 31 secondes. En vrai, franchement, honnête. Hein. Non, je pense que c'est sur ordinateur, j'aurais dû dire clavier. Ouais. Il va jouer à ça. Ouais. Il va se rentraîner au tabou et tout. Je vais revenir si tu veux, plus fort. Tu sens l'âme du gamer. Ouais. On fait un tout fast spécial. Mais c'est vrai qu'on a un classement et tout ce qu'on dit à chaque fois. De toute façon, il y aura un tout fast All Star, je pense, avec une grande scène. Ah, mais on va louer le Zénith. J'étais en préparation. Je préfère vous prévenir. Ça va être l'heure du triple A. Une question sur l'argent, une sur l'amitié, une sur l'amour. Vous connaissez, c'est la séquence de Dwag. Mamie Twink, prépare-toi très bien parce que ça va être chaud. On s'écoute Later Bitches de The Prince Karma. Juste après, on se fait le triple A sur NRJ. Later! What the hell do you mean I've gotta wait in line? This is complete and total bullshit. I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. later, bitches. C'est Domingo et son équipe sur Énergie. Il est 22h12, il souligne d'arriver sur Énergie. Je m'appelle Domingo, tous les dimanches soirs on est dans Domingo Radio Stream. Et on a des invités Radio Stream. Radio Stream. Ah, il y a un petit Rachid dans le truc. Ouais, j'insiste quoi, on est à la radio. Mais voilà, on a Mamie Twink ce soir. Je vous propose, j'ai fait gagner un Smash Bros Ultimate. On en a encore à faire gagner, je crois qu'il y en a un sur Twitter aussi. Ouais. Sur Domingo, sur Énergie. Voilà, vous y allez, vous tentez de gagner. Et solo. Exactement mon pote. On va se faire... Attends. Tom Papen ! Eh oui, le premier qui nous appelle au 0800 70 42 48 va repartir avec le Smash Bros. Donc dépêchez-vous, le numéro est gratuit en plus. Bon courage, ça va aller très très vite. On a une pub à lancer. Donc juste avant le triple A de Dwag, finalement on se la met comme ça. Après on est tranquille. On met la pub, on revient pour le triple A de Dwag sur Mamie Twink. Gagnez votre enceinte connectée avec le double hit Energy. Hey, what's up Energy, c'est DJ Snake. Écoutez Energy toute la journée. Dès que vous entendez le double hit Energy avec deux titres de DJ Snake à la suite, appelez Energy 3937. Et gagnez pour Noël votre enceinte connectée. Amazon Echo pour écouter Energy tout le temps. Energy, hit music only. Vivez le jeu avec PlayStation VR. Ressentez la vitesse dans Wipeout Omega Collection. Plongez au cœur de l'action dans Firewall Zero Hour. Redécouvrez le jeu de plateforme dans Astrobot. Immergez-vous dans plus de 200 jeux et expériences uniques. Le Starter Pack PlayStation VR plus le jeu Astrobot sont à 199,99€ au lieu de 339,99€ jusqu'au 23 décembre, soit 140€ d'économie. Energy Hit Music Only avec Ariana Grande en concert. La superstar Ariana Grande est enfin de retour en France le 27 août à l'Accor Hotel Arena pour le Sweetener World Tour. Attention, concert complet, date supplémentaire le 28 août. Infos et réservations, energy.fr, livenation.fr et point de vente officiel. Ariana Grande en concert. Un événement énergie. Salut, c'est Koé. Toi qui par chance s'est fait piquer ses clés de voiture hier soir. Toi qui a parlé toute la soirée avec un lampadaire. Toi qui a dormi avec ta perruque fluo. Et toi qui est rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner deux places de concert énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect, Sam. Jeu jusqu'au 30 décembre 2018. Règlement sur énergie.fr. My circuits are blown. I feel so alive. My life just blew up. I'd give it all up. I'll depressurize. On the road, 500 hours. and I need the touch and something human, human. On a fait un petit top appel avant la pub, juste avant le plombier.com. Et c'est Edgar qui a gagné. Bravo, ce match. Félicitations Edgar, t'es le plus rapide. Il nous a demandé ça si on allait bien, ça va. Il est arrivé à son petit 16. Ouais, salut Domingo, salut tout le monde, ça va. Zork, yo, il est capable de traduire Zork. Bah Edgar, bravo, t'as été le plus rapide. Bah merci à vous. Trop fort. Vous êtes génial. Bah écoute, mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'est vraiment ce moment où tu prends le téléphone ou le numéro. J'avais préparé mon coup et tout. Waouh, mais c'est ça la préparation. Et ça, c'est comme Mamie Twing. Avant de partir ça sur un voyage ou sur une exploration, ce qui fait la réussite d'une vidéo, c'est la préparation. On est d'accord? Ah ouais, non, mais c'est. Bah oui, fois, c'est 90% du taf, comme un policier. C'est beaucoup de travail, ouais. Après, ça dépend des expéditions, mais ouais, c'est beaucoup d'organisation. Et bah voilà. Un peu chiant. Mais... Il est vraiment cool, Mamie. Il a le secret. Ouais, il est dans tout, parce que. je regardais juste Doug en mode jusqu'où il va aller. Jusqu'où il va pouvoir emmener le truc. Bon, en tout cas, Edgar, bravo à toi. Est-ce que tu as un petit message, une dédicace à passer? Ouais, je vais faire une petite dédicace à ma classe, la première lecture de Joliot Curie. Je sais pas s'il m'écoute. Et voilà quoi. Trop mignon. Bah écoute, en tout cas, c'est passé, mon pote. Bonne fête de fin d'année à toi. Bah merci, vous m'avez refait. Hein. Merci à vous. Bah pas de soucis. Ça fait un petit cadeau en plus. Voilà, on a encore. On a encore des jeux. Tout à l'heure, on aura le Juduc. Est-ce qu'ils connaissent le Juduc? Non, ils connaissent pas encore le Juduc. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Il y aura un casque Bose à gagner sur le Juduc. Vous découvrirez ça. Ça sera vers. Je pense qu'ils sont pas prêts. Ça sera vers 23h. Mais en tout cas, maintenant, c'est le triple A de Mamie Twing par Doig. Amour, argent, amitié, on veut tout savoir sur toi. Et pour ça, il n'y a pas mieux que le triple A de Doig. Et oui, Mamie Twink, c'est parti pour le triple A. Trois questions plus ou moins bien ou mal placées hein, en fonction de la personne qui vont aller principalement sur l'amour, l'amitié et l'argent. On retrouve le triple A. Toi, avec quel sujet t'es le moins à l'aise en public, on va dire, devant la caméra? Sur quelque chose qui sera aggravé à vie et pour toujours, que tu pourras jamais supprimer d'internet, quoi. Le plus pudique, je dirais l'amour. L'amour? T'en parles pas pudique. Tant que ça, toi, même dans tes vidéos ou... Non, pas. On essaye d'être assez discret sur. Bon, on va aller creuser un petit peu. Je la garde pour la fin, du coup, ou tu préfères qu'on commence par ça? Fais comme tu veux, c'est toi le chef. Ok, ça tombe bien. Bah, comme je veux, du coup, avant ça, j'ai une question hors série pour toi. Tiens, vraiment, première fois, on sort de ce triple A. Pourquoi ce pseudo Mamie Swing? C'est quoi cette histoire? C'est une bonne question, on me la pose très souvent. Ça vient de World of Warcraft, c'était mon pseudo dans le jeu. En fait, les Twinks dans WoW, c'est un certain type de personnage. Mm-hmm. C'est des personnages bas niveau que tu rendais très puissants en leur envoyant de l'équipement avec tes personnages haut niveau. Et t'allais en champ de bataille et tu défonçais tous les mecs qui levelaient avec ce Twink. Ok. Un truc pour s'amuser sur les débutants. Un truc un peu sale, ouais. J'avoue. Et en fait, donc j'avais. Comme plein de gens, j'avais créé un Twink et avec un pote, on s'est dit vas-y, on s'en fait un ensemble. Et comme dans tout jeu, quand tu commences avec un pote et que tu crées un personnage en même temps, t'aimes bien parfois avoir un lien. Et on avait fait deux elfes de la nuit, c'était Papy Twink et Mamie Twink parce qu'ils étaient vieux. Un truc vraiment tout con. C'est comme pas mal de pseudos, bien sûr, ça démarre toujours d'histoires comme ça. Et du coup, c'est resté et j'ai gardé ce pseudo et j'avoue que ça n'a plus aucun rapport avec ce que je fais aujourd'hui. Mais il est collé sur ton corps, trop compliqué à s'en débarrasser. aujourd'hui, là, avec le temps, si tu pouvais t'appeler autrement, tu as une idée de pseudo là, t'aurais préféré Papa Twink peut-être. Parce que Mamie, t'as pas eu le bon gars. Non, mais peut-être pas Mamie Twink, parce que, enfin, il y a une histoire assez louche en fait avec ce pseudo que j'ai appris. C'est bon, il est 22h. Ouais, vas-y. En fait, c'est une histoire assez. Je l'ai appris à mes dépens. Faut pas taper ça sur internet le soir, c'est ça. En fait, pour tout vous dire, mon tout premier site sur WoW, c'était wo-twink.com. C'était un site qui devait apprendre aux gens à avoir le meilleur twink possible dans World of Warcraft. Donc j'avais 18 ans quand j'ai créé ce site. Et moi, je savais que twink, ça voulait dire ce que ça veut dire dans les jeux vidéo. Je savais pas ce que ça voulait dire dans un autre monde. Je pense qu'on le sait pas non plus. Hein. Non, ouais, c'est pour ça. On triple P, triple P. Il va falloir le dire. Je pense que c'est ça. Non, je sais pas. Ah, non, mais j'étais. Tu sais que cette anecdote, je la dis très rarement parce que c'est bien un malaise. Donc, j'avais mon site wo-twink.com. Ouais. Un jour, je veux aller sur mon site et j'oublie le tirer. Ne le faites pas, hein, ne le faites pas, ceux qui ne le faites pas. Là, c'est fini, là, déjà. Et je suis tombé sur un. Alors, c'est vraiment. Le mec s'est dit, je me suis fait hacker mon site. Non, mais, attends. Quoi? Je tombe sur un. Tout naïf que je tombe sur un site. Enfin, bah, c'est horrible. Donc, un site. C'est porno ou c'est. Ah, c'est porno, ok. C'est une université. Ah. Avec des jeunes garçons très jolis. Et au début, je comprends pas que c'est un site porno. Un site porno gay. Et du coup je me dis mais pourquoi est-ce que c'est pas mon site, tu vois. La meilleure réaction, l'innocence. Et en fait, mon guide. Mais pourquoi c'est pas mon site? Mais attends, mais le truc c'est qu'au début ça faisait pas site porno, ça faisait. Je pensais que c'était une université. Voilà. Okay. Et je clique sur. Et je clique sur visite médicale. Ah ouais. Oh. C'était le médecin qui faisait la visite médicale du jeune. Et putain, j'étais tellement choqué parce que je n'attendais pas à ce que j'allais voir. Et du coup, j'ai appris à mes dépens que twink, en fait, c'est de l'argot anglais et ça veut dire c'est la bimbo au masculin. D'accord, ok. Donc oui, si je pouvais changer de pseudo, je l'aurais fait. Pour rebondir sur ça. T'as jamais voulu utiliser ton nom, enfin ton vrai nom, parce qu'on voit Florian, par exemple Super Connard qui s'est transformé en Cyril, ouais. etc. Ouais, c'est vrai que c'est vachement la mode. C'est une solution, parce mais que là, j'avoue que les gens qui tapent. Non, mais en fait, le vrai truc, c'est que personne ne sait que twink ça veut aussi dire ça, donc bon, ça va. Ouais, tu vas conserver. Mais ouais. C'est vrai que parfois j'ai des personnes qui me demandent, au fait, ça vient d'où, Mamie Twink, et je soupçonne dans leur regard de savoir ce que ça veut dire. Ah, et du coup, tu penses qu'ils te questionnent comme Doig, du coup. Ouais, non, mais je savais que. Des fois, tu vois, j'ai ce pressentiment que la personne sait. Et ouais. Ah bah, la visite médicale, c'est son truc, quoi. Donc, Mais ouais, je me disais que ton site était pas mal. mais du coup, mon site n'existe plus. Aujourd'hui, c'est mamitwink.com et tu peux pas te tromper. D'accord. Il n'y a plus le tirer. Et j'avais fait la blague du tirer dans une vidéo à l'époque par rapport à Blizzard qui m'avait envoyé une carte de bonne fête de fin d'année. Et ils avaient oublié de tirer. J'avais dit merci, mais le tirer. Ouais, toi, ça t'a traumatisé, et quoi. Il m'avait plus parlé pendant 2 ans parce que j'avais fait le rapprochement et tout. Ah ouais. Bon. Mais ouais, tout. Ça, l'histoire. Ils ont pas trop aimé la blague. C'est eux qui font l'erreur et c'est eux qui te boudent. Mais tout va bien depuis. On va revenir sur des sujets un petit peu plus communs. On va parler de l'amour. Du coup, comme ça, on va mettre ça de côté rapidement. Vas-y. Je veux savoir rapidement comment ça va, toi, niveau cœur. Je crois que t'as quelqu'un. Ouais, ça va très bien. J'ai Victoria avec qui je vis depuis 4 ans bientôt. Victoria qui n'a rien à voir avec l'univers de YouTube, du gaming. Elle est pharmacienne. Trop bien. Et c'est ouf parce que ça permet vraiment, tu vois, d'avoir un pilier complètement déconnecté de Tu l'as connu comment d'ailleurs ? Je l'ai connu par le biais de Tinder. Oh, attention, mais c'était mon premier, premier rendez-vous sur Tinder. Oh, comme quoi ? En fait, j'avais jamais essayé. Tout le monde m'en parlait et en fait, c'était très drôle parce que François m'en avait parlé, m'avait même coaché et j'étais allé à un repas avec lui. Il y avait son pote Charles, le fameux faux cadavre. Ouais. Le fameux faux cadavre. Tu l'avais revu. C'était ouais. On avait remangé ensemble une pizza. Non merde, c'était un an avant. Et du coup, Charles m'avait coaché. Charles et François m'avaient coaché sur comment bien match sur Tinder. Et j'avais matché sa sœur quelques jours après. Mais... Petit coucou à Charles, hein, le cadavre. Après, En vrai, avec ce qui t'a fait. Mais ouais, du coup, Victoria, avec qui voilà, tout, ça se passe bien. Je veux savoir, bien, du coup, comment. Parce que du coup, t'as une vraie transition entre le moment où tu faisais beaucoup de gaming et ce moment où tu te mets en danger. Comment elle le vit, elle? Parce qu'en soi, ça arrivait soudainement dans toi, dans ta vie, même si c'était une passion. Ouais, elle, elle vit ça que maintenant tu te mets en danger quasiment une fois par mois? elle a vécu la transition. On s'est rencontrés, je faisais que du gaming. Et puis elle a découvert avec moi les premières explorations. Mais elle sait. Elle vient avec toi sur place de temps en temps? Non, jamais. Okay. Une fois, on est allé ensemble parce qu'elle avait envie de découvrir. Mais non, jamais. Mais elle a découvert voilà, cette transition de faire des reportages dans des lieux abandonnés. Mais elle sait que je suis pas un fou, bien un sûr. Fou, oui, mais un accident est vite arrivé et tu te mets plus en condition de. Ouais, de tu danger que nous, quoi. Ouais, en fait, c'est vrai. C'est ça que je veux dire. C'est vrai que des fois, je lui parle de prochaines explorations en mode. Elle, ça doit l'inquiéter. Je lui dis, ouais, on va partir dans une mine abandonnée, c'est trop ouf. Alors, celle-là, en mode, c'est dangereux. Et imagine, ça s'effondre. Tu veux pas refaire un don d'air sorti. Moi, des fois, elle me fait un peu la gueule, mais c'est vrai que avec le temps aussi, elle a vu que bon, c'était ça. Sérieux, avec, oui, puisque comme tu as dit, toi, tu fais très attention, tu vas avec des guides. On fait attention. Repères les lieux aussi. On fait pas les fous parce que bon, malheureusement, il y a des jeunes qui se tuent en explorant des lieux abandonnés. C'est bien de le rappeler. Oui. Et déjà, moi, j'ai pas envie de mettre ma vie en danger pour ça, hein, pour une vidéo YouTube, c'est bien hors sûr. De question. Genre, tu vois, moi, je vais pas jouer au funambule. Je sais qu'il y a des gens qui le font très bien. C'est des professionnels, mais moi, j'aime pas ça, donc je le fais pas. Et surtout, j'ai pas envie de donner de mauvaises idées aux jeunes qui aillent après se blesser ou même se tuer. Et donc, la deuxième partie de cette question-là, parce que là-bas, c'était pas vraiment basé sur ta vie sentimentale, c'était plus l'amour de tes fans. Parce que du coup, aujourd'hui, tu proposes un contenu différent, un peu plus de transmission de connaissances, d'histoires, ce genre de choses. Je me demande quelle est l'attitude des fans quand ils te rencontrent toi, parce que du coup, ils ont l'impression peut-être de rencontrer un professeur ou un bon copain qui raconte les histoires ou les bonnes anecdotes. Je pense quelle comme, relation tu as avec tes fans? C'est comme beaucoup d'entre nous, on a vraiment une relation. Quand un abonné vient vers toi, il a l'impression de te connaître, bien sûr, comme si c'était un cousin ou un ami. Donc c'est vraiment la même relation et beaucoup de bienveillance en fait. Genre énormément de bienveillance, super bienveillant, sympa. Bah tu leur apprends beaucoup de choses, ouais. Donc ça c'est un peu un reflet de ce que tu toi leur transmets, bah ils te le renvoient avec une bienveillance. Ouais, puis souvent très touché de l'amour qu'ils ont, ouais. Je me souviens une fois j'étais à l'hôpital. J'avais eu des soucis de santé assez embêtants et j'étais dans ma chambre d'hôpital et là c'était au Luxembourg en fait. Okay. Et au Luxembourg la tradition c'est Saint-Nicolas, c'est pas Noël, c'est Saint-Nicolas aussi décembre, et il y a Saint-Nicolas, donc c'est une sorte de Père Noël qui arrive dans ma chambre parce qu'il distribuait les friandises. Et bon, j'étais adulte, mais bon, il fait ça pour chaque chose. Oh, j'attends bien, c'est quoi, tranquille, allez, on y va. Et du coup il y a le Père Noël qui fait oh putain Mamie Twink. Et du coup, il s'est soucié de moi et j'allais souvent à l'hôpital et il travaillait, c'est un infirmier qui travaillait à la cafétéria et à chaque fois, il venait m'apporter le chocolat chaud pour prendre des nouvelles et tout. Et ça, c'est touchant, tu vois. Non, et est-ce qu'il y a une relation entre le moment où vous proposiez principalement avec Zacharia le contenu très divertissant Hearthstone, où là, la relation, c'est plus des délires, la rigolade, on sait que ça provoque pas la même émotion chez le consommateur, si on peut dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a une différence entre, à cette époque-là, quand tu croisais ton public, où il te racontait un délire MDR, quand t'as explosé ci, explosé ça. Les 4 millions de barres de vie, ouais. Et cet autre public que t'as, à mon avis, acquis grâce à ces nouvelles activités, qui est plus de l'histoire, des choses beaucoup plus terre-à-terre, concrètes. Est-ce que c'est les mêmes interactions qu'ils ont avec toi? C'était plus ça, Mathieu? Les interactions sont les mêmes. Exactement, ok. Mais c'est notre audience a vieilli. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de... Ils vieillissent la plupart même genre, avec toi. Ouais, ou quoi, c'est aujourd'hui c'est plus du 18-35, mais des fois aussi, genre, il y a quelques semaines sur le quai de la gare, une dame, je sais pas, 50-60 ans, qui vient me voir. Au début, je pense qu'elle vient me voir parce que son fils regarde. Elle me fait, ouais, je suis abonné, j'adore, elle me parle de toutes les vidéos et trop tout. Bien. Et ouais, c'est trop cool, quoi. Mais c'est vraiment toute génération. Des fois, ils regardent en famille l'enfant, le papa, le grand-parent. Ok. C'est trop stylé, hein. Ouais, non, c'est du contenu, vraiment familial et grand public. On enchaîne avec la question amitié et bon, on est parti un petit peu fouiner dans pas mal de choses. Déjà, je voulais savoir, je sais pas si peut-être vous l'avez déjà raconté en vidéo, mais comment t'as rencontré ton binôme Zacharia avec qui tu partages beaucoup l'écran? Alors, François, je l'ai dit, c'était à l'université. Oui. Et Julien, c'était dans un bar. En fait, on était tous les deux dans le même bar et elle avait une pote qui était très bourrée, qui a renversé sa bière sur mon pote. Okay. Mon pote était pas content. Et puis en discutant, on s'est rendu compte qu'on jouait au jeu Blizzard et qu'on kiffait ça. Genre, il parlait de Diablo et tout. Et puis on a commencé du coup à faire des soirées. Les deux groupes de potes ont fusionné. On a fait beaucoup de soirées pendant un an. Genre, c'était vie étudiante, soirée au bar et tout. Et à force de discuter, de parler des jeux Blizzard, de l'histoire. Et lui était aussi passionné de sites et de développement web. Et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas créer un site sur Hearthstone. Et du coup, on a créé Hearthstone Dex ensemble. C'est là que ça va commencer. C'est là que ça a commencé, ouais. Assez vite, quand même. Du coup, en un an à peu près, vous êtes lancé professionnellement ensemble, quoi. Bah, en fait, non, au début, c'était en 2012-2013, les sites rapportaient de quoi se payer les billards au bar. Donc, c'était pas encore professionnel. Ça vous a permis même de vous tester, du coup, dans ce genre de conditions Ouais, mais en fait, voilà, on dit toujours que c'est super dur de lancer une entreprise avec des potes, parce que c'est pas la même chose. Ça mêle un peu, ouais. C'est pas la même chose d'être ami et de travailler ensemble. C'est vraiment deux choses différentes. Après, les chiffres et tout, j'avoue. Ouais, mais même les prises de décision et tout, c'est bosser ensemble, bien sûr, bien sûr. Tu vois, genre bosser ensemble, les tensions, les frictions. Savoir faire des compromis, et le fait qu'on ait été potes et qu'on ait fait des projets passion ensemble pendant des années, le moment où on a dû créer notre entreprise, donc début 2016, ça faisait des années en fait qu'on bossait déjà ensemble. Et vous aviez déjà compris qu'il y avait il y a jamais eu aucune friction, et on a toujours été super honnête, transparent entre nous, et je pense que c'est une force. Et tiens, rapidement, histoire que ça lui fasse un petit peu plaisir aussi, parce qu'on a très peu parlé de lui aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous dire, là, comme ça, en live, son plus gros défaut, parce que tu le connais très bien, quoi. Zakaria ? Ouais, le truc, bon... Son plus gros défaut, c'est d'être tête en l'air. Ok, mais, ça va. Mais c'est, voilà, chacun a ses défauts. En mode, eh oh, je te parle. Non, mais plus de... En fait, t'es en l'air quand t'es en airbag, c'est qu'il oublie sa lampe, c'est chaud. Non, mais voilà, de devoir... J'ai mis mon matos. Devoir rappeler les trucs, au fait, ça, t'y as pensé, ça et tout. Ouais, c'est toi un peu qui est l'organisateur du binôme, quoi. Du trinôme, parce que c'est toi le boss du monde, t'es l'organisateur du monde. Non, mais du trinôme, parce que il y a François aussi. Aussi. Vraiment, François, je viens, et on est tous les trois ensemble. Mais oui, c'est moi qui organise. Enfin, je suis né au Luxembourg, j'ai grandi là-bas, j'ai fait le système luxembourgeois, c'est très germanique, tu vois. Ouais. Donc, c'est très carré et tout. Rigueur. J'ai la rigueur allemande. En moi. Et dernière question, on va aller sur l'argent rapidement et on va parler du coup de YouTube principalement. Vous avez renommé la chaîne, non ? Non, c'est toujours Mamie Twink. Ok, mais il y a pas eu un moment où vous aviez vendu pseudo dedans ? On a fait on a créé une chaîne gaming il y a un an, une chaîne secondaire gaming, parce qu'en fait, l'année dernière, on a pris la décision de séparer le gaming. Ouais. De la chaîne, parce que on se revenait à faire des histoires de guerre justement sur le mec qui s'évadait d'Auschwitz défi piment tu perds, tu manges un piment. On était un peu en mode ça commence à être un peu bizarre, donc on a créé une chaîne gaming mais qui a pas duré très longtemps parce que finalement on a un peu arrêté de faire du gaming. J'ai vu, elle était un peu en sous-temps, mais vraiment la chaîne Mamie Twink avec Zakaria, elle avait déjà ton nom quand vous faisiez des vidéos. C'était Mamie Twink depuis le tout début, avant même que Julien soit là. Et je voulais savoir du coup, parce que t'as eu deux périodes du coup sur ta chaîne, t'as eu vraiment ce moment où tu faisais du Hearthstone, du contenu tous les jours, enfin on connaît Blizzard quoi, tu restes à la maison, ça te tombe dessus et tu fais de la vidéo, beaucoup de rendement avec beaucoup de contenu, donc beaucoup de dollars normalement à la fin, sachant qu'en plus niveau monétisation sur ce genre de vidéo là, ça va. Contrairement à ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Et là, c'était sur une deuxième période qui, du coup, te met, entre guillemets, plus en difficulté au niveau de la préparation, de l'organisation, de la créativité, même le fait de se renseigner sur vraiment le détail, parce que tu ne veux pas dire de bêtises dans tes vidéos. Donc, un rendement beaucoup plus faible, des moyens beaucoup plus chers, parce que tu voyages, etc. Enfin, honnêtement, des fois, tu n'as pas ce regret de se dire, putain, je me prends la tête aujourd'hui, alors qu'avant, j'avais des cartes déposées. Tu prenais juste un screen d'une carte, expliquer l'histoire. Les gars, le nouveau deck 5-5. Parce que je veux dire, genre, vraiment, ces deux périodes où, financièrement, ça, c'est pas la même chose, c'est pas la même vie. Comment tu. Alors, déjà, comme on a commencé ça dans le but vraiment de partager ses passions et à aucun moment de gagner de l'argent, on n'a jamais eu ce rapport à l'argent de. Tu vois, la rentabilité, c'était vraiment pas l'objectif au début. Moi, je voulais même pas faire de YouTube mon métier. Moi, je voulais travailler tranquille et c'est en voyant que ça commençait à marcher que je me suis dit, allez, je vais tenter l'aventure. Donc, on n'a jamais eu de lien par rapport à l'argent qui nous donnait cette envie d'aller avoir un maximum d'argent. Et surtout, c'était plus les vues, les commentaires. Voilà, les vues, les commentaires, le partage. Tu vois, le fait d'avoir des commentaires, c'est ça qui est génial sur YouTube ou sur Twitch, c'est d'avoir cet échange, cette interaction. Voilà. Et du coup, en fait aussi, on a commencé en 2010. Enfin, moi, j'ai commencé même les sites en 2008. Donc, pendant des années, j'ai vu les vues, les AdSense évoluer. Donc, ça m'a permis et ça nous a permis de prendre énormément de recul par rapport à l'argent. Genre en mode, bon, finalement. C'est variable, l'argent, mais c'est variable. On peut pas compter là-dessus, quoi. Et aussi, on a tous les deux des bacs plus 5 avec la possibilité d'aller travailler, d'avoir un très bon salaire. On n'a jamais eu de Vous avez des bons bagages derrière. On a aucun complexe. Hein. C'est-à-dire qu'on s'est jamais mis la pression. Mais effectivement, quand on a commencé à faire des explorations, à voyager plus loin, genre on a fait une nuit dans un phare inhabité au milieu de la mer, on a dû louer un hélicoptère. Ouais. Ça nous a coûté 5000 euros. Wow. Rien que l'hélicoptère. Ah ouais. Et là, t'as la petite goutte de sueur. Ouais, là, d'abord, t'appelles, tu dis oui, 5000 euros, c'est possible de faire un placement de produit, partenariat. Puis les mecs nous expliquaient que 5000 euros, ça leur coûtait super cher. Non, mais cher. Vous mets votre hélico vraiment en plein écran, monsieur. C'est du plein écran. Et du coup, ouais, y a des vidéos, on perd de l'argent. Mais comme ça fait tellement longtemps qu'on a fait ça, qu'on a fait ça pas à pas, stratégiquement, qu'on a économisé énormément d'argent avant de commencer à se payer, on a toujours eu ce matelas financier qui nous a jamais mis dans des situations où on courait après l'argent. C'est-à-dire qu'on a toujours eu assez d'argent pour produire nos contenus. Et puis de fil en aiguille, on a commencé à avoir des partenariats. Parce que sur YouTube, ce qui rapporte le plus, ce n'est pas les AdSense, c'est les placements maintenant. C'est les partenariats, c'est-dire une marque, une application. Genre, on a travaillé avec Decathlon, Dacia ou même Paramount pour un film. Là, tu vas gagner beaucoup plus d'argent et surtout pas être stressé. Est-ce que ma vidéo va être monétisée, démonétisée? Parce que nous, souvent... par rapport au truc de guerre, c'est démonétisé. Quand tu parles de la Shoah, ce genre de choses, ce que je me suis dit, des fois, si t'as mis 8000 euros d'investissement dans cette vidéo-là et qu'elle rapporte zéro, tu réfléchis, même si t'aimes le contenu et t'aimes ce que tu fais, tu réfléchis quand même. Ah, bah, bien fois sûr, de... tu te dis, putain, si elle rapporte rien, au bout d'un moment, je vais faire comment? Et du coup, mais comme on a pris assez de recul, de temps, on a ce matelas qui nous permet aujourd'hui, si demain on veut aller au pôle Nord explorer la ville abandonnée la plus au nord du monde, on peut le faire sans même avoir besoin de partenaires. Non, mais on a compris. Tu t'en es mis plein les poches grâce à Hearthstone, c'est tout. C'est les vidéos Blizzard qui payent les explorations. Il n'y a pas de problème. On est tous. Effectivement, on a cette chance de pouvoir tout autoproduire. Et c'est trop bien. Ce qu'on explique souvent aux abonnés, c'est que, on a beaucoup d'argent dans la société. Après, ça ne veut pas dire qu'on a cet argent-là dans nos poches. C'est-à-dire que cet argent sert. Voilà, ça sert à produire tout notre contenu. Vidéos, les projets, là. Vous par exemple, pas pour vous, quoi. Oui, vous faites pas n'importe quoi sur l'année, vous avez un budget. Mais en parallèle, on se verse un salaire et jusqu'à présent, c'était. Enfin, jusqu'il y a peu, c'était le SMIC, tu vois. Ok. Donc, on vit très modestement. Ouais, donc t'étais en gilet jaune aux Champs-Élysées, toi, il y a pas longtemps, là. Non, on n'a pas eu le temps d'aller. Genre de vidéo où. Là, c'est vraiment hors sujet, mais ce genre de vidéo d'aller vivre, par exemple, ce genre de regroupement social de l'intérieur. Je pense que ça m'aurait plu. Il y a eu quelques youtubeurs qui l'ont The fait. Kerry. Ouais, j'ai vu The Kerry. Il y a aussi nos potes de Hit the Road qui l'ont fait. Ça m'aurait plu. Après. C'est engagé, quoi. Moi, j'ai la phobie des pétards. C'est trop nul comme phobie, donc je sais pas si c'est. C'est pas le meilleur endroit, quoi. Au bout de 10 secondes, on a assez d'images. Ça, c'est extraction. Je regarde beaucoup, mais même avant les Gilets jaunes, je regarde des fois des chaînes YouTube qui consistent à aller filmer les manifestations et des fois les altercations entre manifestants et CRS. Ok. C'est intéressant. Bah, peut-être intéressant, on verra un de ces quatre si t'arrives à combattre sa phobie. C'est pas le projet pour le moment. Non, mais une des options possibles. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, merci, Mamie Swing. T'as super bien répondu à ce triple-là. Tu nous es très bien sorti. Avec plaisir. Comme non, quoi, c'était pas si compliqué. Je m'attendais à bien voilà, T'en vas encore bien. Il y a la dernière question. Regarde. Question secrète. Le visage s'est tourné si vite. Non, mais merci beaucoup, Mamie Swing. T'as très bien répondu. Très franc, très naturel. Moi, j'avais juste une petite question rapidement. Vu qu'il y a quelqu'un dans le chat, j'ai pas retenu le pseudo, désolé, qui a dit que justement, tu parlais de ta chaîne gaming un peu plutôt, qui est un peu délaissée. Apparemment, ça fait 8 ou 9 mois que vous avez rien mis dessus. Ouais. L'année dernière, tu étais là aux The Event. C'est vrai, ouais. Cette année, je crois que vous aviez, toi et Zacharia, des obligations, quelque chose comme ça, où vous n'étiez pas venu, il me semble. On a été, pour tout dire, on a été invité par Zera. Ouais. Et c'est vrai que j'ai dit à Zera, écoute, la dernière fois que j'ai fait un live, c'était aux The Event l'année dernière. On ne fait plus du tout de gaming. enfin je sais pas, ça c'est pas légitime d'être là-bas, je me sentais pas légitime. Mais en fait le truc, c'est, et c'est trop dommage, ça s'est pas fait, c'est que on devait tourner une exploration nocturne ensemble avant le The Event pour un peu promouvoir le truc, et je lui ai dit, écoute, on viendra pas, mais ce que je te propose, c'est qu'on fait une exploration nocturne ensemble. Genre on avait trouvé un bunker abandonné de ouf, et il était trop chaud, et en fait j'ai eu des soucis de santé début octobre, et ça a pas pu se faire. On refera l'exploration, et s'il faut. Et il m'en avait parlé en plus, hein. Zera était hyper hypé par. Mais du coup, bah ouais, non, c'est grave. Enfin, on va le faire avec Zera. Trop cool. En plus, ça peut faire un bon truc. Bah, mais comme le bunker est à 2700 mètres d'altitude, bah faudra attendre que la neige fonde. Il faut attendre l'été. Du coup, vous jouez plus du tout, ou c'est juste vous streamez plus? Alors, Julien Zekaria, il joue encore. Okay. Lui, il joue encore pas mal à WoW, justement. Mais moi, ouais, je joue plus du tout. En fait, j'ai plus trop le temps, et genre quand je rentre chez moi, j'ai envie de faire autre chose, et du coup ça fait, je pense, quand je vais chez un pote, on joue à Super Smash, à Mario Kart, à Call of Duty, les trucs entre potes, ouais, les trucs sympas, où tu ça j'y joue encore, mais voilà, je joue plus dans mon temps libre sinon. Et ça me faisait un peu bizarre de continuer à faire des vidéos gaming sans vraiment jouer à côté. Oui, normal. Et donc, c'est une transition qui s'est faite petit à petit, naturellement. On grandit, quoi. Tant que ça te rend plus heureux, c'est le principal. Ouais, c'est ça. Bah écoute, Mamie Twink, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir. Hyper intéressant. Merci pour l'invitation. Bientôt 1 million d'abonnés, donc ça arrive de plus en plus vite. Ouais. Si jamais vous découvrez, n'hésitez pas, parce qu'il y a très belles images. Et c'est vrai que parmi toutes les vidéos que tu as, il y a vraiment de tout. Bah, on te souhaite le meilleur pour 2019, en tout cas. Merci, PA. Merci à tous, à toute l'équipe. Merci à toi. Merci à toi. Abonnez-vous. Bonne année 2019. Bon début d'année 2019. Et ben merci beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir. Voilà, c'est aussi le but justement de l'émission, chaque semaine avoir des invités, des youtubeurs. Semaine dernière on avait Amixem. Cette fois-ci Mamie Twink. Toujours des gens différents. L'émission va continuer. Le live sur Twitch va s'arrêter. Nous on est là jusqu'à minuit. Vous pouvez aller sur energie.fr. On espère qu'en 2019 on pourra faire toute l'émission en stream. On va se quitter avec Jérémy Frérot. Au revoir, et on revient juste après sur Energie. Nous on est là jusqu'à minuit. C'est Domingo Radio Stream. À l'aube du grand tournant, non, il n'est pas fait ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait. Tous ces beaux paysages, là, je peux s'en moquer, mais pousser les nuages, nous devons y passer. Penser à lever sur cette lune les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur, sans peur du ciel, oh, ni d'éternel. Non, non, non, le temps a abjuré sans peur du sel, le naturel d'une note passée. Cette lune, les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus. La belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Et si tu as peur du cadran, oh, regarde bien tous ces gens. Ce n'est pas un rêve, c'est la vie. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur.

lugar en mi cama. Me encanta la forma en que me hablas. Invita a tu amiga a la guana, pa' que fumemos como fumamos en la guana. Siempre andamos positivo, esa es la forma en que vivo activo. Que se jode que no estoy lo mismo. Yo disfruto mientras siga vivo. Di que si te no te cuesta, si conmigo estás vestida de chance. De una vez, bebé. Te llamo mami, let me hold you. Let me arms right around you, girl. Boy, cause I've been got all around you. To make sure no one can harm you. Tell me mami, let me have you. Boy. De 20h à minuit, Et oui, on est sur Énergie pour un blind test avec, avec Alicia qui nous a concocté ça. Vraiment, là, c'est un blind test à la soupe d'escargot. Voilà, je vous le dis. C'est positif, la soupe d'escargot ou... En deux secondes, j'ai cru qu'il allait dire c'est un truc à la soupe à la phalange. Je sais pas, je te voyais pas me regarder, donc j'ai attendu une réaction. C'est quoi l'ambiance là, de ce blind test, Alicia? Oh, c'est l'ambiance classique. On va avoir du son de notre enfance, du son récent, de l'anglophone. Du français, de l'international peut-être. Ah ouais. Même un, peu de tout, un petit quoi. Peu de tout. Chacun devrait trouver son compte, ma foi. Zank avait gagné le dernier la semaine dernière. Ouais. Zank a été très, Zank très fort la semaine dernière. Je t'avais détrôné toi, PA. Je crois que t'avais gagné le premier. J'ai gagné le premier, on va voir. Gagné le premier de justesse, je crois. Enfin, de justesse. Non, large. Il avait gagné d'un point. On n'avait pas fait le dernier son sur le gagnant là, le dernier son. Si, sur... Parce qu'il me semble que Zank venait bien quand même. Le son que tu chantais là. Cocaine dans le jean. Voilà ça. C'était ça le... Je l'avais mis exprès pour toi. Ah là là. Et oui, on travaille. Du coup là, j'ai fait des sons. Chacun aura son propre son, un ou deux sons. Qui selon moi, je sais qui sera le premier sur ça, donc ne me faites pas mentir. Ouais. Ah ça, c'est après, à voir qui est le meilleur. Est-ce que vous êtes prêts déjà? Est-ce que vous sentez dans le mood Moi, je me sens chaud, moi. Dans un état d'esprit de conquérant. C'est toujours galère, mais ouais. Moi, bah, je préférerais essayer d'entrer dans cette partie, quoi. Je préférerais jouer à N'oublie pas les paroles. Je pencherais meilleur à ça, parce que du coup, les paroles, je les ai en tête, mais l'artiste et le titre. C'est vrai que dans t'entends, t'as l'air. Passe. Ouais, l'air, j'ai. Les paroles, je te jure, je peux les avoir. N'oubliez pas l'air. Dans ah, l'air, c'est même les paroles. Toi, tu pourrais jouer à ça, toi. Je serais plus fort aux paroles. N'oubliez pas l'air, le bien joué. Un jour, je vous ferai des chansons, je mettrai pause et faudra continuer. Yes. On verra la suite. Oh, ça va être mais pour l'instant, attention, préparez-vous. Il y a 21 titres au total. On les passera peut-être pas tous. Je mets un aléatoire pour que chacun ait une chance égale. Attention, êtes-vous prêts? Oui. Ouais. 3, 2, 1, premier titre. Yes. Dwag, Soprano. Ouais. À la vie à la mort. Ah, presque. PA, Zoom. Non, ouais. Presque. À la vie à l'amour. Exact. Ah, bien vu. Du coup, toi, que je te mets deux points seulement, puisqu'évidemment, si t'as les erreur. Deux. Ouais, il y a eu erreur. Du coup, t'as dû te corriger. Ça marche. Donc, c'est un point pour titre, un point pour l'artiste. Et si tu me sors les deux à la suite, c'est trois points parce que t'as le point. Ça le marche, point, ça marche. Ah, dommage. Êtes-vous prêt pour la suite? Oui. C'est parti. C'est parti. Ah, j'ai pas ça. C'est à l'ancienne, ça, non? C'est un petit peu plus vieux, ouais. Ok. Ouais, on va être nous quelque part. Peut-être la voix de la. Ah! Cendrillon. Exact. Un PA téléphone Cendrillon. Exact. Wow. Wow. Voilà. Domingue Pomfrey. Souvenez-vous, n'oubliez pas l'air là. T'as vu un peu le Cendrillon que j'ai lâché? N'oubliez pas l'air. C'est 3 points direct. Je connaissais pas. Attention pour la suite. 2 points pour Dwag, 3 pour Domingo, 0 pour Zank pour l'instant. Suivant. Alors là je suis un peu d'avance. Dwag. Ouais. Damso. Ouais. Macarena. Exact. Oh là là. Parce que ça je sais qu'avec Zank ça se joue à 0,5. Zank pour l'instant il est si en j'ai galère pas, si, ouais. Là il est bloqué. Là il faut en profiter. Zank c'est un diesel. Ouais. Ça va là, arriver ça, quand mais d'habitude je suis pas en diesel. Il se remet en question. Juste naze. Attention, chanson suivante. Quoi? Zank, Britney Spears, Toxic. C'est pas Toxic, mais je te mets un point pour Britney. J'ai une autre chanson de Britney, je crois. Je savais même pas que c'était dans la playlist. Tu peux la trouver. Je peux la trouver, il faut juste entendre un peu les paroles. Oh si, attends. Super, Womanizer. Exact. Womanizer, Womanizer, Womanizer. Encore une fois, tu l'as chanté. Ouais, mais c'est comme ça. Ça bosse, ça bosse. Ça revient, il va chercher dans son esprit. Tout là-haut. Non, fort, fort, fort. Tout là-haut. Attention, chanson suivante, restez concentrés. Dwag. Ah, Dwag en premier. Est-ce que tu m'entends, Eo? Non, très fort. Ah, Zank. Camini. Ouais. Marley Gaumont. Exact. J'ai troll. Aïe, aïe, aïe. Zank qui remonte. On a 5 points pour Dwag, 4 pour Domingo et 4 pour Zank. C'est hyper serré. Chanson suivante. PA. Ouais. Maes. Ouais. Billet vert. Exact. je kiffe Maes de ouf d'ailleurs. Ah, honnêtement, ouais. Là, il a fait des sons, c'est incroyable. C'est assez récent, responsable. Input de ton coloc dans la playlist. Ah bah ouais, il sait que je kiffe. Parce que j'aimerais bien qu'on l'invite ici un jour d'ailleurs. Ton coloc ou Maes? À mon coloc. Chanson suivante. Oh, j'ai pas ça. Zank, I like it, like it. Mais ouais. Je sais plus c'est qui le mec, vas-y à vous. Attends, faut juste qu'on entende la voix du gars. Ah, je joue à n'oublier pas. Vous l'entendez là. Doigt, Nicki Minaj. Non, c'est faux, Zank. Chacon. J'allais dire pas. Doigt, Doigt, Cardi B. Exact. Non, mais non, il a. J'allais pas dire Cardi B. Dis la vérité. Dis vraiment la vérité. Si t'as dit Nicki Minaj. Je lui laisse le point là. Non, je veux bien pas avoir le point, mais tu l'as pas. Non, mais prends le point. Si t'allais le dire, c'est vrai que t'avais la parole. Je veux pas le point, alors que j'ai pas dit. Bon, écoutez, je vous mets un à tous les deux et voilà. Ok. Bien joué. Attention, chanson suivante. Oh non, ça c'est. Louis Attaque, je t'emmènerai. Ouais, mais ça c'est. Non, au vent. Oui, c'est je t'emmène au vent, je te l'accorde, mais c'est chaud. Ça va, deux points, pas trois. Je te mets que deux. Ouais, voilà, au moins. Je suis chaud là. Ouais. T'es pas mal. L'APA. J'aime bien ce genre de son, ça, des années à l'été. Domingo 10, Zank 5, Doig 6. Donc tout peut encore se jouer. Mais il est fort. Hein. Un peu plus vieux. Waouh. Doig. Ouais. Money. Non. Mais jamais de la vie. Si, il a raison, ça aurait pu faire Money. Ouais, je pensais que c'était ça. Je l'ai pas alors. Y a des paroles. Zank. Ouais. The French Bastard. Pas du tout. Attention. Ah, putain, je me rappelle plus. C'est quoi ta putain de chanson? Je ne sais plus. T'as envie de te mettre en Je sais même plus. Zank, Michel ça... Berger, non? C'est pas non. Un cousin comme ça, là? Si, ça doit être un frère comme ça. Hein? Non. C'est lui qui te Ah, ouais. Ah ouais, mais il a pas pris la parole. Non, t'auras pas le point, mais t'as bloqué. Mais je te jure que j'allais dire Jean-Jacques Goldman. Je l'avais. Ah, dommage. Un point chacun. En vrai, là, il m'a juste empêché de marquer mon point. Il y a combien pour l'instant? J'ai mis pause. Il y a 10 points pour Que la musique est bonne, ouais. Le titre. Oui, c'est très bien. Doig, tu pourras le dire. Attends, tu l'avais dit. T'avais dit le titre aussi? Non, j'avais pas. Je peux même pas gratter. J'ai pause. C'est la chanson. Ah, mais j'avais 10 minutes. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi aussi, Domingo, 10 points. Zank, 5. Doig, 6. Okay. C'est assez serré, je vous propose, parce qu'on est un peu en retard niveau son, on va mettre à nos souvenirs, 3 cafés gourmands et on revient pour la fin du blind test. C'est assez serré, tout peut jouer, une bonne réponse c'est 3 points. Il te reste combien de chansons, Alicia? Quelques chansons. On revient pour quelques chansons, à nos souvenirs, 3 cafés gourmands. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Belle Corrèze charnelle. Oubliez ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël. Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol, un petit bout de gnôle. Les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre. Sur les monnaies d'hier, c'est pire qu'un testament. Au-delà d'une confidence, on est les petits-enfants de ce jour. juste dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai énergie en cathéter d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Papa, papa, papa, papa, papa. C'est trop bien en fait. Quand on m'a dit on reprend en chanson il y a 3 secondes, c'était pas facile d'improviser ça. Écoutez, on est toujours dans le blind test. Alicia, rappelle-nous les scores. Alors, nous sommes, attention, un score très très serré. Zank, vainqueur de la semaine dernière, on rappelle, qui a 5 points, qui est vraiment en queue de peloton. Ensuite, nous avons Dwag à seulement 1 point d'avance, donc 6 points devant lui. Et Domingo qui s'envole très légèrement puisqu'il a 10 points. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'il nous reste 10 titres. 3 points maximum par titre à celui qui trouvera le combo. Ouais. Là, on rigole plus, ok? Ok, ça me va. N'importe qui peut revenir dans la course. Ouais. Êtes-vous prêt? Ouais, moi, je suis chaud, moi. C'est parti. Zabardi? Ouais, hésite pas, Lou. Hein. Zank. Ah, Zank. Rihanna, please don't stop the music. Exact, ouais. 3 points pour Zank, ça repart très très fort. Moi, j'étais en train de gérer le son, quoi. Music, c'est pas de chance. Yeah, attention, titre suivant. Ah, ça part, ça, c'est les sons que j'aime bien. EPA, Maclemore. Non. Ok. Zank. Il est dans la playlist énergie actuelle. Mac Miller. Non. Oh. Dogby. Ouais. Shooting for the Star. Non. Ah, dommage, ça aurait pu. Si tu ne t'aimes pas un truc comme ça. Je sais pas ce que. Persona. C'est juste son nom. Non. Il n'y a que Lou qui lève la main. Lou, est-ce que tu peux donner le point bonus? Attends, est-ce qu'on peut donner la disco, vraie mot? Ouais. Exact, c'était Panic at the Disco. Oh, jamais, jamais. Je ne connais pas, mais j'aime bien. Si, en vrai, et c'est pas mal. C'est un peu vieux maintenant, Panic at the Disco. C'est un petit peu vieux, mais là, ils reviennent cette année. Et ça, c'est c'était lourd à l'époque. Ils vont frapper. Ils sont trop forts, je trouve. Ils sont vraiment, vraiment forts. Attention, titre suivant. Oula, c'est du hard rock. J'aurais jamais ça. Ah mais ça on est nul hein. Dwagby, Johnny Hallyday. Alicia. C'est du Johnny, voilà, effectivement, un point pour Dwagby. Random, Venu dans les enfers. Allumez le feu. Exact. Ah putain c'est ça. Ah c'est de l'intro, ah bah ouais. C'est exactement ça. Bon alors, en point. Domingo toujours 10 points. J'ai calé là. Zank qui arrive à 9. Moi je suis devant Dwag là. Et Dwag qui est à 7. Attention, tout peut encore se jouer. Chanson suivante. Ah mais quoi? Oh si. Dwag. Ouais. Laurie, oui. Ta meilleure amie. Exact. Je savais que ça allait me servir. C'est réellement ça le début. Je savais que ça allait me servir. Le début est incroyable. Et je m'attendais à un truc de rappeur ou quoi. C'était tout à fait Laurie. Du coup nous avons Domingo et Dwag à égalité avec 10 points et Zank avec 9. Chanson suivante. Oh. Zank. Ah, Camélia Cabana. Non. Camélia ou Cabana. Ouais. PA, Abana. Non, non, PA, t'es dessus. Abana, il a dit, ouais, mais PA est parti en deuxième. Ouais, et bon, en plus, ça c'est un j'étais petit en peu, un peu bégayé et tout. Je suis obligé de l'accorder. Ah, aucun souci. Dans le moment de panique, pas gros, on doit. Tu laisses la place. En fait, je voyais que j'avais déjà call, mais. Non, non, mais en fait, ça fait. Enfin, vous avez call tous les trois, un petit peu en décalé, donc j'allais passer à PA ensuite. Voilà. Chanson suivante. Dwag. Il était le premier Dwag. Attends, Booba et. Je crois que c'est Bébé. Non. Booba, c'est bon. Non, non, c'est pas. C'est déjà, c'est il est Booba, en fuite. C'est Maës, c'est Booba et c'est Madrina. Ok, oui, bon, il a raison, il a raison. Non, mais non, il est dans le fuite. Vas-y, prends ton point. Non, je crois que t'as raison, c'est un son de Maës. Ouais, c'est Maës. T'as raison. Bah, du coup, c'est bon, c'est toi qui as bon. En fait, je t'accordais Booba s'il avait pas eu Maës. Ouais, moi, malheureusement, il est Maës, si vous voulez. Attention, chanson suivante, je crois qu'il reste plus que 4 titres. Donc, concentrez-vous. Zank. Ouais. Never gonna give you up. Ouais, de PA. Rick Astley. Exact. Never gonna break you. Faut que j'apprenne son nom à lui hein. Rick Astley, c'est ça? Rick Astley, ouais. Never gonna give Attention. You up. Plus que 3 titres. 3 titres. Dwag est à 10, Zank est à 11, PA à 15. Ah, je suis en soulevé de chaise là. C'est parti. PA. Ouais. J'ai pas ça. Zank. Ok, je dis bien Zank. Queen. Ouais. PA. 3, 2, 1. Zank. We are the champions. Ah mais attends, il a dit PA. We are the champions. Ouais, ouais, mais il a bloqué le point. C'est Zank, c'est Zank. Un point pour Zank. My bad. Je te mets un point Zank. Je t'ai bien nu. Je vais plus rien tolérer, hein. Attention. Chanson suivante. Par exemple. Ouais. Ah, c'est facile ça. Hein, ouais, Chanel Wesh. Donc c'est. Zong, Drake, God's Plan. Ouais, mais en fait, lui, il m'a fait Zong. Ah, vous, t'avais Wesh alors. Bah, je pense pas. Alors, non, je pense pas. J'avais Drake, mais j'allais dire le rappeur blanc, mais je voulais pas dire ça. The White. Lui, il m'a fait Zong. Du coup, j'ai bloqué sur rappeur blanc et j'étais en mode, dis pas ça. Parce que je vais répéter en temporisation, du coup, tu m'as kiblé. Non, bien joué. Après, ça fait partie du jeu. Bon, alors, malheureusement, Dwag. Moi, c'est fou. Il reste une chanson pour toi, c'est terminé. Ouais, mais je vais quand même essayer de les pourrir. Non, je vais te demander de ne pas jouer puisque Zank et PA sont à égalité. On me censure tellement je suis fort. Ils sont à égalité. Ok. Joue pas vraiment. Non, je joue pas. Attention, joue pas. Tout se joue sur cette chanson. Je pense que ce sera la rapidité. Oh, je l'avais. Je l'avais, putain. Hello, PA. Ouais. Lady Gaga. Oui. 3. Bad Romance. 2. Non. Allez, c'est Alkid. Poker Face. Non, c'est pas non plus Poker Face. Un point pour Domingo. Zank, si t'as pas le titre. Ouais, là. Si t'as pas le titre, c'est foutu, gros. Je peux vous aider peut-être. C'est un featuring. Allez, connu d'ouf. Oh, c'est avec. Avec Rihanna. Pense au frein. Non, c'est pas Rihanna. Ah, je sais pas. Eh, vous savez quoi, je donne un point pour le featuring et un point pour le titre. C'est trop bien. Zank, c'est maintenant. C'est là le refrain, c'est quoi le refrain? C'est bientôt, c'est juste après. On a plus fort, Lou. Jump, turn it up, Non, ils l'ont pas. Lady Gaga, Dance Floor, je sais pas. Non. Eh bien, écoutez, c'est une domination de Domingo à un point près. C'était Lady Gaga et Beyoncé, et le titre c'était Téléphone. Ah oui! En sortie de prison là! Oui! Ah, j'ai dit Rihanna, alors que c'est pas ça. Mais, bon. Mais du coup, Domingo, tu gagnes avec 16 points! Bien joué! Allez! Trop fort! Ah, y a c'était que, serré, hein! Il n'y a que les blind tests sur NRJ, je gagne. Hein. J'ai jamais gagné un de ma vie. Double Vous allez peut-être plus vite. Double maes. Full truqué. On est en double maes. Et ça c'est très beau. Mais vous savez quoi, il est 23h09 désormais. On va avoir un jus duc juste après. Mais chaque semaine, on a surtout le débat de Dwag. Alors cette semaine, c'est un peu moins un débat, mais tu voulais nous parler de quelque chose. Ouais. On se fait ça juste après ? Allez, ça marche. Eh ben écoute, on met Calvin Harris, Sam Smith, Promises, et on revient juste après. Promises, je l'ai ! il me fatigue. Pour le débat de Dwag, bougez pas l'énergie. Now that judge what I'm doing. Are you high enough? To skills that I'm ruined, 'cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Is in the air, there ain't no science here, so come get your everything tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm healing now, energy's taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing along. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything tonight. Green light, day and night, say that you're mine, 'cause I need

s'intéresse à tout. Il aime se renseigner. Échanger. Partager. C'est l'heure du débat de Douag. Bah alors Douag, de quoi est-ce que tu vas nous parler cette semaine? Ah bah on va parler de l'affaire du siècle, hein. Donc c'est pas rien forcément. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Si vous étiez un peu sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir forcément une vidéo tournée. En gros, quatre organisations d'intérêt général qui assignent l'État français en justice, donc qui portent plainte devant les tribunaux pour tout simplement manquement de inaction face au changement climatique selon eux. Leur objectif est de faire reconnaître par le juge l'obligation de l'État d'agir pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré. Donc là, on le sait qu'on est en train de dépasser un peu tout ça par an. Donc ça rend les choses bien plus compliquées. Donc c'est afin de protéger les Français et tous les risques que le changement climatique pourrait engendrer. Donc ça, on est maintenant un peu plus tous informés sur ce sujet-là. Mais en gros, ils ont décidé d'attaquer en justice. Et là, on se dit, mais pourquoi faire? Enfin, pourquoi attaquer l'État en justice? Et il faut savoir que c'est des choses qui ont déjà eu lieu dans pas mal d'autres pays et qui ont plutôt été, on va dire, votées positivement par les tribunaux. Et donc, forcément, ça a donné des idées à certaines personnes qui sont plutôt sensibilisées à cette cause-là. Il faut savoir qu'ils ont lancé une pétition en ligne en parallèle de ça. C'est vraiment pas la pétition qui est le moteur initial de tout ça, mais ça reste quelque chose qui va, à mon avis, faire valoir devant la justice. Et il faut savoir que déjà 1 600 000 Français soutiennent l'action en justice contre l'État pour le climat. Eux, leur objectif, c'est 2 millions et ils sont déjà 1 600 000. Déjà, est-ce que vous avez vu cette vidéo tournée? Est-ce que vous avez entendu parler, sachant qu'il y avait pas mal de youtubeurs, d'humoristes ou d'acteurs comme McFly Carlito, Elise Moon, Cyril, donc Super Connard, Simon Pouèche qu'on a reçu ici aussi, Abdel Malik qui est connu dans le monde de la musique. Donc vraiment, ça allait de tous les côtés. On a même eu Marion Cotillard. Ouais. Donc voilà, c'est beaucoup de gens ont pris cette cause-là entre les mains et ont décidé d'aider ces quatre associations à porter plainte. J'avais vu je crois que c'était il y a pas si longtemps que ça, ils avaient déjà fait une première vidéo justement où ils essayaient de parler un petit peu, de mobiliser les sans gens. Star. Voilà. Si avec des youtubeurs, Max. Okay. Bird et tout, justement, qui parlait du problème, quoi. Mm-hmm. Il est temps d'agir, il est temps de bouger un peu. Et je suis tombé dessus, je savais pas du tout. C'est des abonnés, moi, qui m'ont envoyé ça sur Twitter, qui m'ont rebasé en mode va voir et tout, essaye de partager. Ouais, ça a beaucoup et tout. Tourné. Et j'ai vu donc, du coup, cette vidéo. Et j'avoue que moi, je suis pas expert en la matière, mais je trouve ça bien. Et je trouve ça bien, justement, que ça soit des figures publiques qui essayent de mobiliser les gens pour faire prendre conscience qu'il y a un vrai souci et qu'il faut plus que. Alors, c'est très bien, justement, que tout le monde fasse les efforts et tout, mais il faut aussi que le gouvernement, essaye d'être à la hauteur, quoi. Ouais, on l'a vu, en plus ça a beaucoup fait parler parce qu'il y a eu la taxe carbone récemment qui avait un peu créé le mouvement des gilets jaunes, en tout cas qui avait été au départ de ça, et forcément ils avaient justifié ça en mode c'est une taxe pour l'écologie, et ensuite quand tu regardais en détail tu voyais que seulement un certain pourcentage qui n'était pas le plus fort a été réinvesti pour tout ce qui est les améliorations écologiques. Et donc rien que ce genre de choses, tu te dis mais pourtant ils disent des choses qui sont intéressante et on a envie d'y croire et d'aider, mais dans les faits c'est pas toujours ce qu'on attend de la part de l'État français. Et donc là il y a quatre associations, donc Notre Affaire à Tous, la Fondation pour la Nature et l'Homme, Greenpeace France et Oxfam France qui se sont associés, qui se sont dit on va attaquer en justice, parce que si les juges vote pour l'association, en faveur des associations, ça va forcer l'État à se mettre plus, on va dire, au niveau par rapport à tenir les promesses qu'ils avaient fait par rapport aux réductions. Je crois qu'il y avait beaucoup de ça, l'histoire de CO2. Des réductions de gaz à effet de serre, juste même la pollution en général, etc., etc. Et est-ce que c'est axé, on va dire, à certains endroits, justement, la pollution? Ils parlent de manière générale en mode c'est fucked up partout, quoi. En fait, ils parlent aussi des comportements français qu'il faut un peu plus sensibiliser sur certaines choses. Là, par exemple, les changements climatiques, on sait qu'ils sont responsables de la montée des eaux, de la fonte des glaces, donc ça c'est connu. La multiplication des événements météorologiques extrêmes, donc que ce soit les ouragans, ce genre de choses qu'on entend de plus en plus, même les tremblements de terre, ce genre de choses. Donc en tout cas, c'est des chercheurs et des gens qui sont spécialisés là-dedans qui ont fait ces appels-là, et c'est vrai qu'ils ont l'impression que l'État français, en tout cas, les écoute que d'une oreille, et ils voudraient que ça bouge peut-être un petit peu plus vite. Les sécheresses, ce genre de choses qui sont clairement maintenant ciblées par tout le monde. Mais est-ce que vraiment ces pétitions-là ont un réel impact? On en avait déjà parlé sur notre affaire. Sur l'article 13, je crois. Effectivement. Là, c'est juste en plus, c'est pour appuyer, non? C'est ça. En fait, est-ce que c'est pour appuyer le mouvement? Est-ce que Greenpeace et compagnie ont besoin de cette approbation du peuple? Je pense pas qu'ils en ont réellement besoin, mais c'est vraiment pour renforcer le dossier. C'est-à-dire que toutes ces personnes-là qui aimeraient aussi que ça change. C'est ça. Ça. Ils vont faire valoir le fait que des noms ont été imposés, ont signé cette pétition-là. Il y a des gens qui veulent vraiment que ça change, quoi. Exactement. Et qui sont prêts à aller faire les sacrifices pour que ça évolue plus vite, comme ce qui est finalement prévu, comme l'a dit Alicia, par le programme pour lequel Emmanuel Macron a été élu. Donc là, j'ai vu par exemple des petites choses comme des exemples qui ont marqué à côté de notre pays, donc à côté de la France. Donc aux Pays-Bas, par exemple, la justice a ordonné au gouvernement néerlandais de revoir à la hausse ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre suite justement à une plainte d'association. Donc voilà, ça c'est des mouvements citoyens qui ont fait cette démarche devant la justice, et une fois que la justice à trancher, bah, ils sont un peu plus... En fait, c'est pour ça qu'il y a recours à la justice, c'est parce que t'as beau faire des promesses dans tes mandats, etc. Parce que là, t'as mentionné le programme de Macron, mm-hmm. mais déjà, Hollande, Sarkozy, même je crois déjà que Jacques Chirac parlait du réchauffement, etc. Et c'est quelque chose où tout le monde en parle de façon de plus en plus alarmiste, mais en même temps, il n'y a pas de gros changement au niveau du gouvernement, pas, tu vois, de... Je sais pas, je dis de bêtises, après, c'est pas mon métier, ni l'écologie, ni tout ce qui est politique, économie, etc. Mais je veux dire... Il n'y a pas d'obligations qui sont de grosses taxes portées aux industries ou ce genre de choses s'ils polluent beaucoup. Du coup, là, je pense que justement, prendre un petit peu la justice à pleine main, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais demander à la justice de faire son travail et justement mettre l'État face aux promesses qu'il a fait aux Français et aux choses qu'il doit à la planète aussi, c'est un petit peu le dernier recours. Vu que, comme dit, ça fait des années et des années que les scientifiques parlent et qu'il ne se passe rien. Mmh. Et je pense que quand c'est ton métier et que tu vois que c'est en train de s'écrouler, que tout le monde te dit « Ah ouais, c'est vrai, il faut faire quelque chose » et qu'il ne se passe rien derrière, il y a un moment tu commences un peu à désespérer aussi. Carrément. Mais j'ai vu, alors c'est pas vraiment de rapport, mais c'est une vidéo justement liée à l'environnement aussi, c'est sur la fonte des neiges éternelles en Sibérie et en Alaska, et justement qui contient, si je ne dis pas de bêtises... Des bactéries à l'intérieur, en fait, des trucs limite préhistoriques et des bactéries qui font que si vraiment tout fond, ça va polluer, ça va tout polluer, et ça va être... c'est des trucs où tu tapes des virus préhistoriques, quoi. C'est pas genre la petite grippe, déjà c'est bien vénère. Donc c'est vrai que voilà, on sent un peu l'alarmement, et là-dedans ils disent que les scientifiques, pareil, ils n'en peuvent plus, quoi, parce qu'ils sont en mode les gars, c'est la merde. Ouais. Quelqu'un écoute, s'il vous plaît. Et au final, personne bouge. Donc je trouve ça bien, parce que c'est vrai que parfois on pourrait oublier aussi qu'on a l'impression que le gouvernement est vraiment tout là-haut. On peut aussi le mettre face à ses responsabilités, surtout quand c'est des sujets aussi graves que la planète. Alors on a aussi vraiment des réclamations fortes et précises. Donc par exemple, ils ont envie de mettre en avant le fait de réduire notre dépendance au pétrole et donc de fournir des alternatives en matière de transport, même si on voit de plus en plus là les transports en commun sont électriques, comme les bus dans les grandes villes, ce genre de choses. On peut encore aller plus loin, parce qu'on utilise par exemple beaucoup encore l'avion aujourd'hui. Certes, on n'a pas d'alternative réelle quand on veut faire de longs trajets comme ça, ou même la voiture. Est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative au pétrole? Donc ça, c'est vraiment une chose qu'ils veulent mettre en avant. Investir dans la rénovation des logements et promouvoir l'usage des énergies renouvelables, parce qu'on le sait, en fonction de ton appartement, s'il est plus ou moins bien isolé, tu dépenses plus ou moins de gaz. Donc tout ça, c'est des choses qui sont vraiment mises en avant. Je fais un peu plus vite sur le reste. Instaurer l'accès de tous à une alimentation suffisante, saine et de qualité. Donc éviter aussi tout ce qu'on mange aujourd'hui dans les supermarchés et autres. Pour peut-être revenir à des choses un petit peu plus bio, même si ça, c'est des choses qu'on entend parler, mais là, c'est devant l'État qu'ils vont mettre toutes ces revendications en avant. Je pense, tu vois, de manger des fruits de saison, etc., plutôt que de les faire déplacer d'un pays à l'autre, et ça a une grosse empreinte carbonique, etc. Moi, j'ai plein de questions, et c'est hyper intéressant. Donc, si vous voulez participer, que vous y connaissez, ou alors vous y connaissez pas, vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. 0870 42 48, le but des débats, des discussions comme ça, c'est justement que, on puisse en parler, on puisse discuter là-dessus, et là, c'est clairement un sujet très important. Je vous propose, on va mettre un petit Fine Day, Kinu Silva. Et on revient juste après, donc n'hésitez pas si vous voulez nous appeler. En attendant, nous on est là jusqu'à minuit sur Domingo Radio Stream. It's a fine day, people open windows, they leave their houses just for a short while. It's going to be a fine night tonight. It's going to be a fine day tomorrow. It's going to be a fine. La la la la la. C'est la libre antenne de l'émission. Appelez le 0800 70 42 48 et venez donner votre avis en direct avec l'équipe. Et en plus, c'est gratuit. Et oui, n'hésitez pas, vous pouvez venir voilà, durant toute l'émission, mais surtout dans le moment du débat, venir donner votre avis, surtout sur un sujet aussi important que l'écologie et le mouvement qui est en train de se passer, justement, ouais. Voilà, de la mise en justice du gouvernement par rapport à leurs responsabilités sur l'écologie. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, mais ça dans tous les domaines actuellement en France, en tout cas, c'est l'envie du peuple de, même si ça avance pas assez vite dans les instances choses, officielles, de faire bouger les choses par tous les moyens possibles. En tout cas, ça, c'est ce qu'on a remarqué. Et c'est vrai que l'affaire du siècle, donc, qui est appelée comme ça, hein, pour ce groupe-là, forcément, fait suite à ce qu'on a vu comme autre mouvement actuellement venu du peuple, si on peut dire aussi ça comme ça. Donc l'affaire du siècle, c'est simple, c'est quatre associations, Notre Affaire à Tous, la Fondation pour la Nature et l'Homme, Greenpeace France et Oxfam France, qui ont décidé de porter plainte devant la justice pour tout simplement faire valoir des choses assez logiques pour revenir un petit peu sur le climat et faire attention au réchauffement climatique. Leur procédure à eux, elle est en quatre étapes, elle est bien définie. Au début, ils vont faire une demande préalable, donc c'est une lettre que tu envoies un peu au ministre pour faire en sorte que le mouvement vienne de lui. Ça, ils vont leur laisser 2 mois pour réagir, parce qu'il a 2 mois pour dire oui ou non s'il est favorable à ça. S'ils n'ont pas de réponse ou si la réponse est négative, ils ont décidé instantanément de déposer un recours en contentieux, donc devant la justice. Ça peut durer 2 à 3 ans. Une fois que c'est fait, si ça suffit, normalement ça s'arrête là. Mais si l'État fait appel, parce que c'est, ouais. L'État il peut aussi faire appel en cas de non-consentement face à la décision du juge, bah ça peut encore faire durer l'affaire pendant quelques années, mais une fois que l'appel est terminé, il restera l'acte 4, donc le Conseil d'État, et donc c'est si l'une des parties n'est pas satisfaite de l'arrêt de la Cour administrative d'appel, donc au cas où la décision d'appel revient ou reste sur la même chose, elle pourra saisir le Conseil d'État, et là c'est que l'histoire elle est beaucoup trop loin, et il n'y aura qu'une seule réponse, ça sera celle du juge à la fin, et quoi qu'il arrive, l'État ou ces associations-là devront se conformer à la décision de justice. Donc c'est quelque chose qui est au début un peu un mouvement plutôt positif, mais qui peut très vite devenir quelque chose de très sérieux. Et comme je le rappelais, on a déjà vu ça dans d'autres pays, et ça a plutôt marché. Donc pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas en France essayer de faire ça. Je trouve ça quand même que c'est plutôt positif. Clairement. Et forcément, je vais vous donner un autre exemple, par exemple, qui s'est passé ailleurs qu'aux Pays-Bas. J'ai donné des exemples aux Pays-Bas. Là, il faut savoir qu'en Colombie, 25 jeunes ont fait reconnaître par la Cour suprême la nécessité d'agir contre la déforestation et pour la protection du climat. Et ils ont eu raison de la part du juge. Et forcément, ça va engendrer certaines décisions, peut-être sur la déforestation, ou peut-être qu'en vrai, c'est juste une feuille que tu ranges dans un dossier et les arbres, ils vont quand même être rasés. Tu vois, on ne sait pas réellement. Mais en soi, ils ont au moins ce rapport de pouvoir se référer au. Normalement, si c'est suivi par la justice se doit de veiller à ce que les parties des deux contrats soient remplies. Ouais, mais je ne vois pas, tu sais, un policier devant les arbres en mode je suis juste là pour vérifier. Tu vois ce que je veux dire. Genre, dans le dos, ils peuvent quand même le faire. Par contre, s'il y a des plaintes, ils peuvent utiliser ça en mode regardez, vous avez promis il y a X temps que c'était terminé. Lou, tu voulais réagir, toi ? Alors ouais, moi j'ai deux choses. Déjà, il y a une première chose qui me fait beaucoup rire, c'est donc en fait quand on signe cette pétition-là, surtout on peut lier son compte Twitter et compagnie. Ouais. Et il y a, je pense que c'est le CM de l'Assemblée nationale qui a eu un petit problème et qui a signé cette pétition-là, mais pas sur son compte perso. Ah, du coup, on avait le truc Assemblée nationale officielle et compagnie. Je soutiens l'affaire du siècle et compagnie. Donc c'était un peu triste. J'espère que cette personne n'a pas perdu son boulot, mais ça me fait beaucoup rire. C'est pas mal. Et deuxième chose, je suis pour cette affaire, mais je trouve ça un petit peu hypocrite de la part de beaucoup de personnes, et moi le premier d'ailleurs. C'est que on a envie de soutenir des choses comme ça, on a envie que ça aille mieux pour tout le monde en fait, pour nous, nos enfants et compagnie. Mais nous-mêmes au quotidien, il y a plein de choses qu'on ne fait pas et qu'on pourrait faire qui nous coûteraient pas grand-chose. Et qui aiderait aussi à ne pas aller plus vite vers ce réchauffement climatique et tous les problèmes que ça peut engendrer. Je parle des petits comportements, comme par exemple éteindre le robinet quand on se brosse les dents, bien éteindre les lumières quand on change de pièce. Par exemple, trier ses poubelles. Ne serait-ce que trier ses déchets. Genre, je vois moi dans une autre vie, j'ai ramassé les poubelles et compagnie, et je faisais ça dans une station de ski, et je vois le non-respect de certaines personnes qui balancent leurs trucs n'importe comment, qui n'en ont rien à faire, mais vraiment. Qui te jette ça en fait, le verre avec le papier et compagnie, c'est pas grand chose en vrai. Enfin, les poubelles sont les unes à côté des autres. Il y a un moment si vraiment t'as faire l'effort quoi. Ouais, c'est ça. Si vraiment t'as la flemme d'ouvrir la poubelle et jeter ça au bon endroit, c'est triste en fait. Moi, je suis d'accord avec toi, Lou. Après, je trouve que et c'est pas forcément une excuse non plus, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette impression que Bah, à notre échelle, les petits gestes pas ne servent à rien parce que c'est faux, mais j'ai beaucoup de potes qui sont dans cette situation, de se dire qu'est-ce que ça va changer que moi je trie alors qu'en Chine ça pollue dans tous les sens, que nous nos rivières elles sont contaminées parce que les usines ils s'en foutent et ils peuvent polluer autant qu'ils veulent. Donc c'est vrai que je pense qu'une action un peu gouvernementale où vraiment il y a un impact pourrait décliner aussi sur chacun prendre conscience et avoir le choc de ok, ça bouge même en haut, donc moi aussi je vais bouger quoi. Même si clairement à l'heure actuelle tout le monde devrait aussi faire plus d'efforts, mais je pense que voilà, on est aussi alors pas tous coupables, mais moi je l'avoue, il y a des moments où je me dis j'aurais dû couper plus tôt, c'est pas nécessaire. Tu vois que je laisse autant le robinet couler et je me dis putain merde quoi, mais je me le dis trop tard et c'est vrai que je comprends du coup ce que tu dis dans l'hypocrisie un peu. Mais c'est vrai que du coup même face à ce genre de petits gestes du quotidien, on n'est peut-être pas assez informé, assez accompagné. Moi par exemple, j'avais cru comprendre qu'à un moment la mesure des déchets à trier était censé devenir obligatoire. Je sais même pas si aujourd'hui c'est obligatoire ou pas de le faire. Il peut y avoir des amendes, mais encore une fois, c'est très compliqué à gérer ça. Enfin, même oui, c'est limite des cas individuels, parce que moi je sais que dans ma copropriété, par exemple, les gens ont pas tendance à trier ou quoi, et tu sais, ils laissent des messages, par exemple, tu sais, genre en mode arrêtez, quoi. C'est eux-mêmes qui le font, c'est pas l'État. Ou... Bah, tu vois, moi par exemple, dans mon ancien lotissement, on devait être, enfin techniquement on est obligé ou on doit trier les déchets, sauf que j'ai jamais vu de poubelle pour déchets verts. C'est-à-dire que tu les as même pas quoi. Et donc soit la poubelle, parce que c'est des vrais trucs, soit la poubelle s'est fait voler par des petits rigolos. Après il est possible que ça soit quelqu'un qui l'ait pris pour lui. Peut-être, vois, genre... mais le fait est que j'avais pas de poubelle à disponibilité à côté de moi. Donc si je voulais trier mes déchets, je devais tout mettre dans des cartons, tu vois, tous les trucs plastiques et tout, je mettais dans un carton et après je trimballais le carton jusqu'à la benne la plus proche. Et c'est, enfin tu vois, c'est à ce moment-là, c'est ça, faut être motivé à le faire, tu vois. Et du coup je peux comprendre que certains puissent pas. Après je rejoins un petit peu Domingo sur le fait que pour moi, enfin moi j'estime faire des efforts. Alors je sais qu'on peut toujours faire mieux, tu vois, comme ne plus acheter de sacs en plastique quand tu fais les courses, même si t'oublies ton sac, tant pis, etc. etc., tu vois. Mais je suis un petit peu d'accord sur l'idée que je pense quand même que le petit peuple, si je peux dire ça, enfin en gros les gens à notre échelle comme nous, on peut, même si on se met tous à recycler nos déchets demain, ça fera toujours moins d'impact que si toutes les industries doivent réduire de 1% leurs émissions, tu vois. Non mais bien sûr que c'est... Et du coup, ce côté-là, c'est quelque chose qui peut-être engendrait des problèmes économiques dont, encore une fois, on n'en sait rien parce qu'on n'est pas dans les petits papiers de l'État, tu vois. Donc on sait... On ne connaît pas leurs dépenses, tu vois. On ne sait pas ce qui fait quoi, etc., etc. Mais si rien que ça baissait d'un pour cent, peut-être que ça ferait une grosse différence pour le climat. Et c'est, et c'est ça qui, je pense, est pointé du doigt par les assos. Clairement, en tout cas, c'est très intéressant parce que c'est hyper actuel et c'est notre génération, c'est notre génération et de ce qu'on laissera aussi au suivant. Il y a Sylvain qui est là à l'antenne. On est un petit peu en retard sur les sons, donc je vous propose, on va mettre Zoom de Soprano maintenant et on en reparle, n'hésitez pas. Hein. Là, on va prendre tout le monde à l'antenne, 0870 42 48. On revient juste après Zoom. Nous, on est là jusqu'à minuit pour Domingo Radio Stream sur Énergie. Alléluia, alléluia. Hermano Sopran Baba. Hermano Shahuela. Je suis toujours resté le même. Je suis toujours resté franc, oui, comme ma première SACEM. 20 ans au-dessus de la mêlée, je ne sais pas m'arrêter. Je sais que je devrais en laisser, mais bon, je ne sais que les dresser, car j'ai ça dans l'ADN. Non, je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas faire doucement. Je les entends me tailler, normal, on taille que les diamants. J'ai dû hériter de la baraque de mon voisin Zinedine. À la baraque, il y a une décennie de trophées, mais que des retournés à la Gareth Bale. Les baffes, leur donner le tournis quand tombent les tout derniers chiffres. De leur carrière, j'ai pas tourné la page, mais j'ai plutôt fermé le livre. Mélanger les styles et les gens depuis tellement d'années qu'ils n'arrivent plus à suivre. Donc obligé ce soir de leur expliquer ce qui leur arrive. Viens, zoom, zoom, zoom, comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda. Dans la leyenda. merci la zone. Et merci la zone. Et merci la zone. Jamais on trahira la ronde. Pour de l'oseille ou bien des nanas. Jamais on trahira la ronde. Zoom, zoom, zoom. Comme Diego dans la bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda. On parle de tout dans Domingo Radio Stream. Dimanche, un sujet qui nous touche, qui nous rassemble, ou pas. C'est le débat de Dwagby sur Énergie. Et oui, et cette semaine, c'est l'affaire du siècle, justement, la mise devant les tribunaux du gouvernement français, par une tonne de youtubeurs, d'acteurs. Pas encore, parce qu'il y a encore. Une petite lettre, mais c'est ce qui va arriver. C'est l'avertissement, on est en train de parler du coup, justement, de tout ça. Et on a Sylvain qui est avec nous à l'antenne. Ah. Salut Sylvain. Ouais, salut à tous, salut l'équipe. Mmh. Salut, salut Sylvain. Bon, alors, qu'est-ce que t'en penses de cette affaire, toi? Moi, je trouve ça intéressant. J'ai entendu